Bonjour à tous, bienvenue dans le Upcast 27, Upcast que nous enregistrons lundi soir le 14 mars 2016 après une bonne petite journée de boulot. Je suis en compagnie de Grégoire, salut Grégoire. Salut à tous. Salut Julien. Salut à tous, moi je peux travailler donc... salut les bio. Sa couleur lui, tout va bien. Et salut Lim. Salut à tous, bah moi pareil, j'étais en RTT aujourd'hui. Oh putain les gars, non mais arrêtez de nous dire ça. Grosse feignasse. Hein. Les mondes de feignasse, bon. Upcast, c'est le podcast où l'on parle de divertissement, on parle de jeux vidéo, on parle de techno. Techno, c'est de plus en plus léger, hein, si tu peux me permettre de... Oh bah écoute, de t'as qu'à en faire des news techno. Cette parenthèse. C'est une partie qu'on est en train d'abandonner petit à petit, non? Bah non, il y a trois news par rubrique, j'en ai fait trois, ça. Oui, heureusement que Julien est là. Parce que Julien nous vole les news techno, je voulais faire les mêmes que lui, il les a inscrits avant moi dans le doc. Bon bref. Non mais on s'y tient à la techno, mais c'est vrai qu'on est moins assidu qu'au début quand on faisait beaucoup de grosses parties techno. C'est sûr, ça dure un peu moins longtemps qu'avant. Et on termine par un conseil cette semaine, pas de promo sur canapé, n'est-ce pas Julien? D'accord, j'ai bien compris le message. Un conseil et les sorties ciné, les sorties jeux vidéo qu'on va aborder à la fin de ce podcast. On vous remercie au passage pour tous les commentaires que vous avez mis sur upcast.fr, on est toujours content de vous lire. On a eu des petites recommandations sympas, moi que j'ai notées tout de suite sur Sens Critique. Voilà. On va commencer par la partie divertissement. Partie divertissement, on va commencer par un petit débat. Proposé par Julien. Ouais, de quoi veux-tu parler? En fait, ouais, par rapport au précédent podcast, on avait parlé de Kanye West. Donc bon, c'est vrai que c'était un petit peu people, on me l'a un peu reproché sur certains forums. Non, mais pas reproché, mais Tu es très dit people, aussi. Julien. Non, mais c'est vrai que c'était pas forcément un débat. En plus, Dim s'en foutait, ça ne connaissait pas. Donc moi, j'ai piqué du nez, alors. Grégoire avait travaillé toute la... Moi, je connais un peu Kanye West, mais j'ai improvisé. Oui, je l'aime bien. Donc là, je ne dis pas trop des coulisses. Je me suis dit, ouais, on va c'est bien les coulisses. On va revenir à un débat un peu plus classique, celui des remakes et des reboots au cinéma. Ah. Sujet qu'on avait plus ou moins abordé pour les séries. Exactement. Alors là, les types qui recyclent leur propre débat. On a déjà eu ce débat, donc si vous avez déjà entendu tout ça. On va remaker ou rebooter un débat. On est dans la tendance. C'est de la méta, c'est bien. Voilà, ouais. C'est très méta. Et puisque, en fait, j'ai choisi ce débat parce que ces derniers jours, on a eu la bande-annonce du prochain Ghostbusters. Et pour le coup, ça a suscité pas mal de réactions sur les forums, notamment pas mal de réactions négatives après le trailer. Même si pour le coup, la bande-annonce a plutôt fait un carton, puisque c'est 17 millions de vues en 24 heures. C'est pas forcément bon signe pour le coup alors. Pourquoi c'est pas bon signe? Est-ce que c'est 17 millions de gens qui se sont trouvés ça nul quoi? Ah bah non, je pense pas quand même. Dans le tas, il y en a bien un ou deux qui a aimé quand même. Je pense qu'il y a le réalisateur qui a été voir sa propre bande-annonce. Au moins 10 millions de fois. Il n'y a pas 17 millions de pouces rouges, tu vois. Non, bah après, c'est toujours difficile de savoir si les gens ont apprécié parce que 17 millions c'est beaucoup, mais après, moi je regarde un peu les forums, mais voilà, ça concentre quand même des gens qui sont un peu de la même tranche d'âge, qui sont, quand tu fais sur les forums par exemple jeux vidéo, c'est tellement ciblé à certains publics que ça marchera quoi qu'il arrive. Ça montre déjà que le film est super attendu quand même. 17 millions en combien jours, t'as dit 24 heures. En 24 heures, ouais. Hein, ouais, non, c'est vachement attendu. Même, même Psy, il fait pas ça. Hein. Psy, c'est... Non, tu parles de Gangnam Style il y a 2 ans et demi, en fait. C'est d'accord. Les références. Même Psy. Il n'y a pas que vous qui me parlez de grande musique. Hein. Mais c'est quoi là, c'est un podcast de 2012, c'est ça, ça... Oh donc, my god. Déjà pour parler un peu de la bande-annonce, justement, est-ce que vous avez été convaincu, vous avez été sceptique, atterré comme certains, impatient? Bah écoute, moi je l'ai trouvé pas si mal que ça. En fait, je l'ai vu, je savais déjà qu'il y avait une polémique, machin, enfin que les gens la trouvaient nulle, que tout le monde était en train de dire c'est la pire bande-annonce du monde, ça va être affreux. Donc je m'attendais vraiment à un truc nul. Bon, la bande-annonce n'était pas spécialement créative, elle n'est pas spécialement innovante, un peu l'impression d'avoir vu déjà 1000 fois la même bande-annonce. Mais ça a un peu marché pour moi quand même, l'équipe de Ghostbusters au féminin. Voilà, j'ai trouvé ça un peu fun. Après, je me suis quand même dit un peu, ils se sont pas trop foulés. Mais j'étais content de retrouver, si on parle du film en soi, genre un peu l'esprit des fantômes comme ils étaient faits à l'époque. Enfin, tu vois, un peu les mêmes effets spéciaux en termes de rendu, en tout cas, ce dont je me souviens, parce que ça se trouve, c'est bien mieux maintenant que ce qu'il y avait à l'époque. Ouais. Mais je m'attendais tellement à une bonne annonce complètement ratée. Que bon, alors au final, y a la petite blague au bon moment, c'est exactement toujours le même rythme et tout, mais je ne l'ai pas trouvé particulièrement raté, je sais pas pour vous autres. Mais... Stan, tu l'as vu la bande? Oui, moi j'ai trouvé comme Grégoire qu'ils se foulent vraiment pas sur le scénario ou l'univers, mais c'est peut-être pas ce qu'on leur demande justement. Hein. Après, moi, ce que j'ai apprécié dans le film, c'est la bande de copines. Ce que j'ai pas apprécié dans le film, c'est que l'univers dans lequel elles sont est nul, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça pas inspiré. Bah, le même en fait, univers en fait. Enfin, et puis en fait, je m'attendais à ce qu'il y ait une relation entre ces filles et les acteurs d'origine, c'est-à-dire qu'elles soient les filles d'eux ou etc. Toi. Mais en fait, on n'a même pas l'impression qu'il y ait le lien avec les anciens Ghostbusters. J'ai pas compris le lien qu'il y avait avec ou. J'avoue que j'ai pas fait de recherche, mais je suis pas sûr qu'il y en ait. Ouais, bah voilà. Ça veut dire que dans la bande-annonce, je me suis dit, ah, ça se trouve, c'est une des filles de Bill Murray, on va voir Bill Murray un petit clin d'œil. C'est peut-être la fin, t'es en train de spoiler à tout le monde. Je sais pas, mais je me suis dit, bah, c'est nul, en fait, on nous fait croire qu'il n'y a jamais eu de Ghostbuster originel. Il devrait y avoir apparemment des. J'allais dire des apparitions, ça. C'est vrai, mais apparemment, il y aurait des anciens acteurs. Je sais qu'il y a un caméo de Bill Murray. Il y en a pas qui sont morts en plus. Ah, si, mais... si, bah, si. Dan Aykroyd aussi, enfin, tous par forcément celui qui est mort. Harold Ramis. Voilà, ouais, mais pour moi, les trois autres normalement devraient faire un caméo dans le film. Ceci, il pourrait le mettre en fantôme, ça pourrait faire un gag assez. Comme dans Zombieland, je sais pas si vous vous souvenez de. Dans Zombieland, il avait fait un caméo super marrant, Bill Murray. Oui. Il se faisait tuer au bout de quelques minutes. Oui, oui. Tu vois, moi j'ai eu l'impression qu'il y avait un peu deux camps, c'est-à-dire t'as les vieux fans de Ghostbusters et un peu, moi je suis plutôt dans la partie dans l'autre camp, c'est-à-dire les fans plutôt de Kirsten Wiig et Melissa McCarthy. Voilà, moi j'étais content de les voir, mais je m'en fous qu'elles soient dans Ghostbusters en fait, je suis content de les voir. Voilà, c'est ça, moi Melissa McCarthy je signe pour tous les films, tu vois, je trouve qu'elle a une. En plus, Wiig moi perso. Ah ouais. Mais je trouve que justement on le voit pas des masses ça dans la bande-annonce, c'est-à-dire que le potentiel comique de Wiig ou McCarthy, on les voit pas plus que ça en fait, par rapport à ce qu'elle pourrait être dans la vraie vie, tu vois, mais comment il s'appelle ce film, Mes meilleures copines, voilà. Là, voilà, c'est un film Wiig typiquement, qui est quand même hyper, hyper drôle. Ouais. Petit conseil au passage. Ouais, mais là, voilà, on ressent pas ce côté un peu humour décalé, un peu franchouillard, et en même temps qui est vraiment pas mal. Là, ça devient un humour un peu hollywoodien de base, standard. Enfin, voilà quoi. Et Dim, tu l'as vu ta bonne annonce ? Ouais, je l'ai vu. Bah, moi, ça m'a un peu fait ni chaud ni froid. Enfin, je n'attends pas spécialement ce film. J'aime beaucoup les deux premiers, mais. Enfin, là, en voyant la bande-annonce, j'avais l'impression de revoir vraiment une copie conforme du premier avec des actrices au lieu que ce soit les acteurs d'origine. Je trouve que c'est même vraiment flagrant. Par exemple, l'actrice noire, j'ai l'impression qu'elle a exactement le même rôle que l'acteur noir de l'époque, quoi, qui va se rajouter à l'équipe des trois scientifiques, qui n'est pas forcément scientifique, mais qui connaît la ville, par exemple. Ou celle qui a les lunettes avec un peu une coupe en pétard, j'ai l'impression que ça va être Bill Murray. Enfin voilà, je sais pas, bon, j'irai le voir quand même par curiosité, mais en fait c'est pas j'attends pas grand chose. Hein. C'est une suite ou c'est un reboot. Ouais, donc vraiment. ils sont pas fait chier, ils ont pris les mêmes personnages et ils les ont mis en nana quoi. Ceci dit, Dim, la dernière fois que tu nous as dit de bidon un film, il y avait la même étoile de l'étoile noire, il y avait ouais, c'est vrai ça. C'était un reboot aussi, tu vois, donc bon. Et Julien alors du coup. Non, moi j'étais plutôt convaincu par la, pas forcément par la bande-annonce, mais voilà, c'est plus l'esprit du film que j'attendais pour ce que je disais avant, c'est-à-dire pour les deux actrices, et c'est, je crois que c'est Paul Weck qui réalise un peu tout, enfin qui avait déjà réalisé, je crois, Mes meilleures copines, je crois que c'est lui qui il est souvent avec elle, donc voilà, j'étais plus convaincu par ça. Moi je suis pas un méga fan de l'original, je l'ai déjà vu, mais tu vois, il a pas vu Enfant quoi, mais tu vois, ouais, mais je comprends que si par exemple ils aient un remake ou un reboot de Retour à le futur, là je dirais c'est horrible dès le début, tu vois. Ah bah oui. Je gueulerais sans voir le truc, quoi. Ouais, bien sûr. Mais donc je comprends qu'il y ait des gens qui soient vraiment fans de Ghostbusters qui crient un peu au sacrilège. Je sais pas s'il y a des vrais fans de Ghostbusters au sens où il y en a de Retour à le futur. Enfin, c'est quand même un film. Oui, tout le monde l'a à l'époque, tout le monde l'a bien aimé, tout ça. Mais ça a pas créé un mythe comme Retour vers le futur. J'ai l'impression. Je m'excuse par avance dans les commentaires si c'est le cas pour vous, que vous êtes ultra fan. Je sais que je crois qu'il y a un des mecs de Gameblog qui est ultra fan de ce truc-là et qui l'attendait, et qui a été hyper déçu quand il a vu la bande-annonce. Mais c'est vrai que je connais pas des gens ultra ultra fans. Au point voilà, personnellement. Ah ouais, ah bah, même moi j'aime beaucoup, hein. Je suis peut-être pas non plus aussi fan que Retour vers le futur par exemple, mais je suis quand même vraiment bien fan, et j'ai rematé le premier il y a pas si longtemps que ça, et justement voilà la bande annonce là, mais j'avais vraiment l'impression de revoir le premier quoi, le fantôme dans la bibliothèque, un peu les mêmes blagues, ouais, c'est pas fou. Enfin voilà, ça me fait un peu peur. Pareil quoi, je pense qu'on va revoir à la fin. J'en sais rien, c'est pas un spoil, mais c'est une supposition. Je pense que ça va être vraiment la même trame scénaristique. Et à la fin, je pense qu'on va revoir un espèce de Bivendam Chamallow comme dans le premier. Mais dans la bande-annonce, on voit un géant. On voit un géant à un moment. C'est pas un homme, c'est un géant plutôt filiforme. qui ressemble. Et tu vois, ils ont innové. Voilà. On va le faire mince, les gars. Ah, j'ai c'est une super idée. Bah, oui, il s'est passé de gros kick à Ricky, quoi. Oui, c'est oui. Ça. Voilà. J'ai dit à la peur, j'en sais. Donc voilà, ça c'était juste pour faire une petite introduction, pour parler d'un peu de cette news et de la bande-annonce. Mais après, pour élargir le débat plus généralement au remake et au reboot au cinéma, au soi-disant manque d'inspiration et à l'absence de prise de risque de l'industrie, et avant qu'on passe aux définitions et aux explications d'usage, je me rappelle aussi qu'on l'avait fait pour les jeux vidéo, on avait aussi parlé des remasters et des remakes. On peut dire en fait que le remake et le reboot, c'est une pratique qui a à la fois de l'avenir et en même temps du passé. En fait, je regardais sur... c'est un peu difficile d'avoir des chiffres exacts, mais pour donner un ordre d'idée, je regardais sur Allociné, donc notre partenaire fictif, hein, on le rappelle, Allociné, ouais. Toujours là. Quand... voilà. Toujours au bon endroit. Ils ont comptabilisé près de 250 projets de suites, remakes et reboot. Alors, c'est à la fois les suites qui sont comptabilisées dedans, mais ça donne un peu un ordre d'idée de tous les projets. Ça comprend les séries. Attends, t'as une période, j'ai pas excusé. Excuse-moi, j'ai. 250 projets de suites. Sur un an projet. Reboot en, non, avenir. Non, en avenir. Ah là, d'accord. Ouah, 250. Ouais, mais il y a beaucoup de séries aussi, j'imagine, dans le tas. Il n'y a pas les séries, c'est que au cinéma. Ouais. Ah oui, pardon. Ouais. Ah, d'accord. Qui sont donc en chantier ou qui vont arriver dans les prochains mois ou alors qui sont en discussion. Et puis finalement, il suffit d'écouter Upcast régulièrement. On fait quand même pas mal de news sur des reboots, des remakes probables. La moitié de nos news, en fait, c'est quasiment des reboots. En fait, hein, quand ils pensent quoi, quasiment une news sur deux, une news sur deux d'investissement depuis un an, c'est des reboots, des machins, des trucs comme ça, des remakes. Et donc, je disais ça, donc de l'avenir et aussi du passé, puisque si on regarde dans le rétroviseur, le remake reboot, le dernier terme est quand même plus récent. On parlait pas de remake, on parlait pas de reboot à l'époque, c'est vraiment quelque chose, on verra après sur les définitions. C'est presque aussi, j'ai l'impression que c'est presque aussi vieux que le cinéma. Que dès le premier film sorti, il y a déjà quelqu'un qui s'est dit, ça serait bien. Je vais refaire l'arrivée en train, d'un train en gare, mais d'un autre point de vue. Bah, il faut savoir que à la base, ils avaient fait trois versions de cette même scène. C'est vrai, tu vois. Enfin, on parle du coup du premier film des Frères Lumière. Ouais, des Frères Lumière, l'arrivée d'un train en gare. Ouais, je disais des trucs et apparemment ils avaient fait trois versions. Qui était le premier film officiellement, je crois, de l'histoire du cinéma. Et voilà, donc j'ai regardé un peu sur Sens Critique, j'ai trouvé en fait une liste de remakes qui montait à 266 films quand même. Mmh. Donc ça donne aussi un ordre d'idée, c'est une liste pour ceux que ça intéresse qui sont sur Sens Critique, c'est Docteur Qui. Docteur Qui. Docteur comme un docteur et qui. Comme un qui. Comme un qui. Voilà. Voilà. Et pour le coup, je vous conseille aussi une vidéo de John R. Lioré, qui est sur Vimeo. On mettra en fait le lien sur upcast.fr. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait en fait en 3 minutes un montage comparé du film original et de son remake. Ah. Donc ça dure 3 minutes. Et pour le coup, c'est assez intéressant de voir les mêmes plans pratiquement ou les façons dont les scènes ont été tournées. Donc ça concerne, il y a une petite liste de films. Donc il y a All Boy, il y a Funny Game, il y a Vanilla Sky et le film d'Amenabar, il y a Psychose, le suite d'Hitchcock et suite de Van Sant. Psycho, en l'occurrence, Psycho. C'était voulu. C'était voulu, oui, tout à fait. Il y en a beaucoup qui sont assumés dans la liste. Mais il y a aussi une distinction à faire, si je peux me permettre, mais tu vas peut-être y venir. C'est que là, tu cites des films en fait, qui ont été juste américanisés. Oui, parce que All Boy, c'est l'adaptation. En fait, c'est plus une adaptation. Game. Non, Funny Game, c'est un peu. Non, mais c'est quand même un remake. Funny Game, c'est fait par le même réalisateur. Oui, voilà, c'est pour ça que je dis c'est un peu différent. Mais c'est comme The Ring et Ring. Oui, voilà. C'est une adaptation, mais ça reste quand même un remake. Oui, c'est vrai. Parce que moi, je suis parti de la définition quand même de Wikipédia. C'est quand même la source sûre, hein, comme on dit par chez nous, c'est le gars sûr de la définition. C'est également notre partenaire définition. pour distinguer remake et reboot. Et alors, pour le coup, c'est pas par paresse, mais pour montrer que la définition, elle a déjà ses limites, puisqu'ils définissent un remake, du verbe anglais to remake, qui signifie refaire. C'est un film dont l'histoire a déjà été portée à l'écran. Le concept de remake est le même pour les adaptations littéraires. La première adaptation du livre est la version originale et appelée adaptation littéraire. Les suites sont des remakes. En fonction des choix des nouveaux réalisateurs, producteurs, le nouveau film peut être plus ou moins fidèle à l'original, allant du remake plan par plan, donc on en parlait, hein, Psycho de Gus Van Sant, ou remake totalement libre, Piranha 3D, dont le scénario n'entretient plus qu'un vague rapport avec le Piranha original. Donc la première question que je me suis posée, c'est est-ce qu'un remake, c'est totalement libre et on n'est pas déjà finalement dans le reboot? Ben, je sais pas, mais là, moi, je suis étonné en fait d'apprendre ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on considère que, voilà, tu dis Piranha 3D, c'est donc un remake de Piranha. Ouais, parce qu'en fait, ce qu'ils définissent. Non. Tu pensais que c'était un reboot? Bah, je pensais que ça n'avait pas de lien. Tu vois, limite, à part se dire il y a des piranhas, quoi. Mais, il y a certains. Enfin, je trouve que la définition, pour le coup, manque un peu de nuances, quoi. Je trouve que la frontière entre les deux est très subtile. Bah, alors, ils définissent reboot comme. Ils définissent en disant terme anglais signifiant redémarrage, désigne une nouvelle version d'un film ayant souvent connu de nombreuses suites. Cette nouvelle version est caractérisée par le désir de repartir sur de nouvelles bases plutôt que de prolonger une saga généralement encore récente. Ce qui distingue le reboot du remake, qui lui, est une nouvelle version d'un film relativement ancien, n'ayant pas connu récemment de suite. Oui, alors par exemple, si je prends un cas concret là, récent, les derniers Spider-Man. Ouais, j'ai pris le même cas. Ah bah voilà. Par exemple, Amazing Spider-Man. C'est très ambigu, je trouve. Bah, c'est classé dans les reboots. Alors attendez, voilà. Attendez, ouais, Amazing Spider-Man. Donc il y a eu le Spider-Man. Attends, il y a Dim, notre expert comics. Ouais, non, je le disais, vous faites bien de prendre un exemple de film tiré de comics, parce que les reboots, à la base, ça vient des comics. On reboot, par exemple, Marvel reboot quasiment, pratiquement une fois par an, ses séries pour en faire des numéros 1, où ils reprennent les mêmes personnages, mais avec des nouvelles histoires, et faire avec un numéro 1 pour pas faire peur aux lecteurs et que pour pouvoir accrocher des nouveaux lecteurs, ouais, justement, ouais, avec le format numéro 1, quoi. Logique. Mais alors, ouais, du coup, attendez, Amazing Spider-Man, c'est un reboot, alors. C'est un reboot. Ouais. De celui des Sam Raimi des années 2000. Ouais, mais d'accord. Est-ce que c'est pas finalement aussi un remake du premier? C'est-à-dire que le premier Amazing Spider-Man, pas le 2, mais le premier où finalement il se fait piquer, est-ce que c'est pas finalement un remake? Parce qu'il refait les mêmes scènes que le Sam Raimi. Bah moi, ça m'a supporté parce que j'ai l'impression de revoir le même, qui ne sert à rien, en fait. Après, c'est la qualité du film. Mais non, je veux dire, c'est pour ça que... Après, c'est subtil, mais en fait, pour moi, c'est un reboot parce que c'est le même personnage, mais avec à peu près la même histoire, mais avec des variantes. Par exemple, c'est pas le même méchant. Ouais, dans celui de Sam Raimi, c'est le bouffon vert, alors que dans l'hôte de Mark Webb, c'est le lézard, par exemple. Donc voilà, c'est, pour moi, c'est plus un reboot qu'un remake. Ouais, je suis assez d'accord. Mais je suis assez d'accord avec c'est aussi cette idée de dire qu'un reboot, c'est souvent quand une série a eu pas mal de par exemple, Batman. Tu vois, il y a eu 4 épisodes et après, on te fait un reboot. C'est-à-dire qu'un film ancien qui est relancé, c'est toujours plus difficile. Par exemple, est-ce que Robocop, c'est un reboot ou est-ce que c'est un remake? Je l'ai pas vu. Moi, je l'ai vu. Hein, mais... Ou, je sais pas, Total Recall. Est-ce que c'est un... pour le coup, c'est plutôt des remakes. Je l'ai pas vu, ça, le dernier Total Recall. J'ai pas été jusque-là quand même. Mais par contre, ouais, non, je suis. Du coup, ça, je me pose même la question sur, sur le sujet qui nous intéresse là, à savoir les Ghostbusters. Ouais. Donc là, c'est un reboot ou c'est un remake? Sachant qu'il y a eu plusieurs versions de Ghostbusters, on peut penser que c'est un reboot. C'est un reboot juste parce qu'il y a des nanas qui prennent le rôle, en fait. Je comprends pas c'est quoi qui fait que ça devient un reboot. Sachant en plus que dans la bande-annonce de Ghostbusters, si je dis pas de bêtises, au début, il y a un titre qui est marqué où c'est notifié 30 ans après, les fantômes reviennent ou quelque chose comme ça. Quoi. Ouais, ouais. Donc ça... on pourrait même s'imaginer que ça peut être une suite. Une suite, ouais. Oui, parce qu'ils laissent planer, comme tu dis, Dim, hein, dans la bande-annonce, ils laissent planer le doute comme quoi l'équipe de Ghostbusters originelle est perdue, oubliée tout le monde, etc. Elle a existé, les gens ont oublié. J'avais vu une interview. Enfin, une citation du réalisateur, comme quoi on aurait la réponse en allant voir le film. Je pense aussi que voilà, ils font exprès un peu de nous questionner. Quoi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on voit déjà qu'il y a un problème de définition entre remake et reboot. Notre partenaire Wikipédia bof, là, voilà. Sur le coup. Hein. Mais même quand tu prends le remake, là, je suis tombé sur un bouquin d'une personne qui s'appelle Raphaël Moine, qui s'appelle Remake, les films français à Hollywood, alors qui est intéressant, mais un peu théorique, c'est CNRS édition, donc c'est un peu... Voilà, c'est tout de suite, ça calme. Mais qui montre bien en fait la difficulté de circonscrire à une définition le remake. En fait, j'ai vu citer un passage qui est assez intéressant. Donc elle dit la copie du film. Donc en fait, elle parle de Pépé le Moko, donc le film de Duvivier, qui a un remake qui s'appelle Algier, et elle parle de Du jour se lève de Marcel Carné, qui a un remake qui s'appelle The Long Night. Ah ouais. Et elle dit, et là, donc elle parle de la copie du film, puisqu'elle dit que c'est vraiment des remakes qui sont presque plan par plan, avec des fois la même musique, le même scénario, les mêmes lignes de dialogue. Et elle parle après de la recréation d'une idée déjà filmée, et elle cite L'Armée des Douze Singes, qui est en fait un remake de La Jetée de Chris Marker, sauf que, c'est deux pôles extrêmes entre lesquels s'étire toute une gamme de remakes, dont la majorité procède davantage par imitation ou transformation des sources de leur version originale que par imitation de l'œuvre filmique. Le rapport entre la dose d'imitation et la dose de transformation étant extrêmement variable, et le point le plus intéressant, c'est de dire au point que le remake se voit parfois défini comme une nouvelle version d'un scénario déjà tourné. Donc on voit que dans sa définition, il y a des choses qui sont presque du plan par plan, comme là, psychose, elle prend l'exemple. Voilà. Par exemple, c'est vraiment du plan par plan. Là, je pense que c'est encore différent. Mais en fait. Par exemple, L'Armée des Douze Singes, quand tu vois l'original et tu vois donc le moyen métrage ou La Jetée de Chris Marker, il va utiliser les mêmes thèmes, mais le film il a presque plus rien à voir. En fait, je pensais même pas qu'on appelait ça un remake. Tu vois, L'Armée des Douze Singes, que ça soit un remake de La Jetée, ça me choque un peu dans sa définition. J'aurais dit que c'était une adaptation presque ou une inspiration, La Jetée. D'ailleurs, je crois qu'ils disent que c'est inspiré du film La Jetée à la fin, dans le générique de L'Armée des Douze Singes. Mais bah enfin ils sont voilà ils sont obligés de le dire, mais ils disent pas remake de, ou ils disent inspiré par la jetée. Et je trouve de dire un remake l'armée des 12-5 sur la jetée, ouais bon clairement c'est. Mais là elle prenait vraiment deux extrêmes pour montrer que déjà même à l'intérieur du remake, on a une définition qui est extrêmement large et qui concentre finalement des films qui s'inspirent vraiment plus ou de manière plus ou moins éloignée de leur modèle. Ah il faut inventer d'autres mots là. Nuance entre remake et reboot, ça serait la liberté prise avec le matériel de départ en fait, c'est un peu ça le. Bah ça serait la volonté de refaire table rase du PC comme disait Julien apparemment, mais moi c'est vrai que je la sens pas, enfin on la sent pas toujours quoi, ouais. Où elle est dans un remake qui est très très éloigné de sa source d'origine, on se demande s'ils veulent pas faire tu vois, on pourrait dire que dans ce cas l'armée des 12-5 est un reboot hein, et non pas un remake de la jetée, puisque quelque part il reprend l'idée de départ et puis il en fait quelque chose de complètement différent. Un reboot serait pas plutôt une base d'un film qui aurait marché à une époque et du coup on essaie de le relancer à une autre époque, et un remake serait juste une nouvelle façon de refaire le film pour le faire découvrir à un public ou pour le peut-être lui offrir une nouvelle ouais, audience. C'est en fait finalement la distinction qu'ils font entre un film ancien qui va plus facilement avoir un remake et une série récente qui va plus ou moins avoir un reboot, c'est-à-dire qu'on reprend l'idée, c'est ce que Dim disait tout à l'heure sur les comics, où il y a des reboots constamment, parce qu'on reprend en fait l'idée de base, on reprend le personnage, mais après on l'adapte différemment. Alors que le remake, il va peut-être être plus proche de l'original, mais on voit encore une fois qu'il y a des... On peut citer par exemple Scarface, de Palma, qui est un remake de Howard Hawks, l'original, il n'a pratiquement rien à voir avec le film de De Palma. Voilà, après, on va essayer quand même d'être d'un peu plus concret, et surtout un peu plus contemporain, plutôt en discutant des causes de la vague de remake de reboot. Alors déjà, j'ai fait un premier point sur le choix de l'industrie, on en avait parlé pour les séries, mais un remake ou un reboot, le plus souvent, c'est un nom qui parle, c'est surtout vrai pour les reboots, on mise sur des recettes qui sont déjà éprouvées, on minimise les risques d'échec commercial, c'est intéressant parce que ça montre aussi que ça marche souvent, parce que le public n'aime pas forcément la nouveauté, et va aller voir des choses dont il a entendu parler, qu'il connaît peut-être déjà un peu mieux. Clairement, ça se voit là, du coup, à 17 millions de vues en 24 heures, hein, par exemple. Donc les gens Quand tu vas dans un lieu connu, tu as moins un intellectuel d'assimilation d'un nouvel univers. Puis, tu sais que tu as aimé une fois, tu as envie de revoir ce qu'ils ont fait avec le même matériel. Quoi. Voilà, même Spider-Man, j'avais été tenté. Bon, finalement, je ne l'ai pas vu, moi, le truc avec le deuxième acteur. Là. Andrew Garfield. Merci, ouais, Andrew Garfield. Mais c'est vrai que j'avais été tenté juste pour le principe. En disant, j'avais bien aimé ce que Sam Raimi avait fait. Tu as envie de voir, tu es curieux. Ouais. Ça crée une curiosité déjà. Donc tu connais le nom, il y a déjà un effort marqué. En moins à faire pour les boîtes. Quoi. Ouais, parce que t'as l'impression que finalement ça concorde à la fois sur la volonté de l'industrie, ils prennent pas de risques, ils minimisent les coûts, même si ça, des fois ça marche pas, et le public finalement qui préfère aller voir quelque chose qui est un peu sur des rails, on se dit. C'est ça, tu sais que tu seras moins déçu, tu payes ton billet de cinéma 10€. Et en même temps, j'ai l'impression que le paradoxe, c'est que dans le premier cercle de fans, le remake, le reboot, c'est quelque chose qui fait quand même assez peur. C'est-à-dire souvent quand on t'annonce un reboot, là on parlait tout à l'heure de Retour à le futur, moi s'ils annonçaient ça, je commencerais à flipper. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais quel acteur ils ont pris pour Doc Emmett Brown? Forcément, c'est n'importe quoi. Tu vois, t'es presque critique parce que c'est quelque chose qui, c'est un film qui va t'importer. On en parlera tout à l'heure de la nostalgie aussi. C'est quelque chose qui marche très bien pour les remakes et les reboots. Mais j'ai l'impression que sur le premier cercle de fans et notamment aussi pour la critique, le remake c'est souvent quelque chose qui est assez mal vu. C'est presque un gros mot, un remake ou un reboot. Je pense que les critiques sont pas tendres avec les remakes et les reboots à partir du moment où aujourd'hui tu fais un remake d'un film qui a été un moment un peu clé ou voilà qui a été important. Ouais. Surtout artistiquement parlant, je pense que tu t'exposes à une valve de critique assez monstrueuse, quoi. Ouais, puis en plus, ils sont pas tendres, presque a priori. Oui, clairement. Ouais. Mais comme moi d'ailleurs, je le ferais, hein, comme tu disais. Hein, on dirait, on nous refait un Retour à le futur. Putain, je serais déjà furax, quoi. Bah, justement, je sais pas si t'avais d'autres choses à rajouter sur ça, sur le fait que par rapport à l'industrie. Non, après j'avais une question, mais qui sera peut-être complémentaire au convié que. Parce que après, finalement, c'est la transition, c'est de dire, est-ce que c'est une panne d'inspiration? Est-ce que finalement faire des remakes, c'est montrer que Hollywood n'a plus d'idées? On parle d'Hollywood parce que c'est la plus grosse usine à faire des remakes. Après, ça peut plus généralement. Perso, Tu penses pas? Moi, je pense que si. Non, je pense que c'est de la facilité. Je oui, pense voilà, pas que ça soit un manque d'idées. En fait, ouais, oui, mais c'est pas un manque d'idées. Je pense que des idées, ils en ont, mais c'est juste que c'est plus simple à valider auprès des financiers, quoi. Enfin, je pense, mais tu vois, à mon avis, des scénarios originaux, on va dire, jamais vus, etc. Tu sais, il y a une liste qui traîne à Hollywood où on sait toujours, tel scénario est depuis 15 ans sur la liste des plus gros scénarios qui ont un énorme potentiel, etc. Puis finalement, ils ne se font jamais acheter parce que l'industrie préfère miser ses 150 millions de dollars de budget sur un film dont elle sait que la moitié des gens sur Terre connaîtront déjà le nom, tu vois. Donc forcément, c'est plus simple. Mais c'est vrai que souvent, moi, je voyais ça passer il n'y a pas longtemps sur Twitter, des gens qui discutaient finalement des nouvelles licences. Pourquoi il n'y avait pas assez de nouvelles licences? Parce que certaines ne marchaient pas. Alors, ils citaient des trucs comme, le film... merde, pas Les Nouveaux Mondes, mais l'autre, là... Je sais plus comment il s'appelle ce film. Tomorrowland. Ouais, Tomorrowland. Il y avait aussi, par exemple, Chappie. Bon, c'est peut-être pas forcément un bon exemple. Et il y avait aussi, comment s'appelle, le truc que Disney avait essayé de lancer là, John. Ah oui, John Carter. John Carter. Ouais. Beaucoup disent que voilà, c'était pas forcément réussi, moi, mais ça posait aimé. Quand même un univers. mais je l'ai pas vu, mais ça posait. Apparemment, c'est pas mauvais. Ça posait un univers et ça tentait de faire quelque chose d'un peu différent. Bah oui, alors que là, finalement, toutes les caméras braquées sur Star Wars, qui est une suite. Mais le problème, c'est ça, c'est que les trucs, quand ils essayent de faire un truc nouveau, bah, ça fait syndrome John Carter et ça fait 30 millions de recettes au box-office alors que ça en a coûté 300, quoi. Donc, ils peuvent pas. Enfin, ils ont essayé. Je pense qu'à un moment, ils ont essayé vraiment, tu vois, de faire des choses un peu nouvelles, notamment les années 80. James Cameron, machin, il a sorti des trucs, tu vois. À ce moment-là, ça marchait. Et puis après, l'industrie a commencé à avoir un peu plus peur quand il y a eu 2, 3, 4 gros échecs. Et puis, bah, voilà, disons quoi. Que c'est pas la même crainte quand tu mets 200 millions d'euros dans un dollar, pardon, dans un film que quand t'en mets 20. Oui, voilà, tu sais. Voilà, suivant le marché sur lequel tu t'exposes et les frais que tu engages, c'est normal que tu veuilles t'assurer un peu au niveau financier un retour sur argent. Donc et ouais, moi je suis plutôt d'accord avec toi, Greg, sur le fait que c'est, pour moi c'est pas une panne d'inspiration. Mais j'avais il y a un article qui est assez vieux de Mark Harris qui avait écrit pour GQ qui s'appelait The Day the Movie Died et qui décrivait en fait l'industrie hollywoodienne qui tournait en rond. Il avait notamment une très bonne punchline sur le Batman de Nolan. Ouais. Je sais plus si c'était sur le 2 ou 3 sur le The Dark Knight ou sur Rises. Il disait, il le définit comme donc une suite d'un reboot, d'une adaptation d'un comic. Ouais, c'est pas faux. Donc voilà, c'était pour montrer la façon dont Hollywood se tournait telle une toupie sur lui-même et finalement faisait toujours la même chose et on arrivait à des choses absurdes en disant voilà, c'est une suite d'un reboot. Mais c'est vrai que même quand tu vois les trucs, les nouveaux, tu vois, on parlait de la dernière fois de Deadpool qui a vachement marché il y a pas longtemps au cinéma, mais en fait quand ils pensent, on pourrait se dire tiens, c'est un nouveau truc et tout. Mais en fait, le terreau était déjà cultivé depuis super longtemps par Hollywood parce qu'ils savaient très bien que c'était déjà une adaptation d'un comics qui marchait très bien. Ils savaient aussi qu'ils avaient testé les films parlant de comics depuis plusieurs années auprès d'un public qui est du coup maintenant un peu, qui connaît un peu ce genre de truc avec les X-Men, les machins, les trucs comme ça. Donc ils savent que le public est réceptif à ce genre de truc. Ouais. Donc même les, entre guillemets, les prises de risque sont même plus des grosses prises de risque parce qu'ils savent très bien quelque part que c'est des noms qui font vendre, les comics ça marche, il y a déjà une base de fans solide. Et maintenant, quelque part, il suffit de se baser sur un livre ou un comics déjà connu et ça fait déjà un matériau où tu sais qu'il y a déjà des gens qui connaissent quelque part ton truc et c'est des efforts marketing en moins. Parce que finalement, le budget des films, non, la moitié, c'est dans les efforts marketing qui sont faits après la réalisation. Quoi. Ouais, puis on parlait pour Spider-Man, mais on en parlait, je crois, il y a un ou deux podcasts, mais c'était hallucinant de se dire il y a déjà un reboot. C'est la troisième version, ouais. Et tu te demandais à qui s'adressait. Est-ce qu'il s'adresse aux gens qui ont aimé Spider-Man, aux fans du comics, aux enfants, puisque finalement Spider-Man c'est pas si récent que ça, c'était un des premiers. Là, c'est une vraie question. C'était un des premiers films de super-héros, enfin, de retour du film de super-héros. Jim, toi, tu sais le nouveau Spider-Man là, qui va être au cinéma, c'est plus un reboot, c'est quoi ? Enfin, c'est quoi, tu sais ? Alors déjà, oui, il est introduit dans Civil War. Hein. Je sais pas si vous avez vu la dernière bande-annonce, mais on le voit déjà dedans à la fin. Ouais, moi j'ai vu ça. Ouais. Donc là, il va être vraiment introduit dans le film là. Et après, je sais que c'est en 2017, il me semble, il y aura le film qui sera donc coproduit entre Marvel Studios et Sony. Et normalement, ça restera quand même une origin story, quoi. Mais le réalisateur a quand même promis qu'il allait essayer de faire quelque chose de différent. Bon, il y aura quand même toujours, à mon avis, le délire avec l'oncle Ben qui va mourir ou des choses comme ça. Mais bon. L'araignée mutante, la morsure, etc., etc., quoi. Pour être bien, ça serait style qu'il le fasse en forme de flashback, que ça soit vite fait évoqué, on va dire. Pour réintroduire le personnage, mais que bon, que ça prenne pas non plus les trois quarts du récit du film. Donc à voir, quoi. Après, oui, on en parlait tout à l'heure, on l'évoquait, mais c'est vrai qu'on est quand même une génération aussi où la nostalgie, c'est un truc qui est quand même super vendeur. Et, enfin, j'ai l'impression qu'on est un peu génération nostalgie. Tu vois. Ça, c'est sûr que ça marche. Hein, on est sponsorisé par Nostalgie. Non, bientôt. On va diffuser notre podcast. Mais tu vois que, on sait que ce soit la télévision, que ce soit le cinéma, que ce soit la musique, tu as l'impression que les trucs années 80, donc là, tu remakes, tu reboots des films de cette époque-là, tu as l'impression que c'est jackpot. On l'a vu avec Jurassic World. C'est sûr qu'en fait, quand tu regardes aussi l'industrie, elle marche de façon cyclique. Et je ne sais pas si c'est parce que la nostalgie est une valeur qui marche bien et que c'est comme ça tout le temps. Mais tu regardes les premières générations de grands films américains, on va dire, c'est les années 40-50. Ce qu'on a vu dans les années 70-80, c'était en fait des remakes de ces films des années 40-50 qui, à nouveau, ont marqué les esprits dans les années 70-80. Dans les années 2000, on a eu des remakes de ces films des années 70-80. Puis là, on va arriver en 2016, après 2020, on va commencer à avoir des remakes. Et on va avoir des Terminators qui vont peut-être rebooter ou ce genre de truc. Non mais voilà, enfin à nouveau mieux, j'ai envie de dire reboot, un vrai reboot, on repart de zéro, hein. Ouais, les délais entre les films d'origine et les remakes, ils sont de plus en plus. Ah bah Spider-Man, c'est hallucinant. Bah moi, ce qui m'a encore plus étonné, c'est, je sais pas si vous connaissez le film d'horreur, c'est le premier film d'Eli Roth qui s'appelle Cabin Fever. Cabin Fever, ouais. Il est vraiment pas vieux, quoi. Il a quoi, peut-être un peu plus de 10 ans, ce film-là. Ouais, je l'ai vu au cinéma. Ben là, j'ai vu la semaine dernière, il y a la bande-annonce du remake. Oh putain. Mais c'est marrant parce que ça va trop loin. Quand j'ai regardé les listes, il y a énormément de films d'horreur qui ont été remakés. C'est peut-être pas la même durée dans les films d'horreur. Je sais pas, peut-être que l'horreur progresse plus vite ou je sais pas. Voilà, ils ont moins d'idées pour faire peur, donc ils disent on va utiliser les bonnes vieilles ficelles qui fonctionnaient à une époque, ça fonctionnera toujours. Bah, de toute façon, les films d'horreur, je trouve, c'est quand même été un peu les premiers films qui ont été un peu sujets aux suites, remake, reboot. Quand tu regarderais que la série des Freddy, il y en a eu 15 000, les Jason, pareil. Et voilà, je pense que c'est vraiment un genre aussi qui s'y prête bien. Donc, ouais, puis c'est vrai que dans les suites de Freddy ou de machin, en fait, c'était plus ou moins des reboots déjà à chaque fois. Ouais, c'est vrai que c'est un genre particulier. C'est toujours un peu les mêmes histoires en même temps. C'est pas faux. c'est un mec qui bute des adolescents. Là, pour le coup, c'est peut-être un petit manque de créativité qu'Hollywood a. Oui, et dernier point que je voulais aborder, après vous en aurez peut-être d'autres, mais parce qu'on a surtout parlé de l'industrie, de l'industrie et du public, mais finalement il y a aussi la question de la cinéphilie. On parlait tout à l'heure du remake de Gus Van Sant, qui est un remake plan par plan, donc c'est pas un remake qui va s'adresser au grand public, parce que finalement c'est plus une espèce de recherche esthétique, de montrer finalement, de faire les mêmes plans aujourd'hui, ce que ça dit d'un film de l'époque et ce que ça dit du cinéma aujourd'hui, du contexte cinématographique. Et voilà, parce que quand tu parles du remake, on peut aussi inclure à l'intérieur, tout à l'heure on essaie de voir un peu les définitions, on voyait que c'était un peu poreux, on savait pas trop ce que c'est un reboot, un remake, même à l'intérieur, mais finalement tu peux citer la citation, l'hommage, ce qu'on appelle l'intertextualité en littérature. J'ai vu qu'il y avait l'intercinématographicité. Voilà, ça existe apparemment, c'est un terme. Vous êtes sur Upcast, bienvenue. Voilà. Ou finalement l'inspiration, dernièrement on parlait il n'y a pas longtemps de Tarantino. Tarantino, finalement, est-ce que c'est du remake, est-ce que c'est du reboot, est-ce que c'est du plagiat, est-ce que c'est de l'hommage, est-ce que c'est de la citation, Tarantino, est-ce que c'est de la réécriture? Ouais, ça, on peut se demander. Hein. C'est vraiment des citations, moi je dirais, mais on n'est pas loin parfois. Et surtout, on le voit dans tous les arts. Hein. Et notamment, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que la question, elle ne se pose pas tellement dans le théâtre. C'est-à-dire que le théâtre, quand tu rejoues, je sais pas, tu fais ton adaptation de Molière, il y a eu 120 000 adaptations de Molière avant, du Malade imaginaire, tu vas le refaire et personne ne va te dire tiens, tu refais un bon type. Des fois, peut-être on dit ça, peut-être arrêter de faire du Molière. Mais voilà, je veux dire, parce que c'est une adaptation. Alors qu'en cinéma, j'ai l'impression que l'œuvre, comme elle reste en tant qu'un objet et pas un spectacle vivant. Alors après, c'est la différence entre un spectacle vivant et aussi. C'est ça. Et on le voit dans la littérature, par exemple, il y a eu des remakes, je pense à Ulysse de James Joyce. Dans l'art, par exemple, Picasso, il avait entrepris de repeindre tous les tableaux de ses peintres préférés. Voilà, c'est quelque chose qui a toujours été là, finalement, le fait de s'inspirer, de réutiliser, de recomposer. On voit ça aussi dans l'art contemporain, qui est quand même un principe aussi de questionnement des arts qui sont passés avant. C'est une question peut-être que l'assimilation se fait peut-être moins dans le domaine cinématographique, dans le sens où l'appropriation elle est plus légère, et quelque part parfois entre le remake et l'original il n'y a pas une recherche, je vais être un peu violent, mais tu ne cherches pas à faire original, en fait tu ne cherches pas à refaire passer un autre message en prenant un premier matériau et en essayant de te l'approprier. Parfois tu fais juste ça, ça donne un peu ce sentiment qu'ils font juste ça pour se faire de la thune, et qu'il n'y a pas vraiment ce côté moi je vais raconter mon histoire en me l'interprétant et en choisissant tel parti pris. Et quelque part le remake de Gus Van Sant pour moi est presque plus une œuvre d'art qui va essayer de dire quelque chose en faisant quelque chose d'exactement similaire qu'un remake d'un énième truc qu'on aura vu 10 fois et qui est là juste pour faire de la thune, parce qu'en fait les mecs qui l'ont vu quand ils avaient 15 ans maintenant ils ont peut-être des enfants qui sont peut-être en âge d'aller au cinéma et eux ils l'ont jamais vu, et comment on va leur vendre, et c'est des consommateurs potentiels, et là dedans il y a une démarche artistique qui est vachement diluée et du coup qui nous touche moins et qui rend le remake et même la façon de toute l'entreprise du remake beaucoup plus artificielle qu'un vrai remake avec un artiste qui veut dire quelque chose. Bah, parce que tu vois, on parle de Gus Van Sant, mais ça, là c'est presque pousser le truc jusqu'à l'absurde, parce que c'est pas du tout vendable. Finalement, tu fais un remake plan par plan d'un des plus grands films du cinéma, ça fait pas d'entrée. Tandis que si tu fais un remake en, voilà, en changeant un peu la recette, enfin, t'as un peu les mêmes ingrédients. La fin. Non, mais voilà, tu on voit avec Ghostbusters, tu l'actualises, ok, tu fais un casting féminin, donc tu fais un peu une nouvelle recette, tout en t'éloignant pas trop pour que ça ait toujours un peu le même goût que ce que t'avais avant. Alors que là, finalement, c'est le même film plan par plan, mais recomposé à 50, 60, 70 ans d'intervalle. Et finalement, ça a plus du tout la même portée non. en termes à la fois de cinématographie et en même temps en termes d'industrie cinématographique. Je veux dire, le type qui est producteur, il en a rien à foutre du film de Gus Van Sant en tant que tel. Non, c'est la démarche artistique. Oui, comme tu disais, Gus Van Sant, il a été au bout de sa démarche artistique. Voilà, c'est un geste. Plus que... Là, je pense pas pour Ghostbusters, ce soit une démarche artistique très profonde. Enfin, tu vois, à mon avis, le but, c'était juste se dire, on va se faire des thunes. Qu'est-ce qui marche en ce moment? Ah, bah, les héroïnes, on n'a jamais fait un reboot avec des nanas, quoi. Boum. Mais tu vois, tu pourrais avoir un juste milieu. On parlait tout à l'heure de Terry Gilliam pour L'Armée des Douze Singes, voilà, qui est quelque chose de très respectueux de la jetée de Chris Marker. Il en a beaucoup parlé. Quant à les bonus, tu peux retrouver un peu la façon dont il était donné en bonus. Il était donné en bonus. Ouais. Donc, il a beaucoup fait connaître. Je pense aussi encore à Gus Van Sant avec Elephant, qui a fait beaucoup connaître le court-métrage Elephant. Voilà, parce que des fois, on en parlait il n'y a pas tellement de temps, je crois, c'était avec Stéphane Brisé, qui était plus ou moins inspiré d'un scénario, mais il n'avait pas vraiment voulu le dire. Des fois, c'est limite le plagiat. Alors que là, tu sens que c'est vraiment de l'hommage, qu'il est fan du court-métrage et qu'il leur fait quelque chose. À la base, voilà. Après, c'était... Donc tout ça pour dire, les Ghostbusters... Non, mais tout ça, voilà, pour finir sur... Tu vois, conclure ? Ouais, pour finir, c'est simplement... finalement, je m'étais demandé, est-ce qu'il y a des remakes que vous aimez C'était la question que j'avais posée. Ah, alors, c'est bien, Julien. Vas-y. Voilà, c'est-à-dire que moi, j'avais cité les bons remakes reboot, ceux que vous attendez et ceux que vous aimeriez voir... ceux que vous attendez dans le sens où ceux qui sont déjà annoncés et ceux dont vous aimeriez bien avoir un remake d'un film. Alors, je ne suis pas sûr d'en vouloir, mais déjà, moi, la question, ce serait presque... Est-ce qu'il existe un remake ou reboot qui aurait réussi à effacer l'original, presque ? Je pense quand tu mettre de l'ombre sur l'original en disant il est presque mieux que l'original. Quand t'as pas une bonne culture ciné, tu sais parfois pas que certains films sont des remakes d'autres films, tu vois. Quand tu disais tout à l'heure, je sais plus, tu citais plein de films. Par exemple, moi c'est pas que je les trouve, c'est pas qu'ils sont mieux parce que parfois j'ai pas vu l'original, mais par exemple, tu prends Scarface. Scarface de De Palma aujourd'hui, il est plus populaire que le Scarface de Ward Hawks. Bien sûr. Voilà. Oui. Pourtant, ça veut pas dire que je pense que de Ward Hawks, les gens ne savent même pas qu'il y en avait un autre. Oui, je pense que les gens, oui, en effet. C'est pour ça que. Je pense que voilà, il y en a qui sont, on va dire, tellement bons ou alors qui sont passés tellement dans l'idée du grand public. Par exemple, La Mouche de Suit Cronenberg aussi fait un peu référence par rapport à l'original. T'as celui alors qui est très connu, là c'est un peu différent, mais True Lies. Oui. Donc est-ce que c'est l'adaptation de La Totale, qui était pas mal, mais qui a plus grand chose à voir dans la version Cameron. Les deux très drôles. Moi, pour citer des exemples d'amis avec qui j'ai eu ce genre de discussion, j'avais des amis par exemple qui me disaient qu'ils avaient vu The Ring, donc la version américaine de Ring japonais, et ils avaient vu Ring japonais après, et ils ont trouvé le Ring japonais complètement nul. Ce qu'ils disaient. C'est froid, c'est très lent, on comprend pas ce qui se passe, alors que le ring américain, au moins c'est clair, on est en terrain connu. Enfin voilà, ils analysaient vraiment que le remake américain, pour eux, était beaucoup plus réussi que le remake japonais. Ouais. Voilà. C'était Florence, ça, non c'est ça. C'est très bête, Joe. Salut Florence, tu nous écoutes. J'espère pas d'ailleurs. voilà, donc. Je me dis, les remakes aussi, les producteurs, ils font peut-être pas que n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils s'adaptent à un public et que ça va toucher un public qui n'a pas été touché par l'œuvre originale aussi. Voilà, il n'y a pas que des points négatifs. Tu avais par exemple, pour le coup, c'est pas un très bon film, mais Les Choristes, c'était un remake de donc, La Cage au Rossignol. Oui. Et aujourd'hui, ça a un peu quand même effacé le... Après, paradoxalement, tu as des films qui échouent. Par exemple, La Guerre des Boutons, finalement. Ouais. Pourtant, il y en a eu deux. J'avais bien aimé King Kong de Jackson, qui était pour moi une bonne idée. Enfin, tu vois, c'était une bonne idée de faire un remake. Ouais. Je trouve que le premier était. Pour le coup, il y avait un décalage aussi technologique. Et puis, il y avait déjà eu un remake en plus. Oui, alors en 70. Ouais. Avec Jeff Bridges. C'est ça. Je l'avais trouvé du coup assez intéressant comme démarche. Et puis, il avait fait quand même. On sentait un peu sa patte. Enfin, donc, répondons à la question de Julien. Est-ce qu'on a trouvé des remakes reboot ou est-ce qu'on attend des remakes reboot intéressants ? Est-ce qu'on en attend pour le coup ? J'en sais rien, peut-être Dim, je sais pas. Non, là comme ça, franchement, je vois pas trop quoi. Ou un film que t'aimerais bien voir en remake ? Comment ? Un film que t'aimerais bien, tu te dis, ça serait bien qu'il y ait un remake ou un reboot ? Personnellement là, pourquoi pas des suites à Millennium ? J'avais bien aimé la version de David Fincher. Oui, qu'il a pas prévu. Qui était déjà un remake, du coup. Donc c'est pour ça, voir les autres suites remakées, ça serait pas mal, mais bon, je crois que c'est plus trop d'actualité, malheureusement. C'est pas plus une adaptation, d'ailleurs. Moi, j'aurais bien des vieux, genre E.T., tu vois, pourquoi pas. Je sais, non mais tu vois, tu te confrontes à un film justement hyper dur qui a presque lancé bah, à la fois un genre et un cinéaste voilà, aujourd'hui largement reconnu. Alors, ouais, le problème d'E.T., mais c'est un autre débat, mais c'est qu'il est tellement ancré dans une époque, c'est qu'est-ce que tu lui apportes aujourd'hui, qu'est-ce que ça apporterait aujourd'hui. C'est, bah, justement, il faudrait changer un peu le message. C'est pas moi qui vais le faire, hein, mais, mais je dis justement, ce serait intéressant, sera intéressant de faire un remake qui, bon, pour le coup, pour quand le coup c'est un film vraiment daté dans une époque qui parle d'une époque, vraiment les années 80, la banlieue américaine. Tu vois, Super 8 avait peut-être essayé un peu quelque part d'être un remake déguisé de E.T., mais c'était pas exactement pareil quand même. Moi, j'aimerais, ouais, j'aimerais bien qu'on essaye de reprendre les thèmes de E.T. et puis pourquoi pas d'en faire un remake aujourd'hui en disant autre chose, tu vois, pourquoi pas. C'est Julien, si tu devais répondre à ta propre question. Moi, j'avais bien, par exemple, aimé le remake de Aja de La Colline à des yeux. Oui, ah oui, ouais. Ouais. Donc, je trouvais ça plutôt pas mal. Et aussi, j'avais bien aimé L'Armée des Morts de Snyder et j'aime bien l'original de, bon, de Romero. Qui s'est fait assez descendre à l'époque et pourtant. Non, non, il est bien, L'Armée des Morts. Mais qui n'est pas du tout, il n'y a pas du tout la portée politique du Romero, mais je le trouve hyper efficace. Tout à fait d'accord. On la sent un peu quand même. Ouais. Bon, moi, bah, clairement, dans moi, Romero, mais... il y avait une critique de la société de consommation, voilà. De fait d'avoir placé ça dans un centre commercial, ouais. Et qui n'était pas du tout présente, a priori, ouais. Dans l'Armée des Morts. Mais je trouvais ça très fun, très bien foutu. Moi aussi, j'ai trouvé que c'était un très bon film. Il y avait d'autres critiques, il y avait d'autres choses. Après, ceux qui m'ont laissé sceptique, il y avait Les Infiltrés. Moi, alors, tout le monde le cite comme un bon remake, donc suite Scorsese, un remake du film. C'est une adaptation pour le coup. De Hong Kong. Tu parlais de The Ring, moi je trouve que le remake américain, enfin l'adaptation, le remake, je sais pas, est un peu moyen. Moi, j'ai pas aimé l'adaptation américaine, mais c'est pas si nul que ça. J'ai adoré film japonais, donc j'ai eu du mal à le voir. C'est sûr que, j'ai l'impression de le trouver un peu neuneux en fait, les remakes américains. Et alors, le pire, c'était le Choc des Titans. Ah oui, alors qui était quand même assez le film de 80. Non, mais là, tu prends du lourd quand même. Un classique. Le film des années 80, il est devenu culte avec le temps, avec la pâte à modeler. Ouais, ses effets spéciaux, voilà. En image par image. Exactement. Et pour les reboots, j'ai moins d'exemples. Alors là, moi, j'ai bien aimé le reboot de La Planète des Singes. Enfin, j'ai vu que le premier. De Tim Burton ? Non. Parce que là, on sait tout ça. Le dernier en date, là. Enfin, il y a eu le 2, j'ai pas vu le 2 encore. De Matt Reeves. Ouais, il est bien le premier, là. Alors là, je vois pas. Avec James Franco qui est pas du tout crédible en scientifique, mais bon. Ah oui, d'accord. Les singes qui commencent à devenir intelligents. Moi aussi, j'ai eu du mal. Je cherchais un voyage dans l'espace. Origine, non ? Origine. Oui, Origine. Je cherchais un voyage dans l'espace. Alors c'est quoi ça ? C'est un reboot ? Ouais, c'est un reboot. J'ai le mec qui a toujours rien compris. Et bah, il y a les Batman de Nolan. Moi, j'aime bien le premier, le Big Hit. Alors après, ça me saoule un peu, mais niveau visuel, c'est quand même une sacrée claque. Surtout qu'il est arrivé après les deux de Schumacher. Ouais, c'est ça. Avec Stallone. Si, en géant de glace, là, ou je sais pas quoi. Non, c'est Schwarzenegger. Attention, les gars. Attention. et sinon, dans le film pour lequel je me demande pourquoi il n'y a pas eu de reboot, c'est Matrix. Ça, c'est vrai. C'est une vraie question. C'est vrai. Je sais pas si les. Peut-être c'est encore trop moderne. Est-ce que ça. Pourtant, ça appartient à Warner, ça appartient pas aux sœurs. Ben non, ils sont sœurs. Ouais. Oui, les deux sont sœurs. Deux sœurs, ouais. Donc ça appartient pas aux sœurs Wachowski. Je pense que c'est trop récent. C'est Warner. Donc, c'est 2001. Bah, c'est pas trop récent. Ça a pas trop vieilli en plus. Ouais, ça n'a pas trop vieilli. Les effets spéciaux, c'est très bien. Les téléphones portables qui sont ringards maintenant, le reste, ça va. T'aurais rien à changer. Un petit remake avec Channing Tatum. Tu le vois ça dans le rôle de Neo? Ah non, je le vois pas. Il a pas la gueule. Bah, il a déjà joué dans le. Tu peux remettre le même acteur. Il a pas vieilli. Hein, donc tu laisses le même. Keanu Reeves, c'est un vampire. Attends, le mec, il va faire. Comment s'appelle son film d'action là? Il va faire le 2, là, John Wick. Ah, oui. John Wick. Ouais. Regarde, il a toujours 25 ans. Le mec, il bondit partout sur des murs avec des flingues. Il a pas vieilli. C'est la magie du cinéma, ça. Attends, génial. Et un remake de Bouboule. Bien sûr, oui. Benoît Brisefer et Bouboule en remake. Un crossover. Remake de Bouboule. Façon Batman versus Superman. Bouboule versus Benoît Brisefer. BBB, tu vois le truc. Julien, tu avais quelque chose pour conclure ? Bah non, c'était juste voulais conclure sur ce qu'on aurait pu attendre. Après, vous pouvez nous en citer là. Si ça nous vient au cours du podcast. Dans les commentaires. Non, mais je veux dire dans les commentaires. Oui, vos remakes préférés, ceux qu'on oublie, ceux qu'on aimerait bien voir. Puis ceux que vous voyez, ceux que vous aimeriez voir. Okay, exact. Grégoire, on va passer dans une partie un peu plus news rapide, on va dire, flash. Ouais. Grégoire, tu voulais commencer par nous parler d'un film que j'ai parlé tout à l'heure, dont j'ai parlé. Exactement, on a parlé tout à l'heure, Zombieland. C'est un film qui est sorti en 2009 et qui n'avait pas un énorme budget, mais qui a connu un beau succès à l'époque. Hein. On avait justement dit rapidement qu'il y aura une suite à ce film, parce que ça avait quand même plutôt bien marché, un bon rapport au box-office par rapport à l'argent investi. Puis finalement, ce deuxième volet n'a jamais vu le jour, et pourtant il n'avait pas cessé d'être évoqué jusqu'à même très récemment, hein, parce qu'il y a eu les voix, par exemple, de Paul Wernick et Reed Rees, les scénaristes du film original, et ceux qui ont scénarisé Deadpool en passage, qui ont révélé que Sony n'avait pas abandonné le projet et que quelques auteurs travaillaient dessus actuellement. Et là, c'est Jesse Eisenberg qui a révélé sur Entertainment Weekly, donc celui qui va bientôt interpréter Lex Luthor au cinéma, hein, on va en parler à la fin de ce podcast, je pense, qui a dit « Je serais ravi de faire ce film », et il a ajouté « Ce dernier est en développement depuis un petit bout de temps ». Donc voilà, il a dit que ça se déroulait dans un univers très particulier avec des personnages intéressants et qu'il était lui-même curieux d'en voir plus. Mais apparemment, ils n'ont pas encore l'histoire, en fait, hein, malgré toutes ces années entre les deux potentiels films. Toujours pas développé une histoire solide. Lui, il était quand même, ce qui m'a fait marrer dans sa citation, c'est qu'il dit « c'est un film étrangement apprécié ». Je sais pas s'il est surpris qu'on apprécie son film ou pas, mais bon voilà, j'ai trouvé ça marrant. C'est parce qu'il a obtenu un statut de film culte avec Cannes, je pense. Donc voilà, lui est partant, ça serait bien. Moi, j'avais plutôt bien aimé, donc je serais content qu'il fasse un film. Tu serais d'accord pour une suite ? Je serais d'accord pour une suite, voilà mon avis. Dim, tu voulais changer un peu et puis nous parler de Marvel ? Ouais, voilà, donc une petite news assez rapide. Pour annoncer que Sylvester Stallone a été vu sur le plateau des Gardiens de la Galaxie 2. Alors, on ne connaît pas vraiment l'importance de son application dans le film, si c'est juste un simple caméo ou un second rôle plus important, mais je me disais que ça serait assez marrant de s'imaginer un peu les Gardiens 2 comme un Expendables version Space Opera. Parce qu'on sait déjà que Kurt Russell a intégré le casting, et il y a toujours aussi une rumeur concernant Al Pacino. Donc surtout que on sait que le film sera pas mal centré sur le père de Star-Lord. Donc voilà, j'aimerais bien voir pas mal de guests tout au long du film concernant l'identité de ce fameux père. En tout cas, si j'ai d'autres news sur le sujet, je vous le ferai savoir. Ouais, super. C'est un beau casting, hein. Ouais. Grégoire, tu voulais nous parler à ton tour de The Dark Tower. Ouais, j'en avais parlé il y a longtemps. C'est un livre de Stephen King qui est apparemment assez mythique. Moi-même, je ne l'ai pas lu, hein, qui est vraiment une œuvre qui se situe sur 7 livres. Je dis peut-être des erreurs, hein, donc dans les commentaires, vous me corrigerez si c'est faux. Mais c'est un très très gros monument de la littérature américaine par Stephen King qui va être enfin adapté en film, justement, par Hollywood. Et ça fait longtemps, hein, ça fait très longtemps que ce projet est en cours, mais c'est très très difficile apparemment à adapter. Et là, cette fois-ci, c'est la bonne. On le sait. On a appris là, entre ces deux podcasts, les deux têtes d'affiche de ce futur gros gros film, très gros budget. Et c'est même Stephen King qui a annoncé en personne, puisque c'est donc Idris Elba qui sera le héros de cette adaptation. Il y incarnera le pistolero Roland Deschamps. Donc voilà, je m'excuse si je prononce mal, je connais pas les livres. Et c'est Matthew McConaughey qui entrera dans la peau de l'homme en noir qui a fasciné les lecteurs. Tout ça sera réalisé par Nicolas Arcel, c'est celui qui avait réalisé la version suédoise de The Girl with the Dragon Tattoo. Et donc ça sera pour Sony. Le tournage devrait démarrer au mois d'avril prochain en Afrique du Sud pour une sortie en janvier 2017 aux États-Unis. Et puis je garde la parole pour une autre petite news qui n'a absolument rien à voir, mais c'est sur les nouveaux héros, un film qui était sorti au cinéma, donc un film d'animation, voilà, qui était sorti, que j'avais beaucoup aimé, un film de Disney. Ah, c'était bien. Voilà, qui comptait les aventures de Baymax et Hiro. Moi j'avais trouvé ça vraiment pas mal. Oh, oui. C'était mignon. Si, voilà, c'était sympa. C'était mignon. Oui, voilà. C'était touchant. C'était, touchant. Ouais, okay. c'était la première collaboration, en fait, c'était le premier film que Disney avait sorti au moment où ils ont acheté justement Marvel. Et c'est la première fois que Disney s'inspirait de l'univers Marvel quand ils ont sorti ce film. Et on a appris là justement qu'il y aurait une suite, mais alors ça serait pas une suite qui sera. Ça sera pas dans les salles obscures. Ça sera en fait en série. Hein, donc c'est. Ça va reprendre tout simplement la suite du film, hein. Donc ce sera toujours les aventures du jeune génie de l'informatique Hiro et de son robot infirmier et combattant Baymax, hein, qui est super attachant et super cool. Donc voilà, je vous laisse. Une série d'animation, en fait, hein. Une série d'animation. Je ne sais pas encore comment ça sera, où ça sera diffusé. A priori, ça serait sur Disney XD. Et ça serait pas après 2017. C'est sûr. Ça y est, ça a été confirmé. Bon, voilà, Disney XD 2017. Moi, je serais content de voir un peu ce que ça donne. Je serais fan, d'accord. Ouais, j'avais bien aimé le film. On avait évoqué au moment de la sortie de Star Wars d'un film sur la jeunesse de Han Solo, c'est ça ? Dim, tu voulais nous parler de ça ? Ouais, donc ça sera pas un point Star Wars, mais un point Han Solo et Chewbacca. C'est beaucoup mieux, ça change. Ah ouais, on parle pas de Star Wars là. Là, je fais de l'originalité. Donc, le président de Disney lui-même s'est exprimé à propos du film et il parle d'Origin Story pour Han Solo. Et là, la grande nouveauté, même si ça paraît quand même un peu évident, pour Chewbacca aussi. Il s'agira donc sûrement de la rencontre entre les deux alliés, même si Laurence Kasdan, le scénariste du film, parle lui plutôt d'une tranche de vie du contrebandier. Ce qui m'amène aussi à une transition toute trouvée pour vous parler des comics Star Wars, en rapport avec ces personnages, car début avril sortira chez Panini Comics le comics one-shot sur Chewbacca. Je pense que je vous en parlerai peut-être un jour dans une promotion canapé, si ça vaut le coup. Et si vous êtes sage, hein, bien sûr. C'est gentil. Tu Panini Comics. Je ne savais même pas qu'ils faisaient des comics. Ah bah si, c'est eux qui distribuent Marvel en France. Et la semaine dernière a été annoncé le comics Han Solo, qui se déroulera entre l'épisode 4 et 5, comme 90% des comics de Star Wars. Et il racontera une mission secrète de Han Solo pour le compte de l'Alliance Rebelle. Et rappelle-moi, je ne sais plus si on a l'information, est-ce qu'on sait déjà qui va jouer Han Solo jeune ou plus, ou pas encore? Non, bah là c'est toujours... C'est toujours en casting. C'est toujours en cours de casting. Bon, on fera une breaking news si ça tombe pendant ce podcast, en tout cas. Julien, on a beaucoup parlé de la jante féminine dans le cinéma et tu voulais revenir un peu là-dessus. Ouais, parce que ça vous a peut-être pas échappé, mais le 8 mars, c'était la journée internationale de la femme. Et à l'occasion de cette journée, en fait, un projet qui est lié au cinéma et lancé officiellement depuis 3 semaines, a refait surface, a fait un peu parler de lui. Donc ce projet, en fait, c'est une société de production qui s'appelle We Do It Together, et qui a pour but, en fait, de financer et de promouvoir des films qui changent l'image des femmes sur grand écran. Donc derrière ce projet, forcément, on retrouve des femmes. Donc ça, c'est pas marrant, si c'est des hommes qui arrivent, c'est vrai qu'on retrouve que des hommes. voilà, on retrouve des actrices, des réalisatrices, et une productrice italienne qui s'appelle Chiara Tilesi, qui est à l'initiative de cette action. Donc forcément, une productrice, hein, c'est peu connu, c'est moins bien vendeur que des actrices et des réalisatrices. Et pour le coup, il y a vraiment du beau monde derrière ce projet, puisqu'on retrouve Juliette Binoche, Jessica Chastain, Catherine Hardwick, qui est la réalisatrice de Twilight. Bon, pas forcément une... Qui pèse quand même, on va dire. Pèse dans le game, ouais, qui pèse financièrement. Queen Latifah, Freda Pinto, donc Slumdog Millionaire, Ama Asante, qui est une réalisatrice britannique que je ne connaissais pas, d'un film qui s'appelle Belle. Ok. Voilà, rien à voir avec Belle et Sébastien. Merci de préciser pour Frédéric, moi. Frédéric Belle. Merci pour quoi tu me regardes en précisant ce genre de choses. Il y a aussi Zhang Ziyi et Katia Lund, qui était co-scénariste brésilienne de La Cité de Dieu. Et donc, c'est Juliette Binoche qui explique que We Do It Together, ils vont commencer en produisant 6 films de 15 minutes avec des réalisatrices et des actrices, et que l'argent, en fait, qui sera gagné avec ces films sera réinvesti dans d'autres films. Donc, une façon de créer une vague pour que les consciences se changent. Donc, c'est une association à but non lucratif où tout l'argent est reversé pour reproduire des films, pour comme ça entretenir un cercle vertueux. Il n'y a pas de mecs qui participent, en fait. Elles acceptent pas de mecs dans leur assos, ou... Bah c'est... ça je sais pas. Hein. C'est bizarre. Pourtant, je vois, ils auraient pu faire un truc mixte justement en disant quand même on respecte la parité ou un truc. Bah je sais pas si c'est pour le coup je sais pas si c'est dans les mais du coup c'est uniquement les règles de la... enfin ça se passe c'est international comme Jessica Chastain Jessica Chastain Zhang Ziyi il y a énormément de Et si ça peut permettre de faire émerger des femmes réalisatrices pourquoi pas hein. Ouais, après là l'idée c'est plutôt de faire changer l'image de la femme. D'accord, c'est dans le scénario, voilà. Dans l'histoire. Ouais. Ah d'accord, voilà. Donc c'est moins pour direct promouvoir, que ça. Pour d'accord. Promouvoir l'image de la femme. D'accord, je pensais que c'était en coulisses en fait. Vocation moi aussi j'avais compris que c'était en coulisses aussi. Parce que là en plus les femmes qui sont derrière, c'est plutôt des femmes qui sont déjà connues, déjà installées qui ont quand même une carrière et une certaine notoriété. D'accord. Bon, intéressant, affaire à suivre en tout cas. Grégoire, tu voulais nous parler de Joseph Gordon-Levitt? Ouais, tout à fait, qui s'est associé à Amazon Studio pour faire un film sur la naissance du Ku Klux Klan. Voilà, un film qui va certainement créer des réactions et des polémiques. C'est The Hollywood Reporter qui a annoncé ça. Hein. Donc, ce film, il s'appellerait K-Troop. Donc, un film sur la naissance du Ku Klux Klan qui est né donc en 1865 au sud des États-Unis. Joseph Gordon-Levitt devrait jouer le rôle du major Lewis Merritt, le leader de la division militaire et brillant stratège qui a construit un groupe d'informateurs, dont des noirs américains qui ont risqué leur vie pour infiltrer et décrypter le KKK. Donc voilà, la production, on en est au tout début, hein, c'est juste un tout début d'annonce puisque la production est à la recherche d'un scénariste et d'un réalisateur, hein, donc on a encore le temps, juste pour rappeler qu'on verra Joseph Gordon-Levitt prochainement dans Snowden peut-être, hein, parce que le film n'arrête pas d'être repoussé, bah, où il incarnera voilà, le rôle d'Edward Snowden, hein, donc l'homme qui a révélé, on avait longuement parlé à l'époque, c'est le scandale de ça. Ouais, c'est ça, qui a été repoussé. Je sais pas si tu avais vu que comme quoi il l'aurait rencontré. Ah oui? Ouais. Snowden. Ah, ouais, que Stone aurait rencontré, et apparemment le FBI, ça fait plein une espèce de petite polémique. Je sais pas si c'est vrai après. En plus, les relations entre le FBI et Stone sont déjà pas très. Ouais. Parce que le mec est plutôt bon. Il s'est mis un peu toutes les USA à dos, quoi. Oui, voilà. Ou soit ça fait partie de la promo d'Oliver Stone, on sait qu'il est. C'est pas faux. Non, mais voilà, je sais pas, j'ai juste vu passer ça. Ça me paraît cohérent en même temps. Qu'il l'ait rencontré pour. Ouais. Bon, après, ouais. Dim, tu voulais nous parler de Sandman? Ouais, donc pour faire une bonne transition avec la news de Greg, je vais toujours parler de Joseph Gordon-Levitt, qui lui quitte le projet Sandman qu'il devait réaliser. Donc c'était un film adapté du comics de Neil Gaiman. La cause de ce départ est due à des différents créatifs entre Gordon-Levitt et la filiale de Warner Bros., New Line Cinema. Pour lui, les responsables du studio n'ont pas la même vision du film, ni la même approche de ce qu'une adaptation peut ou doit être. Donc tout ça sent très mauvais. Neil Gaiman dont notre auditeur Di Stefano nous a presque ordonné de lire son livre American Gods dans les derniers commentaires. Donc Neil Gaiman a exprimé son soutien à Gordon Levitt et a précisé que malheureusement il n'est pas le propriétaire du personnage dont il est pourtant le créateur. Et il a tout de même précisé que pour lui Sandman ça restait avant tout les 2500 pages du comics plus que n'importe quel film. C'est bien, au moins il va être fidèle à son œil, il va tenir ça d'un œil. Alors, remarque s'il n'a pas le droit de dire si c'est bien ou pas, en fait. Donc, ça se fait sans personne, ça se fait sans. C'est toujours bizarre, hein, ce genre de. Sans l'aval de personne. Quand le créateur n'a plus le droit sur son. Ouais, sa création. Ça va être de la merde, en fait. Si c'est en stand-by, à mon avis, ils vont rechercher quelqu'un d'autre pour le faire. Mais... D'accord, affaire à suivre, encore une fois. Julien, tu voulais nous parler d'une adaptation un peu originale, on va dire. Ouais, pour moi, c'est un peu l'adaptation What the fuck de l'année. Vous connaissez Où est Charlie? Le livre. Voilà, cette série de livres qui met en scène une sorte de crétin à lunettes là, en polo rouge. Et, comment ça, un crétin? Bon, il est un peu crétin, il est un peu. Mais il se perd, il sait, ça arrive il se perd, de se paumer, il perd ses affaires. Il a acheté un GPS, je sais pas moi. voilà, qui est plus ou moins bien caché dans des planches avec des dessins un peu surchargés. Ah, si, il est bien caché. Et oui, il est bien caché parce que les dessins sont surchargés. Bah, clairement, ouais. Et qui a d'ailleurs suscité des vocations et des émules, puisque moi j'ai vu que ma fille avait la famille Où qu'il est. Qui fait un peu famille du nord de la France, je trouve. Au killer, des trucs un peu comme ça. Voilà, il y a aussi ça, c'est aussi marrant, mais ils sont encore moins bien cachés que Charlie. Et en fait, on va avoir droit à une adaptation cinématographique de Où est Charlie, ça et non pas de la famille Où qu'il est. Tu vas regarder un écran pendant deux heures, alors il est où ce mec là? Donc, on doit cette info au site Tracking Board qui précise que l'une des premières versions du script mettait en scène en fait Charlie qui actionnait accidentellement une machine à voyager dans le temps et faisait tout pour reconquérir Vilma, l'amour de sa vie. Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette double? Voilà, moi je savais pas qu'il y avait moyen de développer l'histoire autour du personnage. Voilà, mais bon, ah non, mais alors, pourquoi là, pas. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Il y avait pas un dessin animé déjà quand on était plus jeune? Ça me dit quelque chose. Oui, Charlie, moi ça me dit rien. Le dessin animé était hyper chiant parce qu'à chaque fois il y avait l'image qui s'arrêtait pour aller chercher. Voilà, c'est ça pendant 2h30 le film. Tu faisais une c'est des diapos en fait. Alors, ce qui est peut-être plus intéressant dans la news, c'est que c'est produit par Seth Rogen pour la MGM avec Evan Goldberg qui a déjà travaillé avec Seth Rogen sur Supergrave, sur Green Hornet, c'était plutôt pas mal. Ouais. Supergrave était génial. Ouais, Supergrave était très bien, même Green Hornet, moi j'avais trouvé j'ai pas vu. Moi c'est celui de Gondry. Ouais, Gondry était très très fort. En Clock Mode d'emploi aussi, il avait travaillé avec lui. Et récemment, il était co-scénariste et co-réalisateur de This Is the End et de l'interview, The Interview, voilà, le film à l'origine de l'existence. This Is the End, c'est drôle. Et j'ai pas vu. Ah oui, ouais, The Interview, j'étais un peu déçu. Mais... Et là, on va les voir dans Nos Pires Voisins 2. Bon, le 1 était pas non plus exceptionnel. Le 1 se suffisait donc à lui-même, ça va être une comédie en fait, complètement. Voilà, ça va être une comédie. Donc, putain, mais c'est quoi le ça va peut-être servir de terreau, puis ça va partir en couille, puis c'est tout. Enfin, tu vois, ils vont pas forcément suivre la BD à oui, chercher Charlie. Non, parce qu'il n'y a pas d'histoire. D'histoire, mais je sais même pas si. Je crois que le personnage de Vilma, il est présent, peut-être qu'il y a. Si, ouais, tu dois trouver Vilma. Ouais. Tu dois aussi trouver Waf. Enfin, je sais pas si on fait un film sur le chien de Charlie. Bref. Voilà, donc je trouvais ça vraiment what the fuck. Ils se disent, on va adapter ça, quoi. En parlant de grands films, voilà, tu moi je vais revenir à du gros projet. Essentiel. Je trouve que là ça manque un peu de bons projets depuis de grands trucs. Donc je me propose de parler un peu de Luc Besson, voilà, qui va enfin produire sa première série et ça directement aux États-Unis sur la chaîne américaine TNT et donc qui a commandé Artificial Intelligence. Donc voilà un pilote de série produit par Luc Besson. Donc voilà, il va s'associer à Bill Wheeler quand même, donc de Ghost in the Shell, hein, qui sera à ses côtés à l'écriture du pilote. Et donc c'est le premier projet de Luc Besson à la télé américaine. En tant que scénariste, hein. On sait que c'est un grand scénariste, Luc Besson. Non, je déconne, c'est une merde. Oh, le troll de base. La série donc est centrée, attention, le pitch, ça va être bien. La série est centrée sur une intelligence artificielle qui s'échappe d'un laboratoire et commence à mettre en œuvre son propre plan. Le créateur de cette AI va assembler une équipe pour faire face au problème. Voilà. Ils vont se transformer en USB à la fin. C'est ça. Spoiler alert, c'est tous des clés USB. Moi, j'ai lu que Luc Besson, il l'avait écrite hier et que c'était tourné aujourd'hui. C'est un géniste, il écrit des scénarios en une nuit. Ah ouais, bah ça, ouais. Ça se voit malheureusement. Ouais, voilà, donc on attend ça avec impatience artificielle intelligence sur TF1. C'est lié je pense, au créateur de Ghost in the Shell, c'est ça que tu disais ? Ouais, apparemment, il va écrire. Transition toute faite. Dim, tu voulais parler de Ghost in the Shell ? Oh. Exactement, très belle transition. Donc on reste dans les très grands films ou pas. le casting du film adapté de Ghost in the Shell, le film américain, prend forme. Donc Michael Pitt, qu'on a pu voir récemment dans Boardwalk Empire ou Hannibal, incarnera le Losing Man, ou le rieur en bon français, un hacker qui devra affronter l'héroïne Scarlett Johansson. Et deuxième grosse annonce du casting, c'est la présence de Takeshi Kitano. Il incarnera Daisuke Aramaki, le boss de la sécurité publique de la section 9, et donc le supérieur de Scarlett Johansson. Ce n'est pas la première fois que Kitano joue dans un film américain. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait joué dans un film il y a une vingtaine d'années qui s'appelait Johnny Mnemonic, qui était déjà un film de cyberpunk. Ah oui. Avec Keanu Reeves. Ouais. L'homme qui ne vieillit jamais. Pas terrible. Merci. Hashtag conseil. On sait qu'il réalise là du coup Ghost in the Shell ou pas? Oui, mais bon, comme j'ai pas bien fait mon boulot. C'est pas grave, pas grave. On le retrouvera. Vas-y, Dimitri, dis-nous. Du coup, Scarlett Johansson, c'est l'héroïne en fait de Ghost in the Shell. Ouais, ouais. Ah putain. Ouais. Merde. Ouais, ouais. Donc ils ont dû galérer parce que c'est quand même c'est très très complexe Ghost in the Shell. Ouais, mais là, enfin, c'est une nana qui va se transformer en clé USB. Avec des scènes pillées dans des films à droite à gauche. D'accord, c'est Luc Besson aussi qui a écrit ça. Il est hier. Partout, il est partout. Allez, remontons un peu le niveau et parlons de Game of Thrones. Ah, je sais pas si ça va remonter le ouais, niveau, mais pas sûr. Hein. Bah, je sais pas si vous avez vu la dernière bande-annonce de Game of Thrones saison 6. Eh bien non, si. Et qui promet aux surprises, et je vais vous spoiler, il y aura du sexe et de la violence. Sérieux? Ah mince. Oh, merde. Et des morts peut-être. Est-ce qu'il y aura un mariage sanglant? Sûrement un ou deux. Et des nains, je crois qu'il y a des nains aussi. Bah voilà, vous l'avez peut-être vu. Bon, on va pas en parler parce que si on en parle, on spoilera forcément la saison. Bon, de toute façon, même sans avoir vu le truc, moi je sais qu'il y a des gens qui disparaissent, des héros qui disparaissent, mais on sait pas vraiment s'ils viennent venir. Ouais, bah dis rien. Non, dis rien. Connard. Non, mais j'ai rien vu, je sais tout. Non, bah du tout, mais c'est parce que voilà, si tu as pas vu la 5, tu peux pas difficilement spoiler. Ils ont fait moins de surprises là, on va dire, sur la 6. C'est pas basé sur la surprise, je pense. C'est bien. Bah, donc voilà, c'était simplement pour dire que la nouvelle saison qui va être diffusée sur HBO le 24 avril prochain, donc ce nouveau trailer teaser a été visionné en 24 heures par 30 millions de personnes. Allez, prends-toi ça, Ghostbusters. Voilà, on parlait tout à l'heure de Ghostbusters avec ses pauvres 17 millions. Prends-toi ta psy aussi. Psy, allez, je sais pas faire ça. On mettra ça en conseil musical. Ah, je pense que psy, il est beaucoup mieux que ça. Même. Ah, peut-être pas 24 heures. Je sais pas. Bah donc c'est un record pour HBO, parce que le record a été détenu par le trailer de la saison 4 de Game of Thrones, qui avait fait 27 millions de vues en 24 heures. En fait, t'es aigri parce que t'as pas vu la saison 5, c'est ça que tout le monde t'a raconté? Non, j'ai vu la saison 5. Bah, pourquoi t'es aigri? Parce que je veux pas spoiler ce qui se passe dans la saison 5. Pourquoi t'es aigri dans la vie? Je veux juste poursuivre ma news de la meilleure façon possible. Ah, pardon, excuse-moi. Donc voilà, les saisons passent, Greg se lasse, mais on va dire que l'engouement pour le... Non, je trouvais la bande-annonce assez réussie, là. Et l'engouement du public se confirme, se maintient, se démord pas. Ah bon, on en est. C'est-à-dire que Greg, toi, t'es relancé, c'est bon. C'est au niveau d'un Dallas. Ça se démord pas, pardon. Bah là, moi, j'ai appris entre temps, on fait une petite parenthèse, mais que Martin, donc l'auteur, a dit que. Qu'il n'est pas mort, donc. Hein. Oui. Voilà, il y a un troll sur Internet ou quoi qui était mort. Non, mais il a dit que dans ses livres, il comptait donner un rôle central finalement à un personnage que la série avait déjà tué. Et ça, il ne le savait pas encore. Et au moment où ils l'ont tué dans la série déjà. Et il a dit, bah ouais, mais alors moi c'est moche parce que j'ai prévu finalement de lui donner un des rôles centrales pour la fin des livres, quoi. Mince. Et donc du coup, ça va vraiment, vraiment être très, très éloigné. Mais bon, on le savait déjà, mais ça se confirme de plus en plus. Donc voilà, je suis assez curieux. Bon, ce qui est pas bête, vu que la licence marche bien, c'est que d'ici quelques années, ils pourront peut-être refaire une réadaptation des livres. Putain, mais tu travailles pour Hollywood, le mec! Putain, la vache, la bonne idée! Oh putain, on va vendre ça! Ouais, les gars! Oh la vache! Ils reprendront l'acteur qui était mort dans la série pour jouer dans la nouvelle série de l'adaptation du livre. Ah, t'es dans le système, toi! Greg, tu voulais nous parler de Slenderman. Ouais, alors le Slenderman, je sais pas si vous connaissez ça. Bah, c'est un... Tu connais pas? Non. Sérieusement? Ouais, je suis étonné. C'est un mème internet créé sur un forum en 2009 à l'occasion d'un concours de montage photo et ensuite progressivement, comme tout bon mème, contaminé la pop culture à travers sa renommée plus que terrifiante, puisque c'était à l'occasion d'un concours qui concernait des étranges photos, un peu étranges histoires qui faisaient un peu peur. Et donc le Slenderman s'est rapidement devenu une légende urbaine qui fait peur aux enfants avant qu'ils ne s'endorment, qui apparaissent dans leur imagination sous les traits d'un homme filiforme portant un costume sombre doté de longs bras et de longues jambes. Non mais oui, il y a eu une adaptation ciné. Il n'y a pas longtemps de ça. De Slenderman ? Je ne sais pas pour le coup. Là, je parle d'un documentaire. Là, non, c'est Babcock ou Babcock, je ne sais pas quoi. Badabook. Badabook. Badabook, c'est pas ça. Julien, tu commences déjà à chercher. Babcock. Julien se fout déjà de ma gueule. Babcock, vous ne le voyez pas, mais il se fout de ma gueule. Non, mais je ne connais pas. Babcock ? Non. C'était un film d'horreur qui est assez réussi. Badabook. Badabook, ouais. C'était assez réussi comme film d'horreur. Bref, je parle pas du tout de ça, je parle de Slenderman, je reviens au sujet, merci Stan. Donc voilà, ce mème qui est devenu un phénomène un petit peu presque culturel, à tel point que voilà, il commence à influencer même la culture un peu plus grand public, puisque American Horror Story par exemple pourrait bien le placer au centre de sa prochaine saison. Et qu'il y a même un jeu vidéo Slender The Eight Pages qui a popularisé un petit peu le Slenderman. Et donc il y a HBO qui a décidé d'en faire un documentaire qui va s'appeler Beware the Slenderman, enfin qui s'appelle Beware the Slenderman, réalisé par Irene Taylor Brodsky. Donc qui s'intéressait, donc, comme je l'ai dit, un petit peu à son origine, comment il est apparu sur Internet, mais aussi aux conséquences qu'il a eues dans la vie réelle. Hein, puisque le 31 mai 2014, il y a deux jeunes filles de 12 ans qui ont poignardé à 19 reprises un camarade de classe dans le Wisconsin aux États-Unis. Et ça s'est appelé le Slenderman Stabbing. Pourquoi ? Parce que l'avocat de la défense a dit que les deux filles avaient commis cet acte pour que le Slenderman ne leur fasse pas de mal. C'est ce qu'elles ont invoqué, elles. Donc ce documentaire de HBO qui est déjà sorti, hein, puisqu'il a été diffusé en avant-première au South by Southwest Festival de Austin, le 11 mars, il va montrer un peu la façon dont se construit une légende à l'origine virtuelle et comment elle peut s'insérer dans l'imagination des jeunes adolescents et des enfants. Donc moi je serais assez curieux de voir ce documentaire. Je continue avec une news un peu plus sympa. Par contre, tu continues. Ah, excuse-moi, je croyais que c'était non, autant pour moi. Non, il y a pas de problème parce que Dim est sur sa lancée un peu comics, c'est ça. Tu parlais de Ghost in the Shell, tu nous parles de Cobra maintenant. C'est ce Cobra là. Plutôt manga, ouais, donc Cobra, donc après le retour de Dragon Ball et de Sanseiya, et en espérant que ça soit un peu mieux quand même, voilà quoi, un autre animé mythique va revenir sur le devant de la scène, et donc c'est Shibuya Productions qui a ressuscité la série avec un trailer surprise appelé Cobra The Return of Joe Gillian. Il s'agira de la troisième série consacrée au Belmondo de l'espace, la première... En même temps, c'est ça. Hein, c'est l'inspiration, il l'a dit. Hein. Donc, la première datée de 82, et la deuxième de 2010, et celle de 2016 a l'air de vouloir faire plaisir aux fans de la première heure, car ça reprend un arc très apprécié de la série d'origine, le Rugball. Ah ouais. C'est un sport ultra violent, futuriste, qui mélange le foot US et le baseball, et donc Cobra va appliquer cette discipline. Donc une bien belle façon de patienter en attendant un hypothétique film live réalisé par Alexandre Aja qu'on attend toujours. Ah c'est ça, ouais, il est prévu depuis super longtemps, Shin Cobra. Ouais, mais il y a eu des soucis de production, alors je sais pas si ça va se faire ou pas. Ils ont aperçu Belmondo en Langaros, ils se sont dit putain merde, comment il va pouvoir tourner Cobra. Comment il va pouvoir faire un sport ultra violent. On annule tout. Avec le chien dans les mains là. Comment on va faire ? Grégoire, tu voulais nous parler d'Harry Potter. Ouais, je voulais vous parler d'Harry Potter effectivement parce que les Animaux Fantastiques, c'est même pas encore sorti au cinéma qu'on nous annonce déjà deux prochains films sur pour constituer finalement une trilogie autour du spin-off d'Harry Potter. Hein. Donc c'est lundi dernier l'auteur qui a tenté d'éclairer un malentendu sur Twitter et puis qui était à la base, elle voulait parler de la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit. Elle a déclaré qu'il n'y aurait pas d'adaptation cinématographique de cette pièce de théâtre, mais que par contre, au contraire, il y aurait une trilogie dédiée aux Animaux Fantastiques qui était prévue pour les années à venir. Donc on sait déjà que le prochain volet, donc enfin le premier volet du coup, c'est Eddie Redmayne et Catherine Waterson qui sont au casting, et c'est le 16 novembre prochain au cinéma, donc on le sait déjà. Et les deux autres films du coup, c'est pour 2018 et pour 2020, et donc c'est l'auteur elle-même, J.K. Rowling, qui va écrire les scénarios de ces deux autres films, de quoi rassurer quand même les fans les plus pointilleux. Et du coup, dans cet univers un peu étendu d'Harry Potter, elle continue aussi à enrichir la mythologie d'Harry Potter, puisqu'elle a publié, elle est en train de publier des textes inédits sur l'histoire américaine de la magie, du monde de la magie qu'on ne connaît pas pour le moment. Donc elle a choisi d'écrire par exemple sur le mythe des changeurs de peau, mais aussi de raconter l'arrivée des premiers pionniers américains et de leur pouvoir magique. Donc elle va également s'intéresser forcément aux sorcières de Salem, hein, pour voir mettre un petit peu sa touche là-dedans. Donc voilà, on va pouvoir un peu avoir l'histoire de ce qui va coïncider avec ce qui va se dérouler dans le film avec Eddie Redmayne bientôt, puisque ça va nous amener aux Animaux Fantastiques qui se déroulent, je le rappelle, en 1920 à New York. Tu peux enchaîner. Je peux enchaîner avec mes deux dernières news qui datent d'aujourd'hui, donc c'est assez des toutes petites news. Ouais, c'est chaud. C'est, alors je pense que ça se prononce Dunkerque, mais je ne sais pas comment ça se prononce. Tu crois ? Ouais ouais. Pourquoi ? Parce que Dunkerque. Dunkerque. Ça s'écrit D-U-N-K-I-R-K. Et donc, qu'est-ce que c'est que Dunkerque ou Dunkirk? C'est le prochain film de Christopher Nolan, en fait, hein, tout simplement. Ah oui, qui va se passer à Dunkerque. Qui va se passer peut-être à Dunkerque. Je ne sais pas. non, mais je ne sais pas du tout. Et on a beaucoup de rumeurs. Alors, c'est des rumeurs, hein, c'est le point rumeur. Il pourrait y avoir Leonardo DiCaprio au casting de ce film. Qui rejoindrait peut-être aussi un certain Tom Hardy, hein, donc on les a croisés ensemble il n'y a pas longtemps dans un petit film dont on a parlé. Ils ne s'entendent pas bien tous les deux. Ça doit être ça. On a pour le coup, ce qu'on a vraiment appris pour le, de façon sûre sur ce film-là, sur Dunkirk, c'est qu'il y aurait un invité inattendu, c'est Harry Styles du groupe One Direction qui allait jouer dedans. Mais voilà. Oui, j'ai vu ça. Une première au cinéma pour ce chanteur, entre guillemets, anglais, qui devrait donner la réplique à d'autres acteurs, hein, Mark Rylance et Kenneth Branagh, qui ont été a priori confirmés dans ce film déjà. Ça va leur faire un choc. Donc c'est centré sur la bataille de Dunkerque, hein, pendant la Seconde Guerre mondiale, appelée également Opération Dynamo, Dunkirk, et donc un thriller et une fresque historique à la fois selon Studio Warner. Donc hein, c'est Christopher Nolan qui a écrit le scénario du film. Le film sera tourné en français et en anglais. Le tournage devrait débuter en mai et donc ce devrait se dérouler en partie sur les lieux des événements. Sortie prévue le 21 juillet 2017. Et autre annonce qu'on a eue bah, juste avant le week-end où on enregistre ce podcast, c'est sur Beetlejuice 2. Je pense que vous avez peut-être vu ça passer. C'est en fait, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Puisque remake, c'est, reboot, suite. Bah, Tim Burton a annoncé en fait plus ou moins officiellement, il a confirmé une suite, hein, un Beetlejuice 2 auprès d'un site qui s'appelle Showbiz Spy. Donc voilà, il a dit le film est validé et approuvé par l'équipe de Warner Bros. On a parlé aux acteurs qu'on voulait pour le film, ils sont tous d'accord. Cela inclut Winona Ryder et Michael Keaton. On a le script en main et tout est en place. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est commencer le tournage. Donc lui, il était assez clair dans ses propos. Mais quelques heures plus tard, un agent de Tim Burton a assuré que le réalisateur n'a pas confirmé Beetlejuice 2 et le film n'est pas en développement. Donc Tim Burton concentre sur les efforts. Oui, ce qu'il vient nous dire. Alors, je pense qu'en fait, il gatouille. C'est peut-être un coup marketing, hein, parce qu'ils veulent pas non plus effacer le truc qui est en train de vendre Tim Burton en ce moment, à savoir Miss Peregrine et les enfants particuliers. Et en même temps, ils veulent quand même un peu teaser le prochain film de réalisateur qui pourrait être un gros projet, un Beetlejuice 2, je pense qu'il sera pas mal attendu. Donc voilà, moi je pense que quand même ça va se faire. Tu crois que le Beetlejuice 1 est encore connu ? Je pense que ça va être Dans l'imaginaire collectif. C'est un peu comme Indiana Jones 4 quand il est sorti, les gens savent quand même que ce que c'est Indiana Jones 3 et le 4, ouais, et il a fait énorme, un bon chiffre. C'est une suite. Parce que là, c'est non, c'est Beetlejuice 2, là, c'est la suite. Ah ouais, d'accord. C'est la suite. C'est bizarre. Hein. Donc voilà. Bon, je serais assez curieux de voir ça. Ouais, moi aussi. Julien, il y a une nouvelle rubrique apparemment. Ouais, c'est un remake, j'ai spin-offé ma rubrique. Bah, ouais, en fait, parce que depuis que Joey Star il a rejoint la nouvelle star, j'ai du mal à trouver des punchlines pour le clash des phrases. C'est-à-dire qu'il parle gentiment aux gens maintenant, Joey Star? Non, mais il fait ses punchlines dedans, donc je vais pas les extraire, tu vois. Ouais, d'accord. Et puis il parle plus de Maître Gims. Donc... Ah, c'est ça, nous on veut des Maître Gims. De Monsieur Taupe. René Latour. René Latour. Donc voilà, j'ai décidé de faire un spin-off de cette rubrique façon Hollywood, hein, ça fait raccord avec le débat d'aujourd'hui, avec donc une nouvelle rubrique qui est nommée Une phrase, une réaction. Voilà, ça fait un peu, là, si j'avais un jingle, je l'aurais mis. Hein. Ça fait un peu petite démission de Dominique Cancien, mais bon, pour les ceux qui connaissent. Oh, les références, dis donc. Je connais, c'est pour dire. Phrase, une réaction. Bah, tu l'as celui-là, Dominique Cancien. Bon, le principe est simple, je vous donne une phrase et vous me dites qui l'a prononcée et surtout quelle réaction ça suscite chez vous. C'est pour ça que c'est quand même un spin-off de Barbara, c'est un peu la même chose. Parce que qui l'a prononcée, c'est toujours très dur avec toi. Non, non, non, la phrase en question. Donc, je la lis. Je m'interroge quand même sur le choix de la famille du cinéma français à vouloir tout le temps prôner la diversité culturelle et tout ça. Parfois, je ne sais pas à quel point le moteur de tout cela est artistique ou politique. Ah putain, t'es balèze toi. Donc, allez, c'est un peu une rubrique un peu plus intello. Que le clash des phrases qui est un peu. Ah merde, moi je préférais les clashs des phrases. Est-ce qu'on a le droit à des indices ou pas? C'est une actrice qui a dit ça. Non, c'est un acteur. C'est un acteur, ouais, c'est un acteur ça. Est-ce que tu peux nous la redire? Donc je m'interroge quand même sur le choix de la famille du cinéma français à vouloir tout le temps prôner la diversité culturelle. Et parfois je ne sais pas à quel point le moteur de tout cela est artistique ou politique. C'est Luc Besson. Oh, il non. Dit pas des choses comme ça, Luc Besson. Donc c'est lié à ce qui s'est passé au César. Il aurait dit kiffer Luc Besson, tu vois, il est jeune. Ah, c'est pas. Si, c'est Guillaume Gallienne. Voilà. C'est Guillaume Gallienne, je m'en souviens. Ah, bien vu, Greg, bien vu. J'ai lu ça dans les news, mais alors je ne sais. J'ai pas été lire pourquoi il avait dit ça. Alors, il a dit ça donc sur RTL à Marie Drucker, soyons précis, soyons complets. à propos donc du film de Philippe Faucon, Fatima, qui a remporté donc le César du meilleur film. Donc il a dit qu'il n'avait pas vu le film, mais qui. Ça va orienter notre réponse. Ça, voilà, donc il trouvait que c'était un peu étonnant. Il posait la question, en fait. Il se posait la question pourquoi on récompensait, si c'était une motivation, comme le dit la phrase est assez claire sur ça, si c'était une motivation artistique ou politique de donner un César à un film comme Fatima. Disons que j'aurais apprécié son propos s'il avait vu le film. Voilà. C'est ça. Ça limite un peu la réaction qu'on a. Ça fait un peu réaction de vieux con, du coup. Ouais, c'est politique. Ouais, peut-être pas à ce point-là, mais bah, oui. Il l'a même pas vu. On a l'impression qu'il est un peu aigri par quelque chose. Donc alors, pourtant, il a dit oui, j'adore Philippe Faucon et Fatima, donc l'actrice, c'est quelqu'un qui me touche beaucoup, puisqu'on a eu pas mal de reportages sur elle. Mais il se posait simplement la question. Alors, certains lui ont fait remarquer qu'il n'avait pas fait tout un cas quand Guillaume et les garçons à table avaient été césarisés, où il avait eu pas mal de fois, et que c'était pendant le mariage pour tous. Mmh. Donc, il y avait aussi peut-être là, derrière le choix de ce film-là, ou de. Fin, j'ai pas fait lien non plus. Une portée politique. Voilà. Après, il a le droit aussi de s'interroger sur le fait qu'on récompense, comme on en parlait il n'y a pas longtemps, pour les Oscars, il y a tout un débat sur la diversité culturelle au cinéma, sur ce qu'on doit montrer. Le fait de s'interroger publiquement à une radio, alors que tu es un acteur connu, etc., ça implique déjà une certaine chose. Quoi. Pour moi, tu émets un doute, en fait. Non, mais le faux pas, c'est qu'il n'ait pas vu le film, pour moi, selon moi. Ah ouais. Et après, c'est... Alors, il y a une part de presque de naïveté, mais c'est s'interroger sur la portée politique du cinéma, mais c'est... Bah bien sûr qu'il t'en a une. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est ça qui m'étonne, en fait. J'espère que les récompenses ont une portée politique, enfin qu'elles en font des choix en fonction de la politique. C'est pour ça aussi qu'on apprécie ce média. C'est qu'il y a un peu comme politique. À l'époque, il y avait eu, je me rappelle, à l'époque où Tarantino avait donné la Palme d'Or à Bowling for Columbine, alors que lui était plus Oldboy. Non, c'était Fahrenheit 9/11, plutôt que Oldboy qui avait eu le Grand Prix du jury. Voilà, il y a aussi des choix qui sont liés au contexte, qui sont liés, les films, ils s'inscrivent quand même dans une époque. Ça s'appelle les œuvres d'art, ça touche l'humain. Donc après, un peu comme Philippe Gallien, on n'a pas vu le film. Comme Guillaume Gallien, on n'a pas vu le film. Donc, non, on n'a pas vu. Aucun de nous n'a vu le film. Non. Tu regardes Dim en se disant non, il peut. Dim, t'as été voir Fatima ou... Non. Voilà. Non, voilà, donc. Non, mais j'ai vu Philippe Faucon répondre, je crois que c'était chez Ruquier. Où il a dit, bah voilà, on fait pas vraiment, je fais pas le même cinéma que Guillaume Gallienne. Ça serait bien quand même avant de parler qu'il voit le film. C'est un peu sa réponse, c'est vrai que en fait, c'est la réponse la plus logique. Bah ouais. Voilà, parce que quand tu remets en question, après, c'est pas qu'il remet en question, il se pose la question l'Académie des Césars, indépendamment du film, choisit un film pour le côté artistique. L'année dernière, c'était par exemple, il y a deux ans, c'était trois ans, La vie d'Adèle. Ouais. Qui pouvait aussi avoir une politique. Oui, oui, bah, non, mais tous. Non, mais après, la question c'est est-ce que les gens qui votent pour les films les ont vraiment vus? J'espérais quand même. Ouais, là, je souhaite. Tu veux dire qu'il ressort? Là, tu lances un nouveau débat. Non, mais tu votes pour un film parce que tu sais qu'il a une certaine portée politique et que ça te touche, comme tu aurais pu voter pour La vie d'Adèle si t'étais pour la cause LGTB et tu te dis c'est un film qui met ça en avant et je vote pour, je l'ai pas vu, tant pis. Je suis sûr qu'il y a des. Alors, je peux vous parier qu'il y a des gens. Oui, je pense qu'il y en a dans l'Académie. C'est évident. Ils sont combien dans l'Académie des Césars ? Pour voter, il suffit d'avoir travaillé dans le cinéma. Oui, c'est plus de 3000 personnes. Ouais. Enfin, c'est. Je connais l'ouvreuse. Pas de basket, vous rentrez pas, vous n'allez pas voter. Donc voilà, c'était. Intéressant cette nouvelle rubrique. Ah, c'est bien, ça monte un peu le niveau là. Un peu trop. Ça manque un peu de René Hatton. On trouverait des phrases de Noël Gallagher. Ouais, on veut des mecs qui s'insultent, nous, quand même, si possible. Il y avait un truc avec PNL. Ah ouais, j'ai vu qu'ils ont sorti un nouveau clip là. Attendez, ne faites pas tout redescendre trop vite. On est monté un peu. Ce sera PNL là. Enfin musical. Il y a quand même, je vois qu'on a des fans dans les forums de PNL. Qui ont regretté l'absence de PNL. Qui ont regretté l'absence d'un point PNL. J'ai remarqué que tu avais placé Channing Tatum déjà, bon point. Ouais, le point Channing Tatum. Mais oui, il y a eu un petit clash avec Petite Noire. Voilà. Un autre groupe, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Là, on s'est regardé, on n'a pas compris. Voilà, parce qu'il l'a accusé, il a accusé PNL d'avoir. Plagié un clip ou un truc, il s'appelle La vie est belle, il y a un truc comme ça aussi de Petite Noire. Et il y avait un autre clash avec PNL, c'est que je crois qu'une gamine de 15 ans a lancé, je sais plus sur Periscope ou Twitter, qu'elle avait passé la nuit avec l'un des mecs de PNL. Ah ouais? Et il a fait un tweet à la PNL, genre bitch, un truc, bitch, il y a que les bifs et la mif qui comptent. C'est un plaisir à ceux qui aimaient les trucs du sang sur ton boule. Voilà, sur ton donc boule. Julien, le genre de personne qui peut te citer des trucs, des débats, machin, hyper haut placé, et après, qui fait PNL. Qui parle de boule. J'ai encore écouté cette semaine, mais c'est les bons l'album. Quand même. Non. Ainsi se clôture, on va clôturer la partie divertissement. Sur PNL, c'est très bien. On va passer à la partie un peu jeux vidéo. De retour pour la partie art ludique, on va parler un peu de jeux vidéo. Et Julien, tu voulais faire un pré-débat. Ouais, un pré-débat là. C'est pas un débat, on se prépare à un débat, les gars. Deux débats là, donc. Non, parce qu'en fait, je voulais parler de l'E3. Et le truc, c'est que l'E3, c'est dans 3 mois pile, hein, puisqu'on est le 14 mars, c'est ça? C'est ça, oui. On est encore le 14 mars. Non, on est 14 mars. Et l'édition 2016 aura lieu du 14 au 16 juin 2016. Bien joué. Donc, toujours à Los Angeles, hein, au fameux Convention Center. Et je me suis dit que c'était l'occasion, alors, comme je disais, pas de faire un débat sur ce qui pourrait être annoncé ou sur ce qu'on attend, mais plutôt de s'interroger sur la situation du salon au regard de quelques annonces qui sont parues ces derniers jours. Alors en fait, début mars, on a eu une première annonce d'un poids lourd du jeu vidéo, c'est Activision qui a annoncé qu'il ne se rendrait pas à l'E3 2016. Alors en fait, Activision, pour ceux qui se souviennent, ils n'avaient pas de conférence à proprement parler. Hein. Pour rappel, il y a les 3 conférences constructeurs, enfin Digital Event de Nintendo à l'époque, et il y a aussi des conférences éditeurs, Electronic Arts, Ubisoft, et là il y a un Bethesda. Donc Activision, ils n'ont pas de conférence, mais... En fait, ils se rendent souvent au Convention Center et ils ont un stand donc, où les gens peuvent essayer notamment le dernier Call of Duty. Ça, c'est pour dire que pour Activision, pour celui qui est chez lui, ça n'a pas changé grand-chose. C'est-à-dire que, qu'il y soit ou pas, le Call of Duty, tu le verras chez Sony puisqu'ils sont en partenariat avec PlayStation. Mais c'est quand même un gros acteur quand même du milieu qui déjà va pas boycotter, mais qui va se passer de l'E3 cette année. Alors c'est pas le seul poids lourd de l'industrie qui boude l'E3 2016, puisqu'en fait début janvier, je crois pas qu'on en ait parlé, mais Electronic Arts avait annoncé qu'il ne tiendrait pas de conférence, puisque Electronic Arts, eux pour le coup, c'est un des acteurs du jeu vidéo qui tient une conférence, hein, souvent un peu soporifique d'ailleurs, on se rappelle de l'année dernière avec Pelé. Ah c'est vrai, un grand moment de solitude, ouais, c'était super long putain. Au début, tu te dis, ah, c'est cool, c'est Pelé. Et puis après, au bout de 10 minutes, tu te dis, casse-toi, Pelé, bordel. Attends de jouer au foot ou je sais pas quoi, là. Tu nous saoules. Donc, en fait, ils ont annoncé un événement qui s'appelle le EA Play, qui aura lieu le 12 juin, soit 2 jours avant l'ouverture du salon, et qui se tiendra à Los Angeles et simultanément à Londres. Ouais, c'est un peu pareil. Un peu triché, ça. Oui, ouais, voilà, disons, pour le salon, le salon E3, c'est un peu différent. Tout le monde fait sa conférence avant, en démat, et tout ça, quoi. Tout le monde fait comme Nintendo. Certains le faisaient, mais là, c'était quand même un acteur du salon qui était quand même très très présent. La semaine dernière, on a aussi appris que 2 autres exposants, pour le coup, hein, qui tenaient pas de conférence, feraient faux bond à l'E3 cette année, donc c'est Disney et Wargaming. Donc Wargaming, eux, ils ont expliqué que, je cite, l'E3 ne correspond pas du tout à leur orientation actuelle en raison de la présence très minoritaire des titres free-to-play sur le salon. Donc c'est vrai que l'E3, c'est plus un salon de jeux physiques plutôt que de free-to-play. C'est pas quelque chose qui est très représenté à l'E3. Donc bon, que Wargaming il soit pas là, c'est pas grave. C'est pas que c'est très grave, mais donc s'il y avait eu qu'un acteur qui était pas là, tu vois, si Wargaming disait bon, on vient pas cette année, je pense qu'on en aurait moins parlé. Là, faut ajouter Wargaming à Disney, faut ajouter à Electronic Arts qui tiendra sa propre conférence, et aussi à Activision. Donc toutes ces annonces font qu'on peut légitimement se poser des questions sur le présent et sur l'avenir de l'E3. Et d'ailleurs, c'était le site Wire qui écrivait avec un certain humour « What's happening to E-Cube ?» Donc qu'est-ce qu'il arrive à l'E3 ? Oh, ne vous inquiétez pas, il est juste en train de mourir. Aïe. Voilà. Ça fait mal, ça. À ce point-là, quoi. À ce point-là, donc, les raisons de ces départs, déjà, la première, c'est que c'est trop cher. Alors, c'est peut-être pas, pour le coup, c'est peut-être pas une des raisons principales, mais c'est quand même un élément à prendre en compte. L'E3, c'est du show, c'est de la démesure, ça a un coût financier. Alors, on peut se demander ce qu'un éditeur comme Disney ou Activision a comme intérêt à payer un stand à l'E3 quand il a peu de jeux à montrer. Toi, la Activision, ils ont leur Call of Duty, autant le montrer sur le stand Sony pendant la conférence et qu'il y ait des bornes sur le stand Sony plutôt que de payer un stand. J'avais fait quelques recherches, en fait, puisqu'on parle de plusieurs millions de dollars. En fait, en 2013, un développeur indépendant avait estimé le coût du plus petit stand possible. Donc, je crois que c'était 50 mètres carrés. Donc, quand tu vois la taille des stands d'un Sony, d'un Nintendo, d'un Microsoft, la 50 mètres carrés, c'est juste ridicule. Hein. C'était entre 300 000 et 500 000 dollars. Putain. Donc ça te laisse imaginer, alors après peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes tarifs que, voilà, peut-être j'imagine que c'est dégressif, mais t'imagines un peu quand même le coût que ça doit être pour quand même une grosse exposition aussi mondiale. Oui, après tu, voilà. Oui, voilà. Tu rentabilises quelque part. Voilà, alors c'est pour ça que je dis que peut-être le prix, c'est pas forcément ce qui pourrait faire reculer les éditeurs, c'est quelque chose qui peut être important pour des indépendants. On sait que par exemple Devolver tient lui un stand en dehors du salon. Juste sur le parking du salon, donc ça a fait un peu leur légende aussi, puisque dans un food truck, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait Devolver, ils ont un côté comme ça un peu punk, un peu c'est un éditeur un mais peu c'est atypique. Devenu un rendez-vous, quoi, enfin c'est classique de les voir là, ouais, voilà. Tout le monde les attend là, ouais, tu viens bouffer avec eux, tu discutes avec eux, ça devient quand même ça. Ils ont bien trouvé le truc. D'ailleurs. Donc, autre raison du départ, c'est que finalement, l'E3 ne serait pas assez proche du public. Donc, pour rappel, l'E3, c'est un salon qui est uniquement accessible aux professionnels. Donc, ça, c'est aussi lié au coût. C'est-à-dire que si tu as 50 000 journalistes qui viennent, tu vas payer, je sais pas, 3, 4, 5, n'importe quoi. Mais là, on voyait 300 000, 500 000 dollars. Alors, autant pour un petit éditeur indépendant, ça peut être intéressant de faire connaître son jeu. Pour Nintendo, pour Sony, parler aux journalistes aujourd'hui, c'est peut-être moins important que s'adresser directement à leur public. Parce qu'aujourd'hui, les journalistes, ils vont plutôt passer par par les youtubeurs, par des gens qui ont peut-être plus d'influence que des journalistes. Donc voilà, on se rappelle notamment de Iwata qui faisait le Directly to You. C'était un peu eux d'avoir lancé cette nouvelle manière de communiquer directement aux consommateurs. Donc est-ce qu'aujourd'hui les éditeurs ils ont encore besoin de la presse traditionnelle, d'une verticalité de la communication, quand finalement, je disais, ils peuvent balancer un trailer sur YouTube et que ça sera partagé, ça sera commenté, un peu ce que fait Nintendo. Il y a clairement aussi Disney qui fait ça avec, ils ont des Disney Infinity Next, donc c'est des rendez-vous, ils présentent Disney Infinity. À mon avis, c'est plus intéressant pour eux que de venir au salon avec un stand Disney où tu vois Disney Infinity. Là, ils font une petite émission spéciale dessus et c'est peut-être plus intéressant. On parle des Nintendo Direct aussi, ça coûte moins cher, tu maîtrises ta communication, tu fais pas de bourde, tout est vraiment sous contrôle. C'est peut-être plus intéressant. On voit finalement que EA va faire la même chose avec son EA Play, donc un truc qu'ils peuvent préparer eux-mêmes. Ils le font quand ils veulent parce que souvent, tu passes avant Sony, tu passes à telle heure. Est-ce que c'est intéressant? Comment c'est dealé? Voilà. Au moins là, tu maîtrises complètement ton événement. Et tu vas pouvoir parler directement à ton public. Donc le credo des joueurs passe en premier, c'est vraiment ce que le site d'Electronic Arts a relayé pour expliquer le fait de ne pas venir à l'E3. Ils ont dit, nous ce qui est important c'est les joueurs, ça peut être un discours un peu démago, mais finalement, quand tu regardes finalement ce que ça peut te rapporter l'E3, faire son propre événement c'est peut-être beaucoup plus intéressant que de participer à l'E3. D'autant que il y a eu beaucoup de tractations en coulisses de la part de certains éditeurs pour que l'E3 ouvre au public. C'était une des volontés. Ils disaient, ok, on veut bien continuer à payer ce qu'on paye, mais pour 50 000 personnes, alors après ça a aussi un écho avec l'internet, mais peut-être que de l'ouvrir au public comme dans les grandes manifestations comme la Gamescom, maintenant la Paris Game Week, comme les PAX qui se tiennent aux États-Unis, c'est peut-être plus intéressant et ça parlerait peut-être au public directement. Alors c'est pas une option qui a été retenue par les organisateurs du salon. Peut-être que ça sera le cas. Ça sera le cas si il continue à faire l'E3, on ne sait pas ce qui se passera. Et enfin, le dernier point, c'est est-ce que c'est vraiment un avenir noir pour le salon? C'est pas la première fois en fait dans l'histoire de l'E3 que le salon traverse une pareille crise. Il faut savoir qu'au milieu des années 2000, les gros éditeurs le boudaient, notamment on se souvient qu'en 2007, à l'époque où il se nommait eCube Media and Business Summit. Et en fait, ils ont eu un gros souci, c'est-à-dire qu'il y avait, je crois que c'était, ils étaient revenus après à une formule initiale, mais on se souvient notamment que vers cette époque-là, Blizzard avait quitté notamment l'E3 pour faire la BlizzCon. Donc quand tu perds Blizzard, c'est quand même c'était du poids lourd quand même dans l'industrie. On a eu aussi Nintendo qui tient plus de conférences à l'E3 et qui passe par un digital event qui est enregistré et normalement maîtrisé, même si le dernier on peut pas dire que c'était très très folichon. Et en même temps, avec tous ces départs, il y a eu aussi des arrivées. L'année dernière, il y a eu Bethesda, on a eu la conférence PC Gaming. Pas une grande réussite. C'est pas une réussite. Et on peut voir quand même que l'E3 en 2016, pour cette nouvelle édition, ça pourrait être aussi l'annonce de la NX. Donc ça ferait quand même une grosse annonce pour le salon. Un écho. Est-ce qu'on n'en sait plus sur l'E3 de Nintendo déjà ou pas? Non, ils pourraient tout à fait se passer de l'E3 et propre événement. La question, c'est est-ce qu'ils vont rester en digital ou ils vont faire une vraie conférence? Est-ce qu'ils ont déjà dit ça? Certains disent que c'est surtout ceux qui veulent aller pour se rincer et pour voir les trucs en direct. Beaucoup disent que c'est plus intéressant pour les retombées médiatiques de faire une conférence en direct. Je pense que quand tu présentes une console, ça peut-être être intéressant de la présenter en direct. Il n'y avait pas des rumeurs comme quoi ils l'annonceraient genre juste un jour ou deux avant l'E3 et qu'ils montreraient plutôt genre les jeux sur le salon ou autre comme ça? Ils en ont pas parlé là dans leur dernier Nintendo Direct. Ils n'ont pas annulé le 3 quoi. Non, le Nintendo Direct n'était pas du tout consacré ni mobile ni NX. Ils le précisent à chaque fois. C'est ça. Vous n'aurez rien, vous n'aurez pas d'infos. Et après sur les forums, tu vois, vous pensez qu'ils parleront de NX? Non, on t'a dit que non. Aussi, on peut penser à la réalité virtuelle, c'est-à-dire que la réalité virtuelle, c'est quand même une technologie qui est quand même bien d'être montrée sur les salons, notamment auprès des professionnels qui peuvent relayer les impressions que ça donne, après de la montrer dans les salons. Donc les salons, ils ont quand même toujours leur intérêt. Maintenant, est-ce que ces désistements, quand même assez massifs pour cette édition de 2016, ça peut peut-être remettre en cause le salon à terme? Ça veut dire, en gros, est-ce que c'est une vraie crise de fond ou c'est juste un creux de vague, quoi? C'est ça, la voilà. question. Moi, est-ce que c'est juste ponctuel ou est-ce qu'il va y avoir de plus en plus d'éditeurs qui vont faire leurs propres événements et auquel cas le salon, le 3 en lui-même, il n'aura plus aucun intérêt puisque tout sera en périphérie. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est la fin. C'est le début de la fin. non, mais je me prononce pour le côté, genre plutôt ils vont faire chacun leurs événements et ou comprendre qu'il vaut mieux faire plein de micro-événements toute l'année que faire un seul gros événement dans l'année, ou en plus tout le monde le fait en même temps que toi. En gros, ils sont en train de se dire que Nintendo a raison depuis quelques années. Quoi. Bah, et puis tu vois, Sony par exemple, ils font leur propre machin maintenant, la PlayStation Experience, leur propre truc, le machin, le bidule en novembre. Y a Blizzard qui fait sa BlizzCon, et en fait, pour eux, c'est beaucoup plus intéressant, parce que déjà, ils le font à leur propre tempo, ils essaient de l'organiser à un autre moment où personne ne fait rien d'autre. Du coup, la seule news qu'il y a dans les sites de jeux vidéo, c'est PlayStation ou c'est Blizzard à ce moment-là. Là, le problème de l'E3, c'est que t'es noyé dans un truc de... Enfin, c'est monstrueux. Si tu veux une news précise sur un jeu, quand tu lis les news, t'es sur Gamekult dans la journée qui se passe sur l'E3, t'as 50 t'as news. T'as un flux de... Ouais. Ah, c'est impossible de s'en sortir. Donc bien sûr, quand tu sors une nouvelle console, c'est de la grosse news. Mais quand t'es un moyen éditeur de jeux vidéo, que tu sors un jeu vidéo genre double A, voire simple A... Bon, autant faire son propre petit événement, trouver un partenariat avec le bon youtubeur, comme tu disais, trouver une temporalité différente, une façon de communiquer un peu plus marrante que de faire un E3 et de payer 350 000 ouais. euros pour avoir un stand moyen, quoi. Et faire la même annonce que le même jour que Nintendo va annoncer sa NX, quoi. Et là, tu te retrouves la tête dans le. Voilà, et ça servit à rien et t'as claqué tes thunes pour rien. Donc, moi, je me dis, peut-être que c'est un signe de fond, ouais. Après, moi, j'ai l'impression aussi que la crise de l'E3 elle concerne vraiment les journalistes et pas tellement le grand public. C'est-à-dire que si tu as une conférence, tu vois, là, on parle de EA Play. Pour nous, qu'est-ce que ça change d'avoir une conférence EA deux jours avant plutôt que la conférence EA au moment de l'E3? On aura la news quoi qu'il arrive. Les jeux, ils seront quand même présentés. Tu y joueras pas plus puisque tu y es pas. Donc, finalement, quand tu regardes tout depuis l'avènement d'Internet, de Twitch, tout ça, tu te dis y a pas tellement d'intérêt à ce que l'E3 reste sous cette forme. Il pourrait y avoir un groupe. C'est bien pour que les jeux soient montrés parce que tu as des vidéos, donc tu vois les gens qui essayent les jeux, tu as des avis comme ça, mais je suis pas sûr que finalement l'E3. Finalement, il y aurait toujours des annonces. Hein, les annonces survivraient à la disparition de l'E3. Il y aurait toujours des événements. Greg parlait de la PlayStation Experience. Microsoft a tenu aussi une conférence. Il y a des Nintendo Direct, donc les annonces, ça se ferait quand même. Hein, ils n'ont pas arrêté de faire des annonces. Moi, je suis pas sûr que l'E3, quand il n'y en avait plus, C'est vrai que c'est un événement sympathique parce que ça fait un peu grand-messe et grande réunion du jeu vidéo. Et c'est un événement qui n'est pas commun dans les médias traditionnels. C'est-à-dire qu'au cinéma, l'équivalent, ça serait Cannes ou les remises de prix. Je vois pas trop comment. Tu vois, après, ça reste un salon professionnel. Donc. Oui, mais en fait, qui aujourd'hui est considéré comme un salon pour tout le monde. C'est-à-dire que oui, c'est un salon professionnel que tout le monde suit parce que c'est là où il y a le plus grand nombre d'annonces. Et c'est là où se décide généralement l'année du jeu vidéo, quoi. Qu'il y ait plus de 3, moi je peux le concevoir, mais à ce moment-là, il faut quand même. Je pense qu'ils vont chercher à mettre en place quand même des événements pour faire repartir. Il y en aura toujours, ils sont obligés d'annoncer leur jeu. Ça sera leur propre événement. Je veux dire, un événement qui recentralise un peu tout le média jeu vidéo autour de quelque chose. Quoi. Que ce soit des prix qui essaient d'émerger, il y a les prix du jeu vidéo qui essaient d'émerger, qui ont un peu de mal, je trouve. Il y a les Paris Games Week ou les Gamescom. La Paris Games Week, finalement, dedans, ils peuvent faire une conférence. Là, il l'avait fait, c'était à la Défense, je crois. Et puis après, quand tu fais le salon, donc le grand public peut venir essayer les jeux dont tu as parlé. Et avec finalement, c'est pas forcément une mauvaise idée. Peut-être que ça peut muter de cette façon. Après, moi, je sais pas si l'E3 est indispensable à l'industrie. Je suis pas certain non plus, moi. J'aime bien le côté traditionnel de l'E3, parce que c'est on ça. Attend ça, on est content. Devenir la Paris Games Week, ou ça pourrait être un autre moment. Moi, je serais un peu déçu que ça disparaisse complètement, ce genre de rituel, en fait. Ouais, c'est vrai que t'as le côté rituel où avant t'as les rumeurs pré-E3, donc je pense qu'on en parlera aussi dans quelques mois. Après, t'as l'attente de te dire, tiens, qu'est-ce qu'ils vont annoncer, qu'est-ce qu'ils vont montrer, qui a gagné l'E3. Et moi, je me souviens de toutes les annonces de Miyamoto avec ses Zelda, de la Wii, le fameux combat PS4 Xbox One. Ça va être quand même compliqué pour que ça disparaisse complètement. Hein, comme tu... enfin, c'est un peu ancré dans la mythologie des joueurs, le 3. Quoi. Moi, j'entends parler de le 3 depuis que je suis tout petit, j'ai l'impression. Ouais, il y a eu des vagues de creux. Il y a eu des vagues de creux, mais on attendait quand même le 3. Quoi. Enfin, tu vois, il y avait quand même le 3. C'était le 3 est encore mauvais cette année. Mais on le disait quand même et t'espérais un peu. Tu te disais, ah, peut-être que cette année, à le 3, il y aura une nouvelle console. Tu vois, enfin, c'était le moment et c'est toujours le moment où tu te dis, et tu vois, là, on se dit, est-ce que la NX va être contrée à le 3 et, Ouais, mais voilà, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui d'avoir une communication verticale, c'est-à-dire éditeur vers journaliste vers grand public, alors qu'aujourd'hui tout le monde est dans une communication horizontale où tu balances ton trailer, c'est partagé par tout le monde, tout le monde est prescripteur Nintendo, de quelque chose. Voilà, le buzz il se fait comme ça, l'annonce elle se relaie comme ça. Après, c'est remettre un peu en cause aussi la fonction des journalistes, hein, mais moi je suis pas persuadé qu'aujourd'hui. Très clairement, aujourd'hui un éditeur peut se passer des journalistes. Ouais. Nintendo avec tu passes par PewDiePie sont... et puis c'est bon. Hein. Voilà, c'est oui, clair. Oui, ouais, je pense que les youtubeurs, les gros youtubeurs, ceux qui ont une influence énorme, sont plus intéressants que de passer. Tu vois, même en France, là tu parles de PewDiePie, mais pour des mêmes. Je suis sûr qu'en France, faut mieux. Son équivalent de PewDiePie, comment il s'appelle Squeezie ou normal. Squeezie, je pense à Squeezie. Voilà, bah, tu faut mieux passer par Squeezie que d'envoyer ton truc à Gamekult. Mm. Toi, Gamekult, peut-être que voilà, t'auras peut-être un truc plus qualitatif, mais qualitatif, c'est pas ce qui intéresse. Et puis Gamekult, c'est ciblé un certain lecteur. Ouais, c'est ciblé. C'est les plus trentenaires, quoi. Enfin, là, voilà, le mec, ouais, c'est un influenceur. S'il dit du bien de ton jeu, voilà, tu le payes, il dit du bien de ton jeu, c'est plus intéressant que de faire une pub ou de faire un test. Donc voilà, je sais pas si aujourd'hui c'est très intéressant de maintenir cette formule-là de l'E3. Après bon, je pense qu'en coulisses, comme on disait, il y a des questions de coûts, il y a des questions aussi de voilà, des choses que les éditeurs voudraient mettre en place mais que le comité E3 veut pas. Voilà, moi je sais pas tout ce qui se passe en coulisses, mais en fait l'E3 pour moi, selon moi, a une importance dans le fait qu'il peut permettre de révéler ou de poser des tendances qui ont du mal à émerger, comme ils ont essayé de faire l'année dernière le salon du PC. C'est-à-dire que tout d'un coup donner une cohérence à un marché qui est un peu dispersé et dont on a du mal à saisir le. Mais c'était à l'initiative des acteurs en fait. Enfin, c'était Radeon qui avait lancé les cartes graphiques, oui, je sais plus qui. Je veux dire, le fait que le 3 soit le 3 aujourd'hui, ça tient. Qui l'organise ? C'est un assemblement de sociétés. Elle pourrait effectivement, après, au bout d'un moment, se dire, bah, on a plus intérêt à communiquer chacune de notre côté à notre temporalité que juste tout ensemble, quoi. Et là, Radeon, il voit bien que c'est le bordel, etc. Mais Steam, il pourrait très bien dire, bah, moi, je m'en fous, je fais mes événements Steam, et puis voilà. Puis Radeon, ils ferment leur gueule parce qu'ils n'ont aucune puissance financière par rapport à moi, quoi, sur le jeu PC. Donc, c'était un peu un hasard, le truc de la conférence PC l'année dernière. C'est parce que ça arrangeait bien Radeon cette année-là, mais c'est pas dit que ça se renouvelle tous les ans, c'est pas dit que ça marche très bien. Et je sais pas si c'est une vraie volonté de l'E3 que de se dire, tiens, on va développer le PC, comme ça on va pas mourir, on va développer machin. Non, peut-être pas si conscient que ça, mais ça permet quand même de poser des tendances, enfin, tu vois. Et ouais, puis plus que les tendances, ça permettait avant, quand tu avais une communication verticale, de réunir tous les acteurs à un même endroit, à un même moment, pour finalement faire ta communication auprès du public. Oui. Parce que c'était ça le but, c'est-à-dire de parler aux journalistes pour qu'eux, ils parlent au public. Mais comme on disait maintenant, avec Internet et avec la façon dont on communique, bah, c'est plus aussi pertinent qu'à une époque. Quoi. Oui. Donc voilà, bon, on verra s'il y a d'autres annonces, parce que là c'est quand même assez récent, c'était début mars et là la semaine dernière pour Disney et Wargaming, donc peut-être qu'il y aura, ça va faire un peu effet boule de neige et qu'il y aura d'autres acteurs qui vont soit organiser leurs propres événements, soit tout simplement annuler leur venue, pensant que c'est pas suffisamment rentable, et passer par les conférences constructeurs. D'ailleurs c'est peut-être pas plus mal, parce que je regarde toutes les conférences, et c'est souvent redondant, c'est-à-dire si t'as un jeu qui est présenté, je sais pas, chez Ubi, après tu vas le revoir chez Sony, s'ils sont partenaires. Donc c'est un moment donné, bon, le doublon, alors des fois ils mettent un trailer un peu différent, mais les conférences durent quand même souvent 2h, 2h30, en plus en France c'est à 3h, 4h. Ah, c'est super chiant, c'est super mal fait. Ceux qui s'en sortent le mieux, moi je trouve, c'est Nintendo avec les petites vidéos déjà préfaites, pré-montées, pré-machin, du coup tout est parfait, le rythme est super bien. Sauf l'année dernière, mais... Voilà, sauf quand t'as rien à montrer, quoi. Voilà, sauf quand t'as rien. Alors on va vous montrer Star Fox, mais vite fait parce que c'est moche. Donc regardez. Et là pas on trop. A Mario Tennis, voilà, c'est ça. Merci. Sinon, il y a des petites marionnettes sympas. Hein. Achetez des amis. Voilà, après oui, c'est toujours pas, mais si t'as rien à montrer. Si t'as beaucoup de choses à montrer et que tu le fais en 50 minutes, ça peut être hyper efficace. Bah clairement. Surtout si c'est fait d'une manière assez drôle, comme ils avaient fait l'année avec le combat entre Iwata génial. Là, ils avaient vraiment des trucs excellents là-dessus. Et puis il y avait des bonnes annonces. Ouais. Et derrière, il y avait des poupées, mais c'était tout ce qui était autour. C'était de la merde. Ah, tu voyais quelqu'un qui faisait des Yoshi en laine, quoi. Ouais. Bon. On verra cette année. Moi, ma grande interrogation sur le 3, c'est Nintendo. Ça. Bah, là, je pense que... Comment va avancer Nintendo s'ils n'ont pas craqué pour la NX avant Ça va être les seuls déjà à présenter une console, on imagine. S'ils ne la présentent pas avant. Peut-être Microsoft, hein. Il y a toujours cette rumeur d'une Xbox. Ça t'embête pas qu'on reste dans la Nintendo, du coup, et que tu nous parles un peu de Nintendo? Oui. Bah oui, Donc il y a eu un Nintendo Direct le 3 mars dernier. Qu'est-ce qu'on y a appris? Alors oui, c'était le Nintendo Direct qui durait 40 minutes environ, hein, 23 heures française. Donc voilà, on peut... moi je suis content. J'aime bien quand c'est à 23 heures en fait. Globalement, c'était un Nintendo Direct dans la stratégie de Nintendo depuis l'E3, puisque voilà, on en parlait. Période de transition et fond de tiroir, moi j'appelle ça. Moi ce que j'ai retenu d'abord, Star Fox Zero sur Wii U, dont la sortie finalement est maintenue au 22 avril, puisqu'il y avait des rumeurs comme quoi il sortirait en juillet. Non, c'est le 22 avril. Donc Miyamoto a pris la parole pour présenter le jeu une nouvelle fois. Alors ça a été un peu boosté visuellement, c'est un peu plus joli que, qu'avant. C'est pas fabuleux, hein, mais bon, normalement ça devrait bien tourner. C'est 60 fps sur les deux écrans, puisqu'il y aura l'utilisation du gamepad pour une certaine vue, pour le cockpit. Et là, ils ont montré surtout le système de route alternative qui pourrait faire une petite replay value intéressante. La surprise, c'est plutôt la sortie en simultané de Star Fox Guard. D'accord. Ou Guard, je ne sais pas comment on prononce en anglais, qui va sortir sur l'eShop ou en coffret avec Star Fox Zero. Alors pour le coup, c'est la reprise d'un des deux projets que Miyamoto avait présenté à l'E3. Il y avait Project Guard et Project Robot. Les robots, ouais. Voilà, c'est des trucs qu'utilisait vraiment le gamepad. Là, c'est une espèce de tower defense où tu places en fait, t'as des caméras et tu dois résister à l'infiltration de robots à l'intérieur de ton système informatique. Donc t'as, sur le gamepad, tu as plusieurs écrans et tu dois jongler entre l'écran de la télé et l'écran de ton gamepad. Ah oui. C'est plutôt assez efficace. Alors, ils l'ont un peu, ils l'ont remis un peu pour le placer à l'intérieur de Star Fox. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais moi j'avais trouvé ça plutôt intéressant. Tu penses que ces gens, on le sort vite comme ça, on se débarrasse de ce jeu-là, ce concept-là, puis on passe à autre chose? Non, je pense que c'était vraiment un truc où ils travaillaient sur le concept et ils se sont dit, soit on le sort, parce qu'en fait il va sortir aussi sur l'eShop. Et tu te dis, ils se sont dit, on va peut-être le placer. C'est vrai que ça fait un peu placement, le peu place chausse-pied. Oui, comme ça on passe à la NX après. Voilà. Ah, tu veux parler de ça? Je pensais ça, moi, tu vois. Moi, je pensais que par exemple, qu'il sortirait jamais. Oui, ils ont fait ça parce qu'à un moment ils se disaient bon, faut un peu qu'on parle de concept de la part de Miyamoto, ouais. Parce que ce qu'on avait beaucoup reproché à Nintendo, c'était finalement de pas utiliser le gamepad. Donc là, ils s'étaient dit, c'était à l'époque où il y avait Mario Maker, il y avait Star Fox, donc deux jeux qui utilisent beaucoup le gamepad, et il avait ces deux autres projets. Et autant Project Robo, c'était quand même pas terrible, autant celui-là était plutôt intéressant et avait du potentiel. Moi, j'avais trouvé ça plutôt sympa. On a vu aussi Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Rio 2016 sur 3DS et Wii U. Donc ça, c'est une sortie en juin avec le rugby à 7 hein, pour les passionnés d'Ovalie. Voilà. Bon, ouais, j'en avais rien à faire et j'en ai toujours un peu rien à faire, mais pour le coup, c'est pas moche. On l'a vu sur Wii U, c'est pas désagréable. Ouais, bon. Je me dis, ça peut être un party game assez sympa après le party game assez moyen qui était, je trouve, Mario Party 10. Plus intéressant, mais toujours fond de tiroir, c'est Paper Mario Color Splash. Donc on avait quand même, on en avait peut-être parlé, qu'il y avait des rumeurs d'un Paper Mario qui avait été teasé par une des spécialistes de Nintendo d'ailleurs qui avait fermé son compte depuis cette annonce-là, je ne sais plus comment ça s'appelle. là en fait, je ne sais pas si vous l'avez vu tourner. Non. C'est hyper beau, la DA est juste magnifique. Donc après, sur Wii U. Hein. Sur Wii U. Après, ça a l'air d'être vraiment dans l'esprit du controversé Paper Mario, je ne sais plus comment il s'appelle, Sticker quelque chose, qui était sorti sur 3DS il n'y a pas longtemps, qui apparemment n'est pas terrible. Ah bon. Mais par contre, la DA passe hyper bien avec la HD, là, c'est vraiment magnifique. C'est bien déjà ça. Déjà, c'est une bonne chose. Mmh. Ouais. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre sur 3DS? On a eu la date de Fire Emblem Fates, donc c'est le 20 mai. On a appris que Monster Generation sortait cet été et l'annonce d'un nouveau Kirby sur 3DS qui s'appelle Kirby Planet Robobot et qui sortira le 10 juin prochain. Donc c'est super rapide. Hein. Ça, c'est aussi ça, c'est bien, ça. La force de Nintendo, c'est souvent d'annoncer un jeu et de le sortir aussi rapidement. Peut-être qu'ils l'ont développé aussi rapidement. Ça, c'est un mauvais signe. Une annonce qui était attendue mais qui a plutôt fait grincer des dents, c'est l'arrivée sur 3DS des jeux Super Nintendo. Ouais. Alors je dis sur 3DS non, puisque c'est sur New 3DS uniquement. Et pas de cross-buy avec les versions Wii U. Donc si t'as acheté tous tes jeux... Ça fait vieillot, quoi. Ouais. Ça fait un peu vieillot ou ça fait plutôt pingre. Oui, aussi. Par contre, moi, je suis pas persuadé que le fait qu'il n'ait pas sorti sur 3DS, ça soit une volonté simplement de vendre des New 3DS. Parce que finalement, il pourrait se dire, t'as un marché de 60 millions de 3DS. Ils sont perdants quelque part. Ah, c'est plus intéressant. Après, faut savoir que faire des portages, c'est pas toujours si évident de faire des portages pixels perfect. Il faut savoir qu'il y a des consoles qui sont plus ou moins adaptées pour du pixel perfect. Et peut-être que la 3DS l'est pas et que la New 3DS l'est beaucoup plus ou qu'ils l'ont développé dans ce sens. Après, voilà, peut-être que finalement ils veulent juste vendre des 3DS, hein, je dis ça, mais... donc il y a d'ores et déjà disponible, il y a Super Mario World, Earthbound, et vont sortir Legend of Zelda Link to the Past, Super Metroid, F-Zero, Super Mario Kart, des jeux que personne n'a jamais racheté. Je pense que les gens qui les rachètent, ils les ont au moins 12 fois. C'est clair, mais bon, t'es quand même obligé un peu de les racheter. Ou alors tu les as toujours. Oui, certains. Ouais. Certains. Et ils sont assez chers, je crois. Hein. C'est 9€, un truc dans le genre. Et quand on achète deux, le deuxième est à moitié prix. Ça fait cher la nostalgie. Ça fait cher la nostalgie. Et c'est les versions américaines, donc en 60 Hz. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, je ne sais pas si c'est les versions avec les sous-titres français, par exemple, pour Link to the Past. Ce serait dommage. C'est un peu dommage. Mais l'attraction du Nintendo Direct, c'était bien sûr la danse de Satoru Shibata sur Yo-Kai Watch. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ça. Moi, j'ai pas vu. Il faut voir cette danse. Parler, mais... C'est exceptionnel. C'est une séquence qui est vraiment au-delà d'irridicule. Hein. C'est complètement culte et fournisseur de gifs en tout genre. Non, mais voilà, tu dis quand même que le mec, c'est le président de Nintendo Europe. Et le mec, il est là, il fait la danse de Yo-Kai Watch. Donc, c'est une petite danse où il fait comme ça, tu vois. Pas, il se met un peu comme ça et ça fait Yo-Kai Watch. Ouais, ça fait des trucs en japonais. Et il fait ça pendant 2 minutes. Oui, quand même. C'est, non mais je trouve ça, moi je trouve ça presque fascinant, tu vois, c'est à l'époque comme ce que faisait Iwata, il y avait des trucs qui étaient complètement dingues, quoi. On parlait tout à l'heure du combat entre Iwata et Reggie, bah c'est un peu ces trucs là où les mecs qui sont en, tu te dis, je sais pas, ils fument ou ils prennent des substances, enfin, là, tu t'imagines, je sais pas, en France un PDG d'une grosse boîte faire c'est ça. Clair, mais donc c'est l'arrivée, c'est parce que c'est, il y avait ouais, parce qu'ils ont annoncé Yo-Kai Watch en Europe, enfin il est temps. Ouais, parce que Shibata, c'est le président Europe. Non, mais c'est vrai que ça fait super longtemps que ça existe au Japon. Surtout que là, ça fait bien 10 ans que ça existe. Ça... Mais par contre, ça a du mal à prendre aux États-Unis. Ouais, ça marche pas très bien aux États-Unis, ouais, ce que j'ai entendu dire aussi. Il y a une nouvelle. Il y a une new Nintendo 3DS là, qui est sortie aux couleurs de la Super Nintendo. Elle est belle. Elle est belle. De la Super Famicom. Ouais. Je sais pas si ça va sortir en France. J'ai envie de me l'acheter. Je ne vais jamais y jouer et je vais l'acheter comme un gros con. Ah ouais, elle est magnifique. Attends, mais je crois pas qu'elle sorte en France. On parlait de nostalgie, le truc, elle est... mais je m'en fous. Je vais au Japon pour l'acheter. Je m'en fous. T'as rien de japonais. Non, mais elle est belle. T'es que c'est zoné les jeux. Je m'en fous. De toute façon, je joue pas. C'est juste pour la regarder l'exposer. C'est vrai qu'elle est vraiment très belle. Elle est bien réussie. Les deux news suivantes, elles sont plus ou moins liées. Non, je me trompe en disant ça. Ouais, enfin. C'est un peu le même univers, quoi. Ouais, tu veux commencer par laquelle? Je serais plutôt curieux pour le Windows 10, pardon, excuse-moi. Ouais, parce qu'il y a deux semaines, on avait fait un débat sur la stratégie de Microsoft autour de la Xbox One et de Windows 10. On avait notamment parlé de la sortie de Quantum Break sur PC et sur One. Et j'avais parlé de l'événement en fait, de presse qui est organisé par Microsoft à San Francisco. Et en fait, il y avait un NDA juste au lendemain de l'enregistrement du podcast. Bon, voilà, on n'a pas non plus appris des trucs bouleversants. Hein. Il y a eu quelques trucs intéressants. Non, mais disons que c'est plutôt les phrases, notamment de Phil Spencer, qui sont intéressantes. Donc, première nouvelle assez surprenante. On attendait, j'en avais parlé, un Forza 6 sur PC et Windows 10. Et on a eu le droit à Forza 6 Apex. Donc, c'est une version free-to-play de l'original un peu light. Ça sortira au printemps sur Windows Store avec 67 voitures disponibles. Le jeu utilisera DirectX 12 et on pourra jouer en 4K si tu es très fortuné et que tu as un PC. Pas comme le dernier PC de Dim qui est quand même qui a pas l'air génial. Je pense que là, il va galérer pour faire tourner DirectX 12 et la 4K. Parce que là, c'est un peu raté. Déjà Skype, pas facile. Voilà, hein, je t'avais dit de pas acheter un PC à la sauvette à Porte d'Orléans. Là. Mais voilà, non, c'est une version un peu light et free-to-play. Donc, c'est assez étonnant alors qu'on s'attendait plutôt à voir Forza 6 version One sur PC. Et on n'a pas eu non plus la confirmation de tous les jeux dont on pensait qu'ils sortiraient sur PC. Nous, on s'est emballé, on s'est dit que ça allait sortir sur PC. Et en fait, Phil Spencer a dit tranquillement non, ça ne se fera pas. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que ça se ferait. Oui, mon anglais n'est pas très bon, je sais. Mais il n'a pas dit que ça ne se ferait pas. En fait, par exemple, pour Gears of War 4, le studio, je crois que c'est The Coalition, dit il y aura peut-être une version PC quand même. Mais il a dit un truc du genre tous les jeux de Xbox One ne sortiront pas sur PC. Ouais. Il a dit un truc dans le genre, donc. Mais j'ai mal lu. Je n'ai pas vu passer cette news. Autre annonce, à mon avis, qui est plus intéressante, qui est liée de près à ce Forza Windows 10, c'est l'arrivée en fait, d'un environnement de développement baptisé Universal Windows Platform. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Donc ça, c'est Phil Spencer qui l'a expliqué. Phil Spencer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le responsable de la section jeux et divertissement chez Microsoft. Hein. Et en ce moment, il est vraiment un peu sur tous les fronts. Il se sent pas trop aimé en ce moment. Bah, il éteint un peu tous les feux que tout le monde lance et qu'il lance aussi un peu lui-même. En fait, c'est quoi? Alors, c'est un environnement qui permet de créer des Universal Windows Application. Donc, c'est des applications qui ne sont pas liées à une machine particulière, mais qui peuvent tourner aussi bien sur console, sur PC et sur smartphone ou tablette. Je perds un peu ma voix. Bah oui, tu parles beaucoup, mon pauvre. T'as le droit de boire et faire des petites pauses, et puis on chantera pendant ce temps. On fera autre chose. Voilà, en fait, l'idée, c'est de faciliter les portages. Hein. C'est l'exemple que je donnais avec Forza Apex. Et surtout, ça va permettre de lutter contre l'obsolescence des jeux d'une génération à l'autre. Et c'est là, à mon sens, l'autre point important du discours de Phil Spencer au sujet de Windows 10, puisqu'il a déclaré « En gros, chaque fois qu'une nouvelle génération arrive dans le milieu des consoles, la tendance est que tous vos jeux achetés ne sont plus valables. La fin de génération n'est pas quelque chose que je veux adopter. Je le vois dans la musique, les livres, les films. Quand j'achète du contenu numérique, ce contenu reste avec moi et je suis en mesure de l'utiliser quand je change d'appareil. Ce que je dis, c'est que lorsqu'une innovation matérielle arrive, nous voulons être en mesure d'en faire profiter l'espace console, peut-être sans avoir à attendre 7 ou 8 ans. » C'est un peu ce qu'on se disait la dernière fois quand on avait commencé à avoir un peu les rumeurs et le débat de notre dernier podcast. Hein. Parce qu'on s'était dit, le point positif, c'est que si Windows commence à faire un truc un peu universel avec Windows 10, comme Windows 10 est destiné à être un peu le dernier Windows selon eux, ça voudrait dire potentiellement qu'on pourrait avoir une bibliothèque de jeux qui n'aurait pas de fin. Quoi. Enfin, qu'on garderait autant de temps qu'on la voudrait. Voilà, c'est ça. Comme sur PC. Comme sur PC. Ouais, c'est d'ailleurs là, il a continué en disant... En parlant du rapprochement PC, où il a expliqué qu'il peut toujours jouer au vieux Doom et Quake, mais je vois toujours les meilleurs jeux 4K dans mon catalogue, et celui-ci ne cesse de grandir. Donc le matériel continue d'évoluer pendant que les jeux sont capables d'en tirer avantage, et je n'ai pas besoin de changer de génération et de perdre tout ce que j'avais. Donc forcément, ça a beaucoup fait parler. Pour le coup, je vous renvoie au débat qu'on avait fait il y a deux semaines, notamment sur la possible fin de la Xbox sous sa forme actuelle, sur l'itération des machines dont on parlait, et la fin de concept de génération, ou encore le rapprochement avec l'univers PC. Mais je trouve que ça va dans le bon sens pour dire, comme tu disais, les jeux que tu achètes, ça serait bien de pouvoir les avoir... C'est vrai qu'ils t'appartiennent, en fait. Voilà. Quelque part. Enfin, qui reste qui t'appartiennent pas vraiment, mais que tu sois sûr quelque part de les avoir tout le temps. C'est-à-dire que quand t'achètes jouable à vie, quand t'achètes une nouvelle machine, tu te dis pas, mince, faut que je garde l'autre machine sous le. Ah, c'est chiant ça. La PS3, surtout c'est Nintendo, un peu chiant. Là, tout ça, là. Enfin bon, ils les font tous, mais bon. Non, parce que Nintendo, tu peux. Généralement, c'est, oui, c'est rétro-compatible d'une génération. Voilà, d'une génération. Oui, disons que j'ai du mal à jouer mes jeux Super Nintendo sur ma Wii, quoi. Mais d'ailleurs, je pense que Nintendo va s'orienter vers ça. Parce qu'ils sont en train de mettre en place leur écosystème. Je sais pas, parce qu'ils font quand même énormément d'argent avec la revente d'anciens titres que t'as déjà acheté 10 fois. Une console. Donc tu vois, ça, ils perdraient d'un coup la manne que t'as cité par exemple sur la Nutro. Toi, tu vas pas faire conseiller stratégique chez Nintendo. Non, ou alors les gars, un abonnement mensuel genre de 10€ par mois chez Nintendo. Ou toi, où par tu contre, peux jouer à tous toi, les vas jeux. Aller loin. Toi, tu vas aller loin. Non, tous les jeux, alors tu peux les vendre. Alors tu peux revendre Super Mario Kart. Non, parce que tu dois le payer tous les mois. C'est une sorte de cloud et dès que t'arrêtes ton abonnement, tu peux plus jouer à rien. Comme PC, comme Gaikai, un Gaikai Nintendo, quoi. Ouais. Ah, pas mal, moi, je suis prêt à payer plus de 10€ par mois. Hein. 10€ par mois, et tu peux jouer à tous les jeux Nintendo. Je paierais 15, je crois. De la Game Boy à la NES jusqu'à la dernière génération, quoi. Franchement, pas mal. Hein. Je dis ça pour te faire reposer ta voix. Non, c'est vrai, oui, ça va. Pas mieux. Boire un peu de jus de pomme après. autre news, non, c'était pour parler de Fable, hein, puisqu'on a appris une mauvaise nouvelle pour les quelques fans qui restaient et qui attendaient Fable Legend. Dont qui était. Non, pas du tout. Non. Non, du coup, quoi. C'est pour ça que je me permettais de taquer. Qu'il se dénonce. C'est pour ça que je me permettais de taquer ce qu'il attendait. Comment tu réponds alors? Parce que je n'en faisais pas partie. Non, parce que. Non, mais Fable, je trouve que c'est une licence intéressante. Mais là, c'était un free-to-play. C'est pas PNL non plus, toi. Fable PNL. Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Donc, c'était un free-to-play qui devait sortir et sur PC et sur Xbox One. Et en fait, on a appris que Microsoft avait annulé le titre. Et on parle même de la fermeture du studio donc de Lionhead, hein, ce qui est moins drôle pour les gens qui travaillent, même si depuis, je crois que j'ai vu passer que Sony cherchait à les récupérer. Enfin, je ne sais pas si c'est un coup de pub qu'ils se sont fait ou simplement... Ils récupèrent tout le monde, Sony. Oui, ils veulent vraiment le faire. Donc, Anno Lemke, qui est le responsable des studios européens de Microsoft, a expliqué sur le canal officiel Xbox Wire qu'il s'agissait en fait d'une politique qui visait à se focaliser sur les jeux les plus attendus par le public. Autrement dit, Fable Legend n'en faisait pas partie. Et en plus de la fermeture possible de Lionhead, il a annoncé celle de Pressplay. Donc Pressplay, c'est ceux qui avaient développé Max The Curse of Brotherhood. Là, pour le coup, la fermeture du studio est actée définitive. Ce jeu, c'était un jeu qui sortait à l'époque où ils faisaient encore les Summer of Arcade. Là. Oui. Et c'était un jeu de plateforme qui est sorti sur Xbox 360, qui avait l'air plutôt sympa, qui est sorti d'ailleurs, qui n'a pas eu non plus une grosse retombée. Mais voilà, donc... On voit qu'ils se focalisent sur des choses qui sont soi-disant attendues. Alors, je ne sais pas comment ils mesurent ça. D'accord. Bon, on doit avouer qu'on a eu deux semaines plutôt calmes au niveau jeux vidéo. En fait, on n'a pas énormément de news. Un peu calme, c'est pour ça qu'on s'est reposé sur Julien. Julien est très très actif en termes de jeux vidéo, beaucoup plus actif que nous. Heureusement que tu es là, Julien, tu nous sauves. C'est ainsi que du coup va s'achever la partie jeux vidéo. On va enchaîner avec la partie techno. Do-do-do-do. passe ainsi à la rubrique techno. J'avais pas terminé ma phrase tout à l'heure. C'est assez bizarre. Étrange, hein, comme transition. Oui, bah, parce que je suis parti, j'ai pas fini ma phrase et j'ai lancé le jingle. Bon, c'est pas grave. Julia, bah, on va encore te donner la parole. Je trouve qu'on a pas beaucoup entendu. Oui, j'ai retrouvé ma voix en plus. J'ai mis un peu de pomme, j'ai mangé un petit truc, là, un petit beignet. On va faire on faisait des petits points réalité virtuelle et on va faire un petit point Netflix. Ouais, parce que je sais pas si on se rend peut-être pas trop compte en France où Netflix a connu quand même quelques difficultés pour s'implanter et s'imposer, même si j'ai l'impression que maintenant c'est quand même de plus en plus présent et personnellement autour de moi de plus en plus de monde m'en parle et me dit ah je suis sur Netflix. Après, c'est peut-être dans notre microcosme parisien, mais c'est vrai que ça a l'air de s'implanter. De notre microcosme parisien, nous savez, la culture. On a des écharpes et on les remet sur nos coups tout en fumant nos pipes au coin des cafés dans la rue, bien sûr. Vous savez comment c'est. N'importe quoi. Genre Netflix, le truc de la culture ultime. Mais non, Sartre nous regarde. Tout ça pour regarder Daredevil et Love. Hein. C'est vrai qu'il y a Dunkerque qui font pas ça. Mais non, mais c'est peut-être un peu bobo de se dire que Netflix est partout. Bah, je pense que c'est bien regardé quand même. Oui, oui, que c'est vachement progressé. C'est un million de personnes quoi. Ouais, mais... c'est ça. Tout ça pour dire que finalement... Excuse-nous, Julien. Ouais. J'ai l'impression qu'on a des voix assez suaves, là. C'est parce que j'ai augmenté ton son, ça y voilà. Est. C'est ça. T'as du bon son, là, vas-y. D'accord, j'entends un peu comme si c'était un écho, comme si on parlait un peu dans une grotte. Mais voilà, c'est pas grave. Non, c'était surtout pour comparer par rapport aux États-Unis où Netflix est vraiment énorme, et suffisamment énorme pour faire peur aux ventes de vidéos. Comme en fait, il y a eu une étude qui est parue il y a quelques temps, et là, c'est l'étude dont je voulais parler, c'est une étude qui concerne la télévision. Qui a mesuré en fait l'impact de Netflix sur la baisse des audiences aux États-Unis. Donc voilà, c'est une étude qui nous vient de Moffett Nathanson. Je sais pas si ce cabinet d'études vous dit quelque chose. Pas du tout. Je me retourne vers Greg, le spécialiste. Non, je ne connais pas Moffett Nathanson. J'ai retenu un nom comme ça. Et en fait, pour le cabinet, le constat est simple. Netflix a un vrai impact sur la baisse du temps d'écoute de la télévision en 2015. Et selon eux, Netflix serait même responsable de la moitié de la baisse globale qui est de 3% en 2015. Donc là, on parle de la moitié de la baisse globale. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas suivi. Hein. Donc bien la moitié de la baisse globale. Hein. À chaque fois qu'on va faire un truc avec des études et des chiffres, ça va être... Parce que tu répètes deux fois la phrase sans les ajouter. Répéter, c'est aussi, voilà, c'est réexpliquer. Tu voilà, c'est ça. Donc en fait, pour Moffett Nathanson, toujours, hein, Netflix serait aujourd'hui l'équivalent d'une chaîne du câble américain de taille moyenne. Donc ça montre quand même l'impact. Et pour cette démonstration, le cabinet s'appuie forcément sur des chiffres. Et selon leur étude, les heures de télévision traditionnelles sont tombées en 2015 à 491,8 milliards d'heures d'écoute, tandis que Netflix réalisait 29,1 milliards d'heures d'écoute aux États-Unis, en hausse de 32% par rapport à 2014. Donc on voit, on est quand même dans des proportions quand même, on est très très très éloigné de ce que forcément font les télévisions traditionnelles, mais on voit qu'il y a une augmentation d'année en année des heures d'écoute Netflix. Donc pour Michael Nathanson, qui doit être notamment, je pense, j'imagine, le responsable de Moffett Nathanson, d'où le nom, il dit actuellement Netflix est une source de douleur pour l'industrie, mais pas nécessairement une cause de la mort de la télévision. Donc il prévoit en fait que le nombre total de visionnages de Netflix aux États-Unis va augmenter jusqu'à 14% du temps TV total contre 5,9% en 2015. Donc il pense que ça va être une expansion encore plus importante. Donc l'impact de Netflix est très différent selon les chaînes américaines. Les chaînes les plus touchées sont apparemment ABC, CBS, NBC et Fox. Par exemple, Moffett Nathanson a analysé que la consultation de CBS était 42% inférieure dans les foyers abonnés à Netflix. ABC et NBC, eux, ont diminué respectivement de 32% et 27%. Mais dans le même temps, on voit qu'il y a eu certaines chaînes qui n'ont pas subi l'impact de Netflix, notamment par exemple Disney, qui lui a augmenté de 11%. Donc on voit qu'il n'y a pas une fatalité par rapport au fait que Netflix commence à être de plus en plus présent dans les foyers américains, puisqu'il y a dans le même temps des canaux qui augmentent. J'imagine que ceux qui baissent, c'est qu'ils ont ils proposent un contenu un peu équivalent à Netflix. Ouais. Quoi, là, c'est des séries et des choses que Netflix proposait, et Disney doit proposer quelque chose de complémentaire. Oui, ou alors ils ont eu un contenu beaucoup plus intéressant pour le public sur cette année. Mmh. Alors, ce qu'il y a aussi, donc, voilà, on peut penser que c'est pas une menace, sauf que Netflix continue son expansion et affiche clairement ses ambitions. Donc, ça, on le sait, ils ont des séries et des films exclusifs avec des droits monde et une distribution simultanée dans 190 pays. Donc ça, c'est quand même assez énorme. Pour 2016, Moffett Nathanson estime le budget de droits de Netflix à quasiment 5 milliards de dollars. Et c'est plus que Time Warner, Fox ou Disney. Ah la vache. Et au niveau de distribution, Netflix a une offre à un prix très compétitif qui représente environ 10% du prix de l'abonnement à un bouquet de chaînes américaines. Mmh. C'est quoi, c'est 9 dollars ou... Ouais, c'est même moins que ça, c'est 8, entre 7 et 8 dollars. Sur une télé simple, quoi. Ouais, sur une... Oui, mais même tu peux partager multi-compte. Enfin, ah oui, c'est... Ah oui, tu peux mettre jusqu'à 4 comptes, tu crois, sur un seul abonnement. Ah d'accord. Donc c'est quand même un... ils sont quand même hyper agressifs sur le prix. Surtout et ils ont... quand tu vois le prix de Canal+. Ouais. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'ils ont une distribution qu'on appelle OTT, donc Over the Top Content. En fait, pour résumer pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un service de livraison audio ou vidéo et d'autres médias sur Internet sans la participation d'un opérateur de réseau traditionnel comme une compagnie de câble, de téléphone ou de satellite dans la distribution du contenu. En fait, c'est, ça veut dire que c'est de l'Internet ouvert. C'est-à-dire que pour avoir Netflix, tu n'as pas besoin d'avoir un opérateur de câble ou de... Ils proposent d'acheminer eux-mêmes le contenu ? Bah, c'est juste, l'Internet ouvert. Il faut juste Internet, en fait. Faut juste Internet. Ah oui, donc... Oui, sur Netflix. D'accord. Non, t'as pas un mec qui doit installer un boîtier de câble, en fait, contrairement à pas mal d'offres sur gros, Internet. En gros, c'est... À la différence de la télé où il faut un boîtier en plus télé, là, Netflix passe par l'Internet. Ouais, donc, par exemple, appelle Internet ouvert. Ton truc Canal+, t'es obligé d'aller acheter ton décodeur, quoi. Bah non, plus maintenant. Enfin, ou d'avoir une box télé. À un moment, t'avais, oui. Voilà, t'avais un décodeur ou box télé. Là, maintenant, ça passe par Internet, donc sur leur site, tu peux voir leur série. Exactement. Alors, je crois pas que ça soit le cas en France. Je suis pas sûr qu'en France, il faut payer un abonnement un peu plus cher, je crois, si tu veux multi-écran, non ? C'est pas ça, Greg ? Toi, t'es abonné ? Bah, je sais. Non, moi, je regarde partout. Enfin, je sais pas. Non, mais par exemple, quand tu veux le lire sur ta télé, tu fais comment ? Moi, je passe par mon. J'allume. Je passe par mon lecteur DVD qui est connecté à Internet et qui va se connecter sur Netflix. Donc, il y a une application qui peut avoir. Il y a une application Netflix. Ouais. Un peu comme tu fais sur PlayStation 4, où tu as une application Netflix. T'en as une sur Xbox One, t'en as une sur Wii U. Je me suis pas posé la question de comment ça. Tu peux le lire sur ton ordi, Netflix. Ouais, ouais. C'est officiellement, pas sur leur site, c'est une appli. Ah oui, non. D'accord, non, je croyais que pour le multicompte, il fallait payer un peu plus cher, genre 9 euros au lieu de 6. Ah, ça se trouve, je me suis abonné à le multicompte sans m'en rendre compte, mais. D'accord. J'ai pas, parce que je croyais qu'il y avait une option multi-écran. Pour deux écrans, c'est 10 euros, je crois. Ouais, tu vois, voilà, je croyais que pour plusieurs écrans. Ouais, mais c'est peut-être deux écrans différents, genre tu regardes une série dans le salon et comme fait Canal, Canal fait ça. C'est ça, en fait, parce que moi, je l'ai pris pour deux écrans et je le partage à l'abonnement avec un pote. Ah, d'accord. Donc, voilà, limite, on regarde chacun de notre côté, même en même temps, ça marche, quoi. Même s'il habite pas du tout chez toi, Ah oui, oui, ils s'en foutent, en fait. Oui, Netflix s'en fout. Hein. Oui, je croyais que c'était, fallait que ce soit quand même dans le même foyer. Non, on s'en fout. Non, ils s'en foutent. Du coup, ça fait 5 euros. Alors, moi, je me suis abonné aux États-Unis et je crois qu'il n'y a pas ce truc-là. Alors, c'était une question que j'avais, ça marche encore la VPN ? Ah bah, moi, je suis abonné. Comme ils font la chasse. Ah, c'est le début en Europe, hein, donc ça a commencé. Donc bientôt, je pense que ça marchera plus. Ouais, je vous dirais, mais mon abonnement français continuera à être d'actualité. Oui, enfin, après, tu vas perdre beaucoup de... Tu auras la superbe série Marseille. Je vais perdre en contenu un petit peu, mais on en a déjà parlé. Le contenu français s'est amélioré là, récemment, donc c'est pas si mal. Là. D'accord. Donc voilà, là, les OTT, c'est vraiment une avance qu'ils ont par rapport aux autres médias qui ont commencé à faire des offres et lancer des services OTT. Donc il y a CBS, HBO, Disney ou NBC, mais ils ont vraiment une avance sur la concurrence par rapport à leur modèle. Donc, pour l'instant, on peut pas dire vraiment que c'est le TV killer et que voilà, mais c'est quand même une expansion qui doit être pas mal scrutée par Je pense que c'est surveillé par beaucoup de gens. Ouais. C'est pas le TV killer, mais c'est pas le genre de pas de gens du métier, de gens comme nous. Ah, oui. Je sais que moi autour de moi, tout le monde parle de la dernière série de Netflix. Ouais. Voilà. Je sais pas Netflix, mais tout le monde parle des dernières séries de Netflix. Mm. Ah, parce que quand tu vois à la fois les contenus exclusifs qu'ils ont, leur présence dans 190 pays. Le tarif ultra attractif et le fait que ça soit assez facile, notamment aux États-Unis, d'avoir. Parce que les États-Unis, c'est quand même un marché de. C'est quand même super différent des box. Ils n'ont pas forcément des box qui font tout. Donc c'est très très cher d'avoir des tonnes de chaînes. Donc un truc comme Netflix où tu as énormément de films, énormément de séries, des trucs exclusifs, c'est quand même hyper attractif. Quoi. Bah oui. D'accord. Voilà. C'était... Non, mais je sais pas, j'ai vraiment que vous ayez une autre conclusion. Non, c'est intéressant. De toute façon, moi, je me suis toujours dit Netflix et peut-être YouTube s'ils s'y prennent bien. Bah, Netflix, c'est en fait. C'est vrai, les télé-killers. Ouais, moi, je le vois un peu comme le pont, en fait. Le pont pour le grand public entre la télé et Internet. Pour les plus early adopteurs, ils sont déjà passés à Internet et ils regardent plus du tout la télé. Ils regardent que des trucs sur Internet, sur YouTube, etc. Mais pour le grand public, c'est difficile de passer de toute la télé à tout Internet d'un coup. Je vois un peu Netflix comme un espèce de passage, aussi, en fait. Après, c'est autre chose, hein, mais c'est un peu comme Netflix. Il y a aussi toute la télé en replay qui habitue les gens à se détacher. La télé en replay, c'est le degré 1. Enfin, télé, c'est degré 0. Télé en replay, c'est degré 1. Netflix, c'est au degré 2. Et Internet total et YouTube, c'est degré 3. Par exemple, en France, le replay, ça cartonne. Oui, c'est vrai, beaucoup plus qu'aux États-Unis où ils ont une culture de la VOD qui est beaucoup plus implantée qu'en France. Ils ont des appareils qu'on n'a pas aussi aux États-Unis. Tu sais, ils ont les trucs où tu peux enregistrer, sauter les pubs, les machins, les TiVo, comme ils appellent ça. Oui. Et nous, on n'a pas du tout ça en France. Donc, eux, la culture de la VOD, elle est presque. Enfin, c'est pas qu'elle est, elle marche moins, c'est qu'en fait elle est beaucoup plus intégrée parce que personne ne regarde les programmes en direct là où ils regardent tout en différé sans vraiment savoir si c'est en différé ou si c'est en direct en fait. Donc ouais, nous c'est encore plus particulier, mais je pense que les gens vont s'y mettre et Netflix quand ça va commencer à vraiment cartonner en France, à mon avis, ça a marché très, ouais, très et fort. Puis il faut se rappeler que quand ils sont arrivés en France, ils ont quand même eu pas mal de bâtons dans les roues. Par des particularismes français. Disons qu'ils ont essayé de faire changer la chronologie des médias, mais ils ne sont pas arrivés. J'ai lu un article assez drôle il n'y a pas longtemps sur Netflix, je ne sais plus si on en avait déjà parlé ensemble ou pas, qui disait que quand c'était adapté, ils étaient implantés en France, ils disaient dans notre catalogue, on va mettre plein d'œuvres, un peu, des artistes, de machins, des petits films et tout ça, parce que voilà, c'est le public français, et ils pensaient cartonner. En fait, ils se sont aperçus dans les stats que en fait, les gens regardaient les gros films de beauf sur Netflix, et du coup, qu'ils avaient aussi changé leur catalogue en fonction de ça, et qu'ils avaient mis genre plus de comédies avec Adam Sandler, c'est ce qui marchait le mieux, tu vois, bah, genre normal. En France. C'était pas et aperçu qu'on était aussi américain. Voilà, non, mais ils avaient une sorte de préjugé là-dessus. Ce qui serait bien, c'est s'ils arrivaient à concilier les deux. Ouais, c'est difficile, je pense, en termes d'achat. Pour le coup, ça serait presque plus beau pareil. Si on pouvait nous laisser des comédies. Le jour se lève, le jour se lève. Sur Netflix. Si on voit les Jacques Rivette, hein, ça, voilà. Ok, bah Grégoire, tu voulais nous parler. Tu as fini, pardon, Julien, je te coupe. Oui, c'est fini. Toi, Grégoire, tu voulais revenir sur un accident. Ouais, parlons sérieusement. Ouais, un accident qui a quand même des conséquences intéressantes et importantes qui risquent de chambouler pas mal de choses. Tu t'es cassé la gueule dans les escaliers. Je me suis pété la jambe. J'ai mal au genou. C'est un accident de Google Car qui a eu lieu entre nos deux podcasts. Et c'est vrai que ça fait 6 ans que les Google Car, déjà 6 ans que les Google Car sont présentes sur les routes aux États-Unis. Et elles ont parcouru 2,3 millions de kilomètres. Et elles n'ont jamais été responsables d'un accident jusqu'à maintenant. Puisque ça y est, c'est fait. Hein, donc c'était au mois de février, un véhicule de type Lexus, hein, converti en modèle autonome par Google, fut responsable d'un accrochage avec un autobus. Aucun blessé à déplorer, hein, seulement voilà, de la tôle froissée. Mais ça reste une première et Google l'a reconnu. Hein, ils ont reconnu que la voiture c'est autonome... C'est pas le chauffeur, donc c'est vraiment la voiture. C'est la voiture autonome. Enfin, le chauffeur de bus. Non, c'est la voiture autonome qui est responsable de cet accrochage. Je cite, hein, « Si notre voiture n'avait pas bougé, il n'y aurait pas eu d'accident. » En fait, elle devait laisser passer un car sur sa gauche. Elle s'est engagée en pensant que le car allait freiner, le car n'a pas freiné, et du coup, accident. Voilà, donc il y a déjà un correctif logiciel qui est en cours de déploiement, bien sûr, hein, pour indiquer ce qui s'est passé, puis faire prendre des meilleures décisions aux prochaines Google Car. Elle avait combien de grammes dans le sang, la voiture? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Non, mais du coup, ce qui est intéressant, j'ai trouvé dans cette news, c'est que là, on entre dans une phase beaucoup plus subtile du développement de la Google Car, parce qu'on va devoir régler les accidents au cas par cas, et qu'est-ce qui s'est passé exactement. Donc ça reste encore de prendre pas mal de temps. Et puis ça vient quand même aussi contrarier potentiellement les plans de Google pour sa prochaine voiture autonome. Parce que eux, leur ambition à Google, et c'est quelque chose dont ils débattent avec la NHTSA, donc la National Highway Traffic Safety Administration, donc qui gère l'autoroute aux États-Unis, hein, tout ce qui est la sécurité routière aux États-Unis. Et en gros, le but de Google, c'est de supprimer les commandes et toutes les pédales, etc., de la voiture autonome. Pour que ça soit entièrement la voiture autonome qui gère tout. Parce que justement Google dit en fait il y a plus d'accidents si on laisse la possibilité aux gens de réagir. C'est l'humain qui fait foirer la voiture. Et là le problème c'est que dans l'accident donc qui a été réalisé lors de ce mois de février, s'il y avait eu un chauffeur qui avait été derrière ce volant, il aurait pu freiner, il aurait pu appuyer sur une pédale en voyant qu'il y avait un bus en fait qui ne freinait pas de son côté. Donc ça vient un peu contredire un petit peu ce que Google a essayé de faire passer à l'autorité en charge de la sécurité routière aux États-Unis. Mais alors, si à la place d'un chauffeur de bus, il y avait eu un bus autonome, est-ce qu'il y aurait un accident? C'est ça qu'il faut que dise Google. Je ne sais pas. Qu'il faut que tout soit autonome. Tu peux éventuellement envoyer ton CV à Google en tant qu'avocat consultant. Je vais défendre Google. Non, mais c'est logique en fait. Better Costa. C'est logique en fait. Le responsable, c'est le chauffeur de bus. Bon, après, voilà, ça vient relativiser aussi cet accident. C'est des analystes qui ont affirmé et qui ont calculé que le nombre d'accidents de voitures serait réduit de 80%. D'ici 25 ans, grâce aux voitures sans conducteur. Voilà, mais bon, après, on peut toujours se poser aussi la question de, avec un petit accident là, il n'y a eu que de la tôle froissée, mais on pourrait avoir prochainement un blessé, voire le premier mort de la route à cause d'un accident de voiture. Ça va être quelque chose de. Il va falloir appréhender ça. Comment les gens, comment la société va réagir quand il y aura un premier mort automobile à cause d'une Google Car. Google, tu fais quoi? C'est une vraie question. Non, mais c'est une vraie question. Mais moi, c'est ça que j'allais dire. J'ai l'impression que ça va être. Parce que là, tu te dis, ça pourrait réduire de 80%, et après, on va se focaliser, tu vois, mettons, ça réduit de 80% les accidents. Après, j'ai l'impression qu'on se focalisera sur des accidents qui auront eu lieu, plutôt que sur le nombre de, sur finalement la diminution du nombre d'accidents. On va parler de 10 000, on va passer de 10 000 à 200 accidents en France mortels. Et il va y avoir un cas comme ça où on va accuser finalement la machine d'être responsable de l'accident. Je comprends pour une compagnie comme Google que ce soit problématique parce qu'ils sont obligés d'assurer la sécurité. C'est comme quand tu as une compagnie aérienne. Mais si c'est une avancée à ce point-là de faire baisser de 80%. C'est quand même un truc, te dis, c'est quand même mieux, quoi. Reste que pour les 20% qui restent, il faudra quand même, tu vois, au niveau des avocats, des dédommagements, des assurances, savoir qui rembourser, qui dédommager, etc. Alors, par exemple, il y a déjà Google, Volvo et Mercedes qui ont affirmé qu'ils accepteront de prendre la responsabilité juridique en cas d'accident causé par leur voiture autonome. Donc, eux, déjà, ont déjà dit, nous, quand ce sera notre logiciel qui gère la voiture autonome, on prend la responsabilité en cas de futur accident. C'est le discours à adopter pour rassurer les gens. Mais il y a toute une législation internationale à adopter parce qu'au bout d'un moment, et c'est un article, alors je ne sais plus quelle est ma source, je vous la retrouverai si ça vous intéresse dans les commentaires, je vous la redonnerai. C'est ce qui est intéressant, c'est que il y a toute une question qui va se poser aussi au Google Car un jour, c'est que elles vont devoir faire des choix entre tuer une personne ou une autre personne. Elles vont devoir faire le choix entre tuer le conducteur ou peut-être tuer un passant. Et ou peut-être tuer deux passants, mais pas cinq personnes dans la voiture. Il y aura des quotas. Il y aura des arbitrages. Peut-être que la future Google Car devra repérer le visage des gens pour se dire, peut-être que cette personne est plus âgée. Si une des deux doit mourir, la probabilité vaut mieux que ce soit elle. Tu vois, et ça, c'est tout mais un ça truc. Ça va être la loi de la robotique qui va s'appliquer aux voitures automatiques. Ça renvoie aux lois de la robotique. Ça va aller loin, ton truc, ils vont programmer avec des quotas et tout. C'est ça. Bon, lui, on l'aime pas trop. On peut l'écraser. Est-ce qu'on peut savoir si les gens sont chômeurs ou pas? C'est un chômeur, c'est bon. Il a pas des fringues super beau. Allez, on l'écrase lui, on s'en fout. Coup de merde. Il n'a pas une écharpe du microcosme, par exemple. Il n'a pas une écharpe, une pipe. Et un petit béret. Bref, merci pour cette news, Grégoire, qui part en vrille. De rien. Juliette, tu voulais revenir sur Microsoft? Ouais, je sais pas si vous avez vu passer cette info qui concerne Microsoft. Bah non. tu suis l'actualité techno, non? C'est un truc qui parle ou... Je m'en fous. Non, parce que ouais, ça parle. C'est parce que je sais de quoi tu vas parler. J'ai répondu trop vite. Mais... c'est une publicité cachée de manière assez particulière. Donc, l'information a été remontée par des internautes au site InfoWorld et NeoWin. Apparemment, en fait, Microsoft aurait profité d'une mise à jour de sécurité du navigateur Internet Explorer 11. Donc déjà, on a appris que des gens utilisaient encore Internet Explorer. Moi, c'est la news que j'ai retenue. Il en faut. Pour cacher discrètement une publicité pour Windows 10. Donc en fait, il s'agit d'un patch qui s'installe automatiquement via les Windows Update et qui corrige plusieurs problèmes de sécurité et de performance d'IE 11. Mais en fait, à l'intérieur de ce patch se trouve un autre patch. Le Patchception, qui a pour titre capacité actualisée d'Internet Explorer 11 pour mettre à jour Windows 8.1 et Windows 7. Et en fait, le descriptif détaillé mentionne l'ajout sur certains ordinateurs d'une fonction au navigateur qui donne des informations sur Windows 10 ou qui lance même une mise à jour vers Windows 10 automatique. Donc voilà, tu ne sais pas et finalement, tu es directement passage à Windows 10. Et donc, selon les internautes qui ont remonté l'information, il s'agirait d'une bannière bleue qui apparaît lors de l'ouverture d'un nouvel onglet et affiche « Microsoft recommande la mise à jour vers Windows 10 ». Très sympa, sympathique. Ça. Et pour en fait désinstaller ce second patch, il faut désinstaller le premier, celui qui corrige les problèmes de sécurité. Donc voilà, c'est quand même un peu limite. Oui. Cette information d'une publicité savamment cachée n'a pas pu encore être vérifiée par les sites en question à qui on a fait remonter les problèmes. Mais en fait, il faut savoir que Microsoft est coutumier de ce genre de pratique, puisqu'en avril 2015, une soi-disant mise à jour installait en fait le programme Get Windows 10, qui permettait de s'inscrire pour bénéficier du passage gratuit à la nouvelle version de Windows. Et le programme était en plus très difficile à désinstaller. Et ensuite, la mise à jour vers Windows 10 est passée d'optionnel à recommandé, si bien que cette mise à jour pouvait se faire toute seule si tu faisais pas trop attention. Ouais, il y a des gens qui se sont fait mettre Windows 10 sans le vouloir. Hein. Bien profond, ouais. il est pas mal, mais bon. Moi, j'aime bien, mais bon, quand même. Il faut le vouloir. Donc voilà, on sait pas vraiment si ça n'a pas encore été prouvé. Je revérifie cette semaine si finalement ils ont fait un démenti ça ou si on stress, reconnu. Microsoft, on n'est pas Windows 10. Hein, ça, ah oui, ça, en ce moment, c'est... Pourtant, ça marche super bien. Ça moi, je l'ai, je suis très content. Ça marche bien commercialement. Ça. Oui. Il est bien installé déjà dans pas mal de... Non, il l'installe automatiquement. C'est un très bon OS. Non, mais c'est un très bon OS en soi. Il n'y a pas à stresser. C'est un bon OS. On ne peut pas l'imposer aux gens. Tu vois, Bon, Greg, tu vas nous faire une petite news sur la réalité virtuelle, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je vais parler. Pour commencer, je vais parler peut-être de HTC. Hein, on en avait parlé, mais ça va introduire ma news en fait, qui n'est pas vraiment sur HTC, qui est sur un autre casque. Mais bon, bref. Donc, on l'avait appris, on en avait parlé, je crois, dans le dernier podcast d'HTC qui avait lancé les précommandes de son casque Vive hein, pour 900 euros et quelques, à peu près. Le même jour, Microsoft, c'est un peu plus. Passé inaperçu, justement, Microsoft, on vient d'en parler, a annoncé le prix de sa version développeur de HoloLens. On le connaissait plus ou moins, c'était 3 000 $. Hein. Je crois que tu en avais parlé aussi, Julien, il me semble. Bref, c'est très très cher. Et justement, les prix comme ça, ça nous fait un peu froid dans le dos. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un nouveau casque qui est apparu là sur le marché avec des promesses intéressantes qui s'appelle Meta, une entreprise qui a présenté la seconde version de son casque et qui vient d'annoncer également le prix de son modèle dédié aux développeurs. Alors, pour s'offrir le Meta 2, il faudra débourser 949 $, donc environ 875 €, soit un tiers du prix de HoloLens. Alors pourquoi je mentionne le prix de HoloLens? C'est parce que c'est exactement la même chose que HoloLens en fait. C'est un casque de réalité augmentée, ou holographique, hein, comme on dirait, que chez Microsoft. Donc on en est pour un truc qui est vraiment très ressemblant à un tiers du prix. La seule, il y a quelques différences quand même. Donc le tarif est plus abordable, mais aussi le casque vient combler un des plus gros problèmes de HoloLens, c'est son champ de vision, hein, parce qu'il a un plus grand champ de vision. Par contre, il a besoin d'être connecté physiquement, ce casque. Il n'est pas complètement indépendant comme les HoloLens. Donc le champ de vision de Meta 2 atteint 90 degrés. C'est bien mieux. Oui. Voilà, donc c'est un peu moins quand même que ce que propose l'Oculus Rift ou le HTC Vive. On a une définition de 2560 x 1440 pixels, une caméra frontale en 720p et des capteurs de mouvement intégrés. Donc voilà, il faut quand même être encore patient hein, parce que c'est troisième trimestre 2016, mais un casque proche de l'HoloLens pour un tiers du prix, ça reste intéressant. Et dans les news de réalité virtuelle, je laisserai Julien tout à l'heure compléter avec la sortie de Palmer Lucky qui était assez, assez intéressante. Moi, je voulais parler d'Amazon, dont on n'a jamais parlé encore en termes de réalité virtuelle. C'est vrai qu'ils n'avaient pas manifesté d'intérêt, ils n'avaient pas dit on va faire un casque, on va faire quelque chose. Ils n'ont rien dit sur la réalité virtuelle. Il fallait attendre un petit peu, en fait, ça y est, c'est fait. Donc, ils ne vont pas lancer un casque de réalité virtuelle Amazon. Ils ont plutôt posté une annonce d'un recherche d'emploi et ils recherchent un talentueux ou une talentueuse responsable senior software développement afin de diriger son équipe réalité virtuelle. Donc, en fait, ils seraient en train de travailler, comme les autres plateformes de VOD américaines, sur une division consacrée à la production de contenu, en fait, pour la réalité virtuelle. Hein. Donc voilà, hein, diffusion de contenu 3D à 360 degrés, interaction avec le dit contenu, donc produire des films et des séries interactives, à voir comment ça va se faire pour cette entreprise, pour Amazon, mais moi je trouve ça intéressant, si Amazon commence à vouloir produire de contenu pour la réalité virtuelle, c'est qu'on est vraiment maintenant dans le moment où ça va devenir un peu plus concret pour nous. La réalité virtuelle, de toute façon, c'est l'avenir. Si les gens reconnaissent cette imitation, ils peuvent le dire sur le... Et donc, Palmer, ce fameux Palmer, qu'est-ce qu'il nous a dit? Ouais, parce que là, c'est une punchline qui aurait pu se retrouver dans le clash des phrases. Alors, resitue-nous qui est Palmer Lucky. C'est le jeune, le très jeune fondateur. Voilà, lui, il n'a pas de pipe et de... voilà, il est plus cool que ça. C'est bon, le fondateur de Oculus. Clairement, c'est qui s'est fait racheter par Facebook. Oui, non, mais je savais qui c'était. je te remercie de me dire à moi, mais c'était le spectateur. Non, parce qu'en fait, quand on pense réalité virtuelle, on pense forcément aux casques qui vont sortir cette année. Là, Greg en parlait, le Vive, tout ça, l'Oculus Rift. On pense au PlayStation VR, et on pense à la PlayStation 4 et au PC, mais on pense pas forcément au Mac. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Les possesseurs de Mac, ils pourraient se dire, pourquoi on ne pourrait pas profiter de la réalité virtuelle sur nos ordinateurs? Eh bien, Palmer Lucky a répondu, et on peut dire qu'il a douché en fait leurs maigres espoirs, hein, parce que j'ai jamais trop vu qu'on parlait de réalité virtuelle, enfin, les possesseurs de Mac... Non. Bon voilà. L'heure tourne, les phrases ne sont plus aussi constructives et construites qu'au début. Il n'y a aucun possesseur de Mac qui demande un casque de réalité virtuelle. Non, même temps, il n'y a pas une association des possesseurs de Mac. Mais en gros, on n'a jamais. Il n'a jamais été dit que les Macs n'auraient pas ou auraient un casque. On s'était tous dit, s'il y en a sur PC, il y en aura sur Mac. Oui. Mais en fait, je suis surpris par la suavité de ma voix. En fait. Je m'entends dans le casque. Il est en train de tomber amoureux de lui-même. Non, c'est pas ça, c'est que il y a eu des réglages qui ont été faits. Je pense que je vais finir avec une petite voix à l'hélium. Grégoire a mis la Magic Touch pour changer ta voix. J'ai fait ce que j'ai pu. Non mais Apple, je pense que les Apple Addicts espèrent un casque d'Apple, en fait, directement, un truc super bien foutu. De toute façon, sinon, ils ne l'achètent pas. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Voilà. Exactement. Ouais, et donc, qu'est-ce qu'a dit Palmer ? On ne sait toujours pas ce qu'il a dit. Voilà, il a dit, donc au site américain Shack News, hein, toujours resituer ses sources, c'est important, ça, Stan, tu le sais. Merci, bah oui. Sinon, après, on peut t'attaquer. La balle est dans le camp d'Apple. S'ils sortent un jour un bon ordinateur, nous le ferons. Allez, bam. Voilà. Voilà. Donc, il a quand même précisé que même les appareils les plus chers et les plus puissants de Apple n'ont pas les capacités techniques suffisantes pour faire tourner l'Oculus Rift. Seule possibilité de voir un jour le casque d'Oculus, il faut qu'Apple, je cite encore Palmer Luckey, mette la priorité sur de meilleurs processeurs graphiques comme il le faisait dans le temps. Voilà, tiens, prends-toi ça. Pour être transparent. Non. Pour avoir un Mac et pour travailler sur Mac au boulot. Je peux dire qu'en effet, c'est problématique, la puissance des Macintosh. Ah oui, bon, on en avait parlé sur... C'est des bonnes machines, hein. Je ne critique pas Apple, je travaille dessus, je suis très content. C'est des bonnes machines, mais ils font des choix au détriment de certaines choses. Et ouais. La puissance des cartes graphiques est souvent à blâmer, en fait. Bon, on en avait parlé quand ils avaient lancé celui qui est hyper fin, là. Bah, et apparemment, techniquement, c'est... Ah oui, je parle d'un portable. D'un portable. Mais tu ne peux pas changer la carte graphique dans un Mac ? Ça dépend, là, non, par exemple. Tu peux pas. Bah non, c'est tout est soudé, tout est collé. Ah d'accord. Ouais, tu parles de la mémoire, comment il s'appelle celui-là ? C'est iMac, j'ai un iMac. Tout en un. C'est très beau, c'est très puissant, mais c'est puissant qu'une fois. C'est... Ouais, c'est puissant qu'une fois. C'est comme les rasoirs, hein, tu vois, il y a trop lames, mais ça se jette. Donc voilà, non, mais bref, on va faire un débat sur Apple. Mais... Et ce qui est drôle, c'est qu'il avait prononcé cette phrase pendant une conférence Microsoft. Ah. Voilà. D'accord. Allez, dernière petite news techno, tu voulais nous parler de Meerkat. Meerkat, oui. Tu nous rappelles ce que c'était ? Alors, toi, je parlais déjà. Bah ouais, est-ce que ça vous parle, Meerkat ? Bah oui, oui, parce on écoute, hein. C'est, on n'a pas le choix, on est dans la même pièce. Non, mais en plus, c'est Greg qu'on avait c'est parlé. C'est moi qui avais fait la news. Ah bon, pardon. Salut. Greg, on t'écoute, Greg, on n'avait pas le choix, on est dans la même pièce. Donc, Meerkat, c'était une des applications les plus prometteuses de 2015 qui permettait de diffuser des vidéos en direct. Donc aujourd'hui, ça paraît banal, hein, sauf qu'il y a un an, on ne parlait pas encore de Periscope, on ne parlait pas du live vidéo de Facebook. Et malheureusement, hein, Meerkat va devoir jeter l'éponge face à la concurrence féroce qui l'a dévoré. C'est son créateur qui s'appelle Ben Rubin qui l'a annoncé à ses actionnaires dans une lettre où il explique en fait que Meerkat va abandonner sa fonction initiale de diffusion de vidéos en direct pour devenir un réseau social où, je cite, « chacun serait toujours en direct ». Voilà. C'est pas encore très clair. C'est pas très clair en fait ce qu'il veut faire. La raison, elle est simple, c'est qu'aujourd'hui Meerkat, plus personne ne l'utilise. On se souvient, on en parlait tout à l'heure, je pense qu'on avait fait même une news plus à l'époque. Hein. Peut-être. Je ne sais pas de quoi tu as parlé. De Meerkat. D'accord. Oui, c'était parce beaucoup que parlé, ouais, ouais, du phénomène en fait. Non, mais voilà, quelques semaines après son lancement, Twitter avait pris peur et avait lancé en catastrophe son propre service de vidéo en direct qui s'appelle Periscope. Mm-hmm. La puissance de Twitter avait rapidement fait la différence puisque Meerkat s'était retrouvé tout de suite très très en bas de la liste des applications les plus téléchargées. Voilà. Chercher une blague. Le titre de ah d'accord, ok, c'était pas forcément une blague, mais je pensais que tu faisais un petit jeu de mots. Non, mais je savais pas, donc je me disais, c'est Meerkat, il nous fait un truc, c'est un hollandais, ça veut dire tapis. Je suis pas toujours drôle, je sais que je suis très très drôle, mais je suis pas toujours drôle. Voilà, Twitter avait juste eu à faire parler sa notoriété en coupant les accès à Meerkat et en permettant aux utilisateurs de Periscope de récupérer leur liste de followers Twitter. Donc, par exemple, si je prends Upcast, on a, je pense, on a quoi, 1000 followers ? Oh non, 10, 20 000, 20 000, 30 000. On va avoir 500 peut-être. Non, en plus, non, 900. Bon, peu importe. On a entre 500 et 1000. Quand même, donc, je sais pas, ils ont les gars, c'est bien. Bah oui. Ah, c'est les concours amis. Bon, on en a acheté en Thaïlande, on en a récupéré. Il y a les comptes fantômes, quoi. Là, si tu faisais un Periscope tout de suite, là. Donc voilà, c'est ça. C'est si en fait on fait un Periscope, on a déjà cette base de gens qui peuvent nous suivre. Les gars, si vous étiez connectés ce soir, vous auriez pu nous voir sur Periscope. Voilà. C'est-à-dire que tous les. Enfin, si on l'avait fait. On l'a pas fait, mais. Tous les faux comptes thaïlandais, les comptes de pornostar qu'on avait, on avait deux, je crois. Cool. Il est parti, mais je sais pas. Elle a écouté, elle a pas aimé. Donc voilà, c'est-à-dire que. Si t'avais, et par contre, si on avait pris Meerkat, on aurait été obligé de recréer une communauté en repartant de zéro. Oui, forcément, Twitter, c'est toujours l'écosystème qui fait la différence. Hein, quand du coup, Twitter. Facebook a lancé le même système aussi, je ne sais pas, Facebook. Ouais, alors après, c'était assez récent. C'est plus récent. Le live vidéo. Non, ce qui a vraiment tué Meerkat, c'est Periscope. C'est Periscope, ouais. Donc cette concurrence a empêché Meerkat d'exploser, d'autant que selon Ben Rubin, la diffusion en direct sur mobile n'a pas explosé aussi rapidement que prévu et qu'il y avait trop peu d'utilisateurs qui étaient prêts à produire du contenu de qualité. Et pour le coup, les comptes les plus influents ont vite compris qu'ils auraient plutôt intérêt à le faire sur Periscope. pour les raisons que j'expliquais plus haut, puisque si tu as, je sais pas, 10 000 followers, là, nous, on parlait de nous, on n'a pas très peu de followers, mais des gens qui ont 1 million de followers, ils ne vont pas refaire une base. Voilà, donc c'était évident que ça allait, ils allaient les tuer très, très facilement. Donc aujourd'hui, Mercat, ils sont obligés de procéder à un changement de cap. Toujours selon Ben Rubin, l'appli va mettre en lien des groupes d'utilisateurs pour leur permettre de communiquer ensemble en vidéo. Bah, WhatsApp, quoi. Bah, on espère que ça fonctionnera mieux, sauf que Skype vient d'annoncer la même chose. Ouais. Le mec qui a la bonne idée, mais pas au bon moment. Ouais, à chaque fois, il a. Bah, pour le coup, Periscope, enfin, Mircat, il était le premier. Hein. Ouais. C'était les premiers. Ils avaient fait grosse sensation à South by Southwest il y a un an. Et tout le monde ne parlait que de ça. Et tout le monde disait c'est génial. Et c'est pour ça que Periscope a été développé très, très vite. Mais par contre, peut-être qu'ils n'ont pas su la protéger parce que tu te dis que comment Periscope, c'est la même chose. Oui, ouais, non, mais j'ai une idée. C'est la même idée. Ouais, oui, mais c'est, tu peux difficilement. Donc, ils n'auraient pas pu, par exemple, faire un procès à Twitter pour l'utilisation, pour avoir ça la même application. Tu pourrais dire, ah bah, Facebook, c'est un peu la même idée que MySpace. Que machin, que bidule, ils pourraient tous se faire des procès là. Bon, c'était quand même... Le problème, c'est que c'est des idées dans l'air, tout ça, c'est une convergence de techniques. Oui, mais là, on sait très bien que Periscope, ça avait été lancé en catastrophe et rushé pour que, pour contrer Mircat, quoi. Bon, bref, Mircat est au tapis, comme tu l'as écrit dans le point news. Voilà, c'est tout à fait dans le conducteur. Dans le conducteur, merci d'être technique à ce point. Dans la partie techno, c'est bien. Ainsi s'achève la partie techno, je le disais lentement pour être sûr que vous n'ayez rien à ajouter. On va passer, alors habituellement pour ceux qui nous écoutent, on fait plutôt un promotion canapé. Cette semaine, on va changer un peu, on revient aux bonnes vieilles habitudes, on va faire un conseil tout de suite. Petit conseil pendant que Julien termine son beignet tranquillement. Bon appétit Julien. Cette semaine, donc, je vais vous conseiller. En fait, c'est moi qui vais me plier à l'exercice. Je vais vous conseiller une série. Une série qui est assez connue, je crois, mais qui en fait est passée complètement en dessous de mon radar. Et je crois que parmi nous, d'autres ne la connaissent pas très bien, puisque cette série, c'est Community. Donc, Community, c'est un sitcom. Donc, c'est un format court. C'est 22 minutes par épisode. Sitcom pour situation comique. Hein, donc, c'est une petite série drôle. C'est une série qui a été diffusée de 2009 à 2014 pendant 6 saisons, donc qui est finie aujourd'hui. Mais je viens de la découvrir et je pense qu'elle peut intéresser beaucoup de monde parmi nous. Pour faire un pitch rapide, en fait, c'est une série qui se passe dans une université publique, ce qu'on appelle une community college aux États-Unis. J'ai découvert ce terme en fait grâce à cette série. Community college, c'est une fac publique en fait qui est pas très bien vue aux États-Unis. C'est la fac où échouent tous ceux qui ont raté leurs études supérieures en fait, qui sont pas dans les prestigieuses universités américaines ou high school. C'est une community college. Donc la série s'appelle Community et on suit au début Jeff Ringler qui est un avocat qui a perdu, qui a été radié de son barreau et qui doit récupérer son diplôme. Donc c'est un trentenaire en fait, ancien avocat qui se retrouve propulsé dans cette community college. Et qui se retrouve en fait à devoir créer un groupe d'étudiants pour réviser les différents cours. C'est-à-dire qu'il les tire au flanc, il veut pas vraiment le faire. Il voit une jeune petite blondinette qu'il a envie de draguer, et il lui dit tiens, on a qu'à faire un petit groupe d'études. Et là, je vous raconte vraiment les 5 premières minutes du premier épisode hein, pour que vous compreniez. Et en voulant draguer cette petite blondinette qui s'appelle Rita, et ben il se retrouve avec tout un panel d'autres étudiants qui se joignent au groupe. Voilà. Et donc la série en fait c'est la vie de ce groupe là. Donc un groupe de 6 étudiants, et c'est une série qui n'est pas du tout sérieuse. Alors pour vous faire comprendre un peu à quoi ça ressemble, il y a un peu du ton à la Friends, à la Big Bang Theory, à How I Met Your Mother, et ça bascule assez souvent, même assez rapidement finalement, dans plutôt du Parker Lewis. Ouais, moi j'aurais plutôt cité Parker Lewis. Oui, j'aurais plutôt cité Parker Lewis que Friends ou... Oui, c'est parce qu'en fait, au début, alors le créateur de la série s'appelle Dan Harmon, et il a bien expliqué qu'au début, il avait commencé à construire sa série en pensant à une histoire et en voulant faire évoluer les personnages, et il a compris qu'en fait, le vrai plaisir et la vraie force de cette série, c'est dans ce qu'on appelle habituellement les épisodes spéciaux. C'est des épisodes qui sont en marge de l'histoire et qui sont juste là pour nous éclater. Et finalement, au bout de quelques épisodes, l'histoire est complètement abandonnée. Enfin, il y a une histoire, mais on s'en intéresse plus. Et toute la série bascule dans chaque épisode est un épisode spécial. Bah. Et Dan Harmon, et sa grande force à lui, c'est de vouloir faire dans chaque épisode des références ultra geek et ultra ciné. Donc chaque épisode finalement devient un hommage à un style de film, à un style de. Un style de film en fait, je sais pas trop comment vous en dire plus. Par exemple, dans la saison 1, on a un épisode qui s'appelle Modern Warfare, qui a été traduit d'ailleurs en français par Guerre moderne, très bêtement. Hein. Mais bon, et qui parodie tous les films d'action du genre Die Hard, Terminator, Rambo, Predator. Et c'est hilarant à voir en fait. Tous les 6 personnages, 6 étudiants vivent des situations complètement ridicules. C'est un épisode en fait où il y a tout d'un coup le doyen de l'université organise un match de paintball. Et ils se retrouvent tous à devoir s'entretuer. Parce que le titre est une référence à Call of Duty. Oui, aussi, voilà. Oui, c'est pour ça que Modern Warfare, je trouvais ridicule de l'avoir traduit. Mais bon. Mais du coup, attends, ils restent étudiants là ou ils vont pas, ils sont ils dans... à la guerre? Non, non, ils sont dans leur. Ouais, ouais. Non, non, c'est des délires au sein de l'université. D'accord, c'est-à-dire d'accord. que l'université, c'est un grand n'importe quoi en fait. Hein. Et il se passe à chaque fois et chaque épisode devient un peu n'importe quoi. Pour vous situer un peu les acteurs qui font partie de tout ça, en fait, on a Brita qui est une blonde, on a Abed qui est une sorte de. Sheldon, c'est une... moi au début je le trouvais un peu autistique comme garçon, puis en fait pas tant que ça. En fait, il ressemble beaucoup dans Parker Lewis à celui qui faisait tous leurs gadgets. Ah oui, je l'adorais. Lui. Voilà. Jerry. Et Jerry, lui, c'est le gros fan de séries et de films ciné, et il fait que référence à ça autour de lui. Donc c'est assez drôle. On a Troy Barnes qui est joué par Donald Glover, je crois qu'il est le fils de Danny Glover. Ah d'accord. Qui est un ancien footballeur. On a Pierce qui est un vieux monsieur de 50-60 ans qui a les cheveux blancs, qui est assez drôle parce qu'il a un total décalage, mais il veut pas le savoir, il veut pas. Il veut faire un peu style, il ressemble un peu à celui qui joue dans. C'est Crame Your Enthusiasm. Ouh, je connais pas ça. Je sais pas si c'est pas lui, mais. D'accord, bah peut-être. Qui avait joué dans un Woody Allen. Ah, peut-être. Tiens, c'est pas bête. J'ai pas fait attention à ça. D'accord, d'accord. On a une fille qui s'appelle Shirley, qui est une afro-américaine mère au foyer, divorcée, qui doit s'occuper de ses deux enfants. On a Annie Edison, qui est en fait une actrice qui a joué dans Mad Men, donc je connais pas, mais toi, t'as dû la voir. Ouais, c'est Alison Brie. Voilà. Elle jouait Trudy dans Mad Men, pour ceux qui connaissent un peu. Et on a aussi le prof d'espagnol. Exact, en plus, j'ai jamais fait le rapprochement. Ouais, c'est là d'où elle était connue, paraît-il, ah ouais. Comme j'ai pas vu l'année. Et on a le prof d'espagnol, lui, qui est vraiment hilarant, qui est joué par Ken Jeong. En fait, pour ceux qui connaissent pas Ken Jeong de nom, c'est l'acteur asiatique qui a été connu grâce au Very Bad Trip. Voilà. Ah ouais, c'est l'asiatique qui jouait dans les Very Bad Trip 1 et 2. D'accord. Là, c'est le personnage le plus drôle de la série. Quoi. D'accord. Oui, c'est un peu le. C'est, je sais pas, comme il y avait Madame Musso ou Franck Lemmer. Ouais, l'autre. Moi, j'aimais bien le démoniste, là. Tu sais, celui qui faisait le sataniste méchant qui était, ah oui, qui était toujours dans les mauvais coups. Pas Franck Lemmer. C'était Franck Lemmer. Ouais. Alors cette série elle est incroyable parce qu'en fait donc bien évidemment on ne suit pas cette série pour l'histoire bien que les personnages évoluent mais c'est pas vraiment le plus important et on découvre chaque épisode en se disant à quoi ils vont faire ces références dans cet épisode et à chaque fois alors moi déjà quand je regarde l'épisode je m'éclate, je ris vraiment à gorge déployée, ce qui est assez rare devant une série, d'habitude je souris, ça me fait passer un bon temps, là je rigole vraiment devant chaque épisode parce que les références sont là, on a l'impression d'en louper plein et je pense que j'en loupe plein quand je regarde un épisode. Dès le début, pour avoir une autre référence, ils font référence à John Hughes, ouais. Ceux qui connaissent, ouais. Celui qui a fait Breakfast Club, Une créature de rêve, La folle journée de Ferris Bueller. Ouais, qui est plus connu, celui-là. Voilà, voilà. Donc ils assument complètement cette référence. D'ailleurs, il y a un épisode qui se passe au début où ils apprennent à se connaître. On a vraiment l'impression d'être un peu dans Breakfast Club. Donc c'est assez sympa. Le dernier épisode que j'ai vu, juste pour pas. C'est la saison 2, épisode 6. C'est une parodie de film de zombies. Il se passe vraiment n'importe quoi. Ils sont à une soirée, puis il y a un mec qui mange un aliment pas frais et qui a envie de mordre les autres. Et d'un coup, il se retrouve confiné dans cet espace. Et on a l'impression d'être dans le film Shaun of the Dead, mais en plus, il y a des références à ABBA. Donc tu vois Shaun of the Dead avec la musique d'ABBA et tout part en vrille et tu t'éclates. Et en même temps, il y a des références à Alien dans ce truc-là. Enfin, voilà. C'est vraiment du grand n'importe quoi. C'est génial, génial. Je pourrais vous parler pendant des heures des références qu'il y a. Je vais juste vous dire qu'il y a des épisodes que j'ai pas encore vus, mais par exemple, je sais qu'il y a un épisode dans la saison 2 qui est fait entièrement en pâte à modeler, en stop motion. Wow. Donc, parce qu'on est dans la tête de Abed, le fameux cinéphile. Il y a un épisode qui a été réalisé uniquement en 8 bits, en fait, en graphisme 8 bits. Voilà. Donc, c'est vraiment chaque épisode est un festival de références geek et cinématographiques qui est incroyable. Donc, si vous aimez un peu ces univers, sachez que ça paraît pointu, en fait, ça l'est pas. On passe un bon moment. Si on comprend pas tous les références, moi-même, je les comprends pas. Et je passe un vraiment très bon moment. Mais dès que vous saisissez une référence, moi, il y a des fois, vraiment, je rigole comme pas possible. Hein. Tu vois, Julien, je crois que tu as vu la première saison. Ouais. Moi, en fait, ce que tu disais tout à l'heure, c'est quand tu parlais du créateur, oui, Dan Harmon, qui disait que finalement, ce qui était intéressant dans la série, c'est les épisodes spéciaux. Mm. Bah, moi, je trouve que c'est tout l'inverse. Ce que j'aimais dans la première saison, c'était à la fois le bon équilibre entre les délires qu'il y avait sur un épisode, à peu près un épisode sur 5 ou un épisode sur 6, et l'histoire, parce que tu n'as pas dit, mais il y a une histoire d'amour entre la blonde du début, la fameuse Brita, et donc le personnage jeune avocat, principal, Jeff Fulger. Et tu as plus ou moins Alison Brie est plus ou moins amoureuse de lui. Voilà. Voilà. Il y a une histoire vraiment comme ça et qui évolue au fil et à mesure des épisodes. Et moi, c'est ce que j'ai aimé, c'est-à-dire c'est ce côté, finalement, tu suis les personnages, ils évoluent, tu t'attaches à eux, alors qu'à partir de la saison 2, c'est que du délire tout le temps d'épisodes, c'est que des épisodes spéciaux. Il faut savoir ce qu'on cherche, c'est-à-dire que là, c'est vraiment une série à épisodes spéciaux. Et moi, j'ai totalement décroché, c'était drôle, mais à un moment, trop de délire pour le délire, moi, ça m'a un peu lassé. Et autant j'ai adoré la première saison, j'ai trouvé ça génial et j'ai commencé la 2. Et bah, c'est ce que tu disais, finalement l'intention de Dan Harmon, c'était vraiment de faire ce qu'il a fait. Après la série, il faut savoir qu'elle avait été arrêtée, qu'il y a eu une pétition des fans, parce qu'il y a une grosse, grosse communauté en fait, autour de la série. C'est une série qui est vraiment culte. Voilà, elle est culte, mais elle n'a pas marché, pas en fait. Ouais. Mais grâce à ça, ça a permis de relancer la série. Je crois que c'était entre la saison 3 et 4, il me semble, et après ils ont pu refaire des saisons. Parce que c'est vraiment une série. Là, on a l'impression d'en parler comme si personne ne la connaissait, mais je pense qu'il y a énormément de monde même qui nous écoute. Dites-nous dans les commentaires, très simplement. Énormément de monde qui nous écoute, non, mais énormément dans les gens qui nous écoutent, il y a énormément de monde, à mon avis, qui connaissent et qui adorent cette série. Elle est très bien diffusée aux États-Unis et au Canada. En France, elle passe un peu inaperçue, en fait. Elle est diffusée sur une petite chaîne, j'ai pas retenu le nom de la chaîne d'ailleurs. Ouais, je sais même plus qui la diffuse. Mais tu vois, j'étais passé complètement à côté, moi. Elle est pas trop. Et juste pour dire un dernier mot de Dan Harmon, en fait, c'est un scénariste et il a produit Anomalisa de Charlie Kaufman, qui est ce fameux film avec des marionnettes. Il aime vraiment tout ce qui est animation image par image, donc d'où l'épisode à pâte à modeler par exemple. Mais ouais, comme tu disais, pour moi c'est vraiment un peu le chaînon manquant ou le fils spirituel, donc on disait Parker Lewis. Un peu aussi, il y a des fois, on parlait de John Hughes, un peu aussi Apatow, parce que finalement John Hughes et Apatow c'est pas très très éloigné, il y a un peu c'est ce délire là. Spirituel quelque part. Ouais. Presque des fois un peu à la Code Lisa, tu vois, je me rappelle des Code Lisa des épisodes. Pour moi c'est la dans la créature de rêve en fait, ça vient de Code Lisa, vient de la créature de rêve de. Ouais. Il enfin, voilà, y a vraiment en fait. Un pont entre tout ça. C'est pour ceux qui ont aimé ces séries-là. Enfin, tu vois, je pense à Greg, si t'aimes ces séries-là, il faut vraiment que tu regardes. Quoi. C'est clair. Ça m'a vachement envie. Du à Parker Lewis, c'est une bonne voilà. référence. Bah, moi, j'ai autant aimé, si aujourd'hui je la conseille, c'est parce que justement, au milieu de la saison 1, on sent que Dan Harmon se dit bon, allez, je m'en fous de l'évolution des personnages, je fais des épisodes spéciaux. Ah ouais. Voilà, il a assumé ce truc-là. Et moi, c'est à partir du moment où il a assumé que j'ai accroché. Très honnêtement, j'ai mis 3-4 épisodes où je me suis forcé en fait. Je me suis dit, c'est culte pour des gens, je comprends pas. Et le premier épisode, je me suis dit, mais ils sont tous cons, c'est pas drôle, enfin, je comprends pas ces gens-là. Deuxième épisode, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est pas sérieux comme truc. Troisième épisode, je me suis dit, ah, en fait, il y a des références. Et voilà, et au quatrième épisode, etc. Et après, je suis devenu complètement accro. C'est-à-dire que la première saison, je l'ai regardé en une semaine. Enfin, je l'ai dévoré, j'ai adoré ça, quoi. Et par contre, tu parlais des références, geeks et tout ça. Je trouve que c'est quand même une série qui est un petit peu moins accessible, par exemple, que Big Bang Theory. Si tu connais pas les références, c'est quand même c'est un délire vraiment particulier. Il faut être cinéphile, je pense, hein, vraiment. Ouais, cinéphile, même il y a beaucoup de culture geek dedans. C'est-à-dire, je pense à un épisode, je vais en parler très rapidement, où ils font une référence à Will Hunting. Et bah, t'as au moins 4 scènes qui font référence à Will Hunting, et tu te dis, je comprends pas les scènes que je vois si t'as pas vu Will Hunting. Je vais raconter très rapidement. À un moment, Troy, il est dans le couloir, et sur un tableau, il y a deux étudiants qui regardent une équation et qui disent, oh, c'est vraiment trop dur, et puis qui s'en vont. T'as Troy qui passe devant le tableau, qui s'arrête devant le tableau, qui se retourne pour boire de l'eau, et en fait, le robinet marche pas. Il prend une clé à molette, il répare le robinet marche. Et puis à ce moment-là, t'as deux plombiers qui arrivent qui font oh, il a réussi à réparer le beau robinet, incroyable, c'est un génie. Et puis il se barre en courant. Voilà, c'est une grosse parodie de Will Hunting, sauf que c'est un génie de la plomberie, quoi. Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça. Donc je conseillerais au moins de jeter un petit coup d'œil. Ah oui, comme Julien, vous vous accrocherez pas parce que vous préférez suivre une histoire, et en effet, c'est pas le point fort. Bah la saison 1, moi j'avais trouvé ça génial, moi, voilà. Mais je pense que je vais continuer, je vais regarder Essaye d'aller voir les saisons, peut-être saison 2, les épisodes de pâte à modeler, c'est l'épisode 12 de la saison 2. Non, mais je pense que je vais me remettre sur la saison 2, j'avais regardé 5-6 épisodes de la 2. Moi j'ai beaucoup ri le dernier que j'ai vu, je vais vraiment. Je crois que celui avec Shaun of the Dead, là je l'avais vu. C'est l'épisode 6 de la saison 2. Ouais, je crois que je me suis arrêté là ou peut-être un peu plus loin. C'est ce mélange What the Fuck entre là-bas et Shaun of the Dead, c'était vraiment. Mais je pense que je vais m'y remettre maintenant que voilà, la saison est terminée, voir ce qu'ils ont fait surtout après. Ouais. Du coup, ça me fait bien envie aussi parce que moi j'avais juste regardé le pilote et comme tu disais Stan, moi ça m'avait pas trop accroché en fait. Ouais, j'ai mis du temps aussi, voilà. C'est pour ça que je conseille d'assister peut-être un peu. Ouais, du coup là ça me motive vraiment bien ce que tu nous as dit. Et tu verras, le professeur chinois, c'est quand même le plus extraordinaire. Ah, il est génial. Enfin, non, c'est un professeur d'espagnol. Il est chinois et qui parle presque pas un mot d'espagnol. Génial. Ah non, il est énorme, il est culte maintenant, quoi. Bon, voilà, donc on vous conseille cette petite série à regarder. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous connaissiez, si vous avez d'autres anecdotes vis-à-vis de cette série. Sans spoiler, bien évidemment. Parce qu'on en est qu'au début, nous. Hein. Je suis pas sûr qu'il y ait matière à spoiler, je dis ça. Oui, je sais pas après comment ils ont réussi à la renouveler aussi. Il y a eu d'autres personnages, d'autres. Je crois que ça évolue après la saison 3-4. Je crois même qu'il y a John Goodman qui vient dans le truc. Ouais. Ah, je suis curieux de voir quelle évolution elle a eu, la série. Quoi. Ah, j'espère qu'elle a bien évolué, mais on verra. Bref, on va pas s'étendre pendant des heures. Ainsi, le conseil série Community. On va enchaîner avec les sorties ciné des 15 prochains jours. Donc, les prochaines sorties ciné, c'est le 16 mars. Grégoire et Dim, on va commencer par vous. Ben, tiens, Dim, t'as été très calme ces derniers. Tous les films sortis. Quoi. De liste là. Oui, voilà. C'est vrai que je crois que depuis le début de l'émission, c'est la première fois où je mets autant de films. Ah bah voilà, bah t'en as mis, je pense que t'as mis tout ce qui sortait le 16 mars. Dis-nous, qu'est-ce que tu vas voir le 16 mars? pas loin. Donc je commence déjà avec 10 Cloverfield Lane, que j'avais déjà évoqué dans une news. On a tous mis sur Grégoire. Oui, en fait, j'avais pas encore très bien vu la bonne annonce, moi. Donc, d'accord, voilà, c'est tout. N'en dis pas trop, Edim, parce qu'il y a des spoils à faire sans le vouloir. Ah, bah écoute, je pourrais pas trop en dire, parce que justement, j'ai pas trop regardé. Ah, c'est bien. Pour me préserver un peu la surprise. Je sais même pas si c'est une suite ou un préquel ou quelque chose comme ça. Ouais, bon, j'ai rematé le premier il y a pas longtemps et là ça me motive vraiment bien de voir. Donc le premier Cloverfield. Ouais. Voilà. Donc de revoir, on va dire, un nouveau film dans le dans l'univers là. Sinon j'avais aussi sélectionné Triple 9. Ouais. Bah ça pareil, j'ai même pas vu la bonne annonce, mais bon, je sais que c'est réalisé par le réalisateur de La Route. John Hillcoat. Ouais. Ouais, voilà. Et puis il y a un casting quand même assez sympa avec Casey Affleck. Norman Reedus, voilà, Aaron Paul. Est-ce qu'ils ont là, moi j'ai vu la bande-annonce, je me rappelle pas s'ils ont la phrase que tous les films de braquage mettent, le meilleur film de braquage depuis Hit. Tu sais, ça c'est la phrase qu'il avait tout le temps. T'as l'impression que t'as eu 25 meilleurs films de braquage depuis Hit. C'est vrai que j'ai vu l'affiche où c'était ça. Bah, je crois qu'ils l'ont noté. Ah, ils l'ont mis. C'était le truc. Qui est Hit qui est un remake d'ailleurs. Donc Triple 9 qui a l'air sympa, ouais. Sinon, bah, celui-là, je crois que tout le monde l'a sélectionné, c'est Midnight Special, le nouveau film de Jeff Nichols, le réalisateur de Take Shelter et Mud. Donc le nouveau Spielberg d'après les affiches. Hein. Ah ouais, mais moi, Take Shelter et Mud, j'ai vraiment adoré les deux. Oui, donc, ça n'a rien à voir avec Spielberg. Mud, ah oui, non, ça n'a rien à voir avec Spielberg. Non, ils disent à ce sujet du dernier film. Ah, de ce film-là. Ils disent, on tient enfin notre nouveau Spielberg. Bah, non, ça allait quand même. Alors j'en sais pas trop, hein, ne dites pas trop, mais. Alors moi, je savais pas du tout, je savais même pas qu'il faisait un film en ce moment, etc. J'étais pas du tout au courant de son actu. J'ai vu ce truc au cinéma, j'ai fait, qu'est-ce que c'est que ce film, quoi. Et ça a l'air monstrueux. Ouais. Vraiment, ça a l'air terrible. Mais il faut pas trop en voir. Je me demande si la bonne annonce n'en montre déjà pas trop. Ouais, t'as raison. C'est clair que la bonne annonce, elle a l'air de quand même pas mal survoler le film déjà. Donc ouais, Midnight Special, ok. Midnight Special, il faut y aller sur le nom, quoi. Il faut y aller parce que le mec a fait Take Shelter, quoi. Donc Jeff Nichols. Ouais, voilà. Puis bah, en plus, il a toujours ses acteurs. Ouais. Par exemple, Michael Shannon, que j'adore personnellement. La tronche, celui-là, génial. Donc voilà, il y a lui, bah, il y a Adam Driver. Aussi. De Taylor and the Star Wars. C'est une tronche. Voilà. Moi, je suis plus Mud que Take Shelter, par exemple. J'ai vraiment préféré Mud que. Ah, Mud est très bon aussi. J'ai préféré Mud parce que Take Shelter, autant j'en apprécie les qualités, autant je me suis un peu ennuyé quand je l'ai vu. Ouais, moi aussi. Mais là, bah, tu m'as énorme. C'est un film où tu y repenses, tu te dis, ah, au final, qu'est-ce que j'ai vu. Non, après, c'est un film incroyable parce que c'est un film d'impression, en fait. Ouais, mais en même temps, les deux sont très différents quand même. Oui, je trouve que ça n'a rien à voir là, et l'autre, je suis d'accord. Il est intéressant, ce réalisateur. Ouais. Qu'est-ce que tu veux voir d'autre le 16 mars, Dim? Évolution, donc c'est un film français fantastique que j'avais déjà évoqué lors de la news sur le palmarès de Gérard May. Ça avait pas l'air un peu chiant, ça? Ça a l'air un peu bof, hein. La bande annonce, elle avait un peu chiante. Hein. Comme je dis souvent, je regarde jamais les bonnes annonces, donc. Ouais, bah évite, hein, parce que putain, elle fait déjà chier, quoi. Ah bon? Bon, bah voilà, bah ça peut. Non, mais. Temps, non, mais ça se trouve, c'est super intéressant, mais la bande annonce, elle est bizarre. Ouais, franchement, je suis curieux là. Ça se trouve, c'est un très bon film, on est peut-être très mauvais langue. Ah non, mais c'est juste leur bonne annonce, elle n'est pas très bien réussie. Écoutez les gars, si je le vois, je vous dirai. Tu nous diras, on sera curieux. Et tu veux voir un documentaire? Ouais, donc Jodorowsky's Dune. Donc un film sur une conception du film raté qui n'a jamais eu lieu, Dune. Bien avant l'adaptation qui avait été réalisée par David Lynch. Tout aussi raté d'ailleurs. Donc, J'adore David Lynch, la meilleure Dune, j'ai vu. Ah, c'est vraiment pas, oh, oui, c'est pas. Donc, moi j'aime beaucoup tout ce qui est documentaire sur le milieu du cinéma et les conceptions des films, surtout celui-là qui a jamais pu se faire au final. Les images sont saisissantes en tout cas. Ouais, donc voilà, ouais, je pense que celui-là, je... Si vous n'avez pas voir le documentaire, je vous conseillerais juste de regarder la bande-annonce, parce qu'on voit que les travaux préparatoires sont saisissants. Moi, je trouve ça très joli. Après, je m'endors, moi, dans les documentaires au ciné. Non, celui-là, il a l'air d'être vraiment passionnant, quand même. Tous les documentaires que j'ai été voir, je m'endors. Vraiment... Et Stan, tu nous as sélectionné Marseille, non? Marseille? De Cadmerade. Ah non, je l'ai même pas vu. C'est quoi, ça? T'es chié, je l'ai pas vu, en plus, hein. C'est vraiment le bienvenue chez les ch'tis. C'est la même affiche. Il a cherché le truc pour. Putain, je savais même pas qui ça se. Non, mais des comédies avec Cadmerade. Ouais, avec l'autre, Patrick Bosso. Voilà, Patrick Bosso. Et point S. C'est réalisé en plus par Cadmerade. Ouais, tout à fait. Non, mais Cadmerade dans une comédie, je vais pas voir ça quand même. J'ai des limites. Il y a un principe. Les drames. J'ai un principe dans la vue. Il y a un caméo de Sandrine Kiberlain. Ah, ça, mince. Écoute, peut-être alors. Là, je pensais que t'allais y aller, moi. Non, non, non, quand même pas. Bon, ce bref. Ce qui est bien, c'est que le 23 mars, on est. Le 23 mars, justement, il n'y a que Stan qui est original. Voilà. Juste Stan qui dénote. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez voir, vous, les gars, le 23 mars? Batman, je suis Superman. Ouais. Bah, moi, rien, mais comme il n'y avait rien, j'ai mis Batman. C'est Superman, Superman, là. Ah bon, moi, j'avais mis Médecin de campagne. Ah bah, Stan l'a mis. Hein. C'est un troll. Dim, tu n'es pas gentil, je vais couper Skype. Parlez-nous de Batman. Bah, donnez-moi envie d'aller voir Batman vs Superman et bon courage, les gars. Batman et Superman, et ils font la bagarre. Et point barre. Merci. Bon, j'ai vu trois images, j'ai juste dit c'est Zack Snyder. Ça devrait te donner envie quand même, Batman, non. Superman versus. Mais en plus, t'as vu la gueule de Batman Enfin, plus sérieusement, moi je l'ai noté parce que voilà, c'est un film tiré de comics et je suis un fan. Oui, bah, ça, je comprends. De Batman. Toi, je te pardonne. Mais au début, quand il l'avait annoncé, j'étais presque autant hypé que pour Star Wars 7, mais plus le temps passe, ouais, et moins on va dire. Ça sent mauvais. Hein. Je suis confiant avec le film. Bon, après, je demande qu'à avoir tort, hein, j'espère, mais. Ah, il sera Thor pas là, je crois. Batman il sera pas là. Blague. Même blague. Non, les gars. Passer à 3 heures, c'est plus possible, ce podcast. Hein. Non, mais c'est moi ou Batman a vraiment une tête de con dans ce film-là. Non, on a l'impression qu'il a une armure pas possible. Justement, je trouve que. Bah, il faut bien qu'il se batte contre Superman, mec. Bah, il est obligé d'avoir une armure à la Transformers. Bah, oui. C'est moche. Ouais, mais ça, en fait, dans les comics, il l'a aussi. Il est comme ça. Non mais attends, il va devoir prendre une substance pour lutter contre Superman, c'est pas possible autrement. Bah la kryptonite. Bah ouais, mais il est. Mais ça va être plus compliqué que ça, les gars. Vous avez rien compris. Il va y avoir un autre méchant. On l'a déjà vu. Attends, il va dire des gros mots. Il va parler de cul. Ça va être interdit au moins de 17 ans. Attendez les gars, parce qu'en plus, ce qui fait vraiment peur dans le film là, c'est qu'il fait, ouais, il fait 2h30, c'est déjà long. 2h40. Ouais, 2h40, mais je sais même pas si ça va être suffisant pour. Introduire tout ce que le film doit introduire, parce que c'est un film qui va. Allez, généralement, ça va être l'introduction de Justice League. Ouais. Donc, il faut déjà introduire le personnage de Batman qui n'a pas encore été présent dans les films, de Flash, de Cyborg, de Wonder Woman, Lex Luthor. Bah, Wonder Woman, on l'avance. On sait qu'il y a Wonder Woman et Lex Luthor, mais on ne sait pas trop pour les autres, quand même. Normalement, ça a été quand même annoncé. Il y a Aquaman aussi. Aquaman, il sera dedans? Ah, je pensais qu'on ne le voyait pas, tu vois. Wonder Woman, on la voit dans la bonne annonce. Ouais, on la voit. On voit Doomsday en méchant, là, l'espèce de ninja. Ça, c'est hyper raté, ça. Est-ce qu'il paraît, il y a encore un autre méchant qui va être dans le film? Oh putain! Peut-être qu'il dure 3h15. Il y a déjà 2h40. Gordon, c'est vrai, les gars, vous n'avez pas réussi à me convaincre, là, je suis désolé de vous le dire. C'est Zack Snyder. Ouais, par contre, Zack Snyder, moi j'aime bien quand même. Oui, à petite dose, moi j'aime bien. L'Armée des Morts, on en parlait tout à l'heure. Oui, non mais. Attends, qu'est-ce qu'il y a dans le film? Non, je disais juste que le film, j'ai vraiment peur qu'il soit imbuvable, parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Après, à voir, quoi. Mais bon, franchement, ouais, j'ai quand même des doutes. Hein. C'est peut-être le nouveau Cléopâtre. Hein. Ça a fini à la fin d'un studio de cinéma. Bah, en plus, ils ont investi énormément. Mais oui, hein, mais pour moi, ça a l'air vraiment une daube. Ça sent la daube, quoi. On ira plutôt voir Médecin de campagne. Et ben, moi, excusez-moi. Un film qui fleure bon la France. Et, voilà, j'ai sélectionné Médecin de campagne. Avec j'avais beaucoup aimé. Qui fleure bon la France. Avec les pipes et les écharpes. Ah, il faut bien un peu de diversité dans ce monde de brutes, chers messieurs. Ah là là mais non, mais j'ai envie. Moi, j'aime beaucoup Clusé. J'aime bien Denis Cour. Et Thomas Lettly, donc c'est son deuxième film. Il avait fait Hippocrate. Qui était pas mal. Qui était assez bien, un peu franchouillard. Comme film, je l'accorde, parce qu'il y avait un peu le côté syndicaliste de l'hôpital, quoi. Je vois les défauts, évidemment, mais voilà, moi j'ai vu ce petit film et je me suis dit ça doit être sympa. Ah, par contre, il a fait l'hôpital, là il fait un médecin de campagne. Non, mais c'est après, un ancien médecin. Le mec est médecin. Ah, je suis d'accord, mais après, c'est quoi la suite? Ah, bah après, si soit il se renouvelle pas, soit c'est fini. Enfin, c'est Morgue, c'est un film, un film avec Dupontel, Morgue. Je me mets un truc comme ça. Gynéco. Non, on va s'arrêter sur ce film. C'est la plongée en profondeur là. Oh. Médecin de campagne, moi c'est ce que j'aurais envie de voir plutôt que Batman vs Superman. Vous avez le droit de. Bah, au moins, tu seras tranquille dans la salle. C'est ça. Voilà. Ça, c'est un avantage. Ça, c'est bien. Ah, la langue de pute. Bon. Entre gens de ton âge. Double langue de pute. Bon, les gars, sortie jeu vidéo, on n'a rien vu de spécial non, en fait. Il n'y a rien. Restez chez vous. Je regarde un peu Julien, mais non, il me dit rien, donc il n'y a rien. Mais non, je sais pas. J'ai checké, honnêtement, j'ai rien vu de. T'as regardé Je crois qu'il y a Day of the Tentacle Remastered qui sort. Ouais. Voilà, mais sinon, j'ai rien vu de. Vous nous direz dans les commentaires, vous avez le droit de nous troller si vraiment on a loupé. Ça se trouve, il y a un énorme truc. Il y a Zelda. Zelda qui sort, on n'est pas au courant. Il y a un Mortal Kombat qui arrive, mais sur PC. Enfin voilà, je vois rien, j'ai rien vu de trop. Mortal Kombat, ouais, non, mais c'est une version XL du X. Oui, voilà, c'est celui qui est sorti il y a pas longtemps. Le jeu de mots XL. Bah oui. Ils sont doués. Ainsi s'achève notre podcast. Par contre, on n'a pas décidé de musique. Ah bah, si, Julien, il a déjà en stock. PNL pas. Ouais, c'est PNL. Non, pas PNL. Tu as fait peur. Qu'est-ce que tu vas nous mettre? Je vais vous mettre un nouveau groupe qui s'appelle Goonsacks. The Goonsacks. Comment tu écris ça? Attends, là. Alors, G-O-O-N, okay. Sacks, S-A-X. Okay. Donc, The Goonsacks, c'est un groupe australien dont l'un des membres est le fils de Robert Foster. Alors, pas Robert Foster, l'acteur qu'on avait pu voir dans Jackie Brown, mais Robert Foster, le chanteur des Go-Betweens, donc un grand groupe australien. Donc, The Goonsacks, c'est un groupe qui rappellera pour ceux qui ont connu les Good Shoes, qui était un groupe que j'adorais des années 2000, et surtout qui rappellera... On a peut-être plus connu. On a perdu Julien là. Vous êtes deux en France. Non, groupes. Surtout, non, mais ça rappelle beaucoup The Undertones. Bah oui. Pour ceux qui connaissent Teenage Kicks, le grand morceau des Undertones, un des groupes préférés de John Peel, hein, le grand DJ anglais. Bienvenue sur Radio Nova. Non, mais et Goonsacks, voilà, c'est un groupe qui a beaucoup d'humour, qui chante un peu les types un peu geeks, voilà, qui ont quelques problèmes amoureux. Et donc il y a du sax? Non, il n'y a pas de sax. Ah. Et Sometimes Accidentally. Il doit s'appeler comme ça le morceau, je suis de mémoire. Hein. Oui, c'est ça. C'est Sometimes ça. Accidentally. Voilà. Qui est sur leur premier album qui est sorti le 11 mars. Alors peut-être pas en France, mais on le trouve sur les plateformes de téléchargement. Chez les bons disquaires. Chez les bons disquaires. Bon disquaires. Et l'album est très très bien. Il y a au moins 4-5 morceaux qui sont top. Tu nous as mis un petit Goonsacks sur la liste Spotify ? Oui, il y est. Je l'avais déjà mis il y a quand même, je pense, une ou deux semaines. Très bien. Alors la liste, elle est disponible sur upcast.fr dans la petite colonne à droite. Hein, ouais, parce que moi je l'ai pas vu. Voilà, c'est vrai que je pensais. Je ne l'ai pas mis dans chaque poste, en fait. T'as eu raison, en fait. Voilà, vous la trouvez sur la page d'accueil. Pour ceux qui n'auraient pas suivi le podcast de la semaine dernière. C'est vrai. On parle entre nous, là. Voilà. Donc, Julien a créé une petite playlist. Upcast 2016. Qui s'appelle Upcast 2016. Donc, des morceaux récents. Bah, de 2016. Pratiquement. Parfois, il peut y avoir des choses de 2015. Par exemple, j'ai mis le morceau Vendredi de Flavien Berger. Déjà parce que je l'aime beaucoup et parce que le clip est sorti en février. Donc, dérogation. Bah, dérogation quand le clip sort. Par exemple, j'avais mis. Si tu veux mettre un truc de 1976, on t'autorise. Hein, non, parce que c'est 2016, c'est pour que les gens se tiennent un peu au courant de ce qui sort actuellement. Merci de veiller à notre culture musicale, très cher Julien. Donc, nous vous rappelons que vous pouvez trouver ce podcast sur iTunes. Si vous êtes sur iTunes, c'est sympa de mettre des petites étoiles et des petits commentaires pour nous aider à être un peu mieux vus par les gens. Bien qu'on ait déjà tellement de followers. Est-ce que c'est vraiment encore la peine? On va faire un périscope, on va balancer sur le milieu des podcasts. C'est ça. Ouais, c'est des gros cons. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, @upcastfrance. Et on a un site, upcast.fr, site sur lequel vous pouvez retrouver notre podcast légèrement chapitré. Très bien, ça suffit. Voilà. Les gens sont contents. Tiens, vous cassez plus le cul à chapitrer News par News. On y passait la nuit, Coco. Bon, enfin, j'y passais. Et c'est pas moi qui le fais, donc je peux pas. On peut le prendre au format MP3 par contre. Oui. Ah. On essaye, ouais. C'est pour Steph, ça. Ouais. C'est pour Steph. Salut Steph, si tu nous écoutes, c'est pour toi qu'il est au format MP3 sur le site. Je suis sûr que c'est pas le seul à être téléchargé. J'espère que tu apprécies. Dites-nous dans les commentaires si vous le téléchargez au format MP3, si personne ne dit rien dans le live. Non, vous êtes obligé de mettre un commentaire, du coup, les gars. Si ça se trouve, on a 40 auditeurs, t'en enlèves un, c'est quand même un gros pourcentage. Non, on le garde. Non, mais il faut qu'il se manifeste dans ce cas-là. C'est pour que les gens manifestent à chaque épisode. Très bien. Dit un petit message sur Twitter. Steph, ça fait longtemps qu'il a pas mis un message sur upcast.fr. Mais si, il l'a mis dans les commentaires. Là, cette semaine, on a mis un, on te remercie, Steph. D'ailleurs, je l'ai remercié sur les commentaires. Non, sur Twitter, la dernière fois, je l'ai prévenu qu'on avait mis le. Non, mais moi, j'ai pas Twitter. Le lien MP3. T'as pas Twitter, putain. Enfin, on fait un podcast vidéo, il a pas Twitter. Oui, je sais, c'est comme ça. Bon, bref. Mais j'ai une PS4. Il a un tatou. Il a un tatou, il a un petit Walkman cassette sur lequel il écoute Psy. Psy. Donc vous pouvez nous retrouver sur upcast.fr. N'hésitez pas à mettre tous les commentaires, on les lit, on y répond. On est toujours content d'avoir de nouveaux nouvelles. On vous souhaite de très bonnes semaines. Dites au revoir les gars. Salut. Salut, donc The Goonsacks, Sometimes Accident. Parfait, c'est exactement ce que j'allais dire. The Goonsacks, très bonne semaine à tous. Salut. Salut. What are the things I care about? care about you. I see a guy, he's pretty tall, he's got long hair and some nice hands to hold. I'll never be like him, I'm nothing at all. I don't know why you would ever like me at all. No, I don't care about much, but one of the things I care about is you. Sometimes I think about things, and sometimes I accidentally think about you. So why can you tell me?